Bienvenue dans la fucking kermesse. Bonsoir à tous, c'est la Funky Kermesse numéro 23. On aurait aussi pu s'appeler Jackie Chan et Michel, mais on ne voulait pas verser dans le Kung Foutre. Elle est magnifique celle-ci. On enregistre ce soir à Pommiers-la-Placette. Merci au maire du village de nous avoir prêté l'étable, qui sert aussi de mairie et également d'hôpital. Merci à lui. Alors ce soir, pour parler de Jackie Chan, vous l'aurez compris grâce à mon petit on aurait pu s'appeler. Il y a Zaza. Au titre de l'émission aussi. Bonsoir. Il y a Seven. Salut. Il y a J2 qui revient deux fois de suite. Hein, J2. C'est beaucoup. C'est un peu trop. Et ce soir, c'est le retour de J2 et de Zaza. C'est vrai, mais une émission. C'est l'émission du retour. C'est beau. Et le retour de l'émission. Ah, excellent. Voilà, donc je sais plus quoi blague dire. La gare rebond. Du coup. Qu'est-ce qu'on va faire en parler de Jackie Chan en long, en large et en travers? Fallait faire une blague sur les travers de port, etc. Mais bon, je vais pas le faire maintenant. Encore une fois, la fameuse blague en kit à monter chez soi. Du coup, Jackie Chan, on va parler de sa carrière, de ce qu'il a apporté au genre des films d'arts martiaux, de ce qu'il a apporté chez nous aussi en Occident. Voilà, je sais pas. Dans nos cœurs. Oui, surtout. Bah pour moi, il méritait beaucoup de choses. Voilà. Pour ce faire, il y aura plusieurs. On va faire une émission spéciale ce soir d'ailleurs. Parce que. Ah oui. Oui. Bah oui. Suite au succès du quiz de la FK 22. Retentissant. Moi, j'ai eu. Mémorable. J'ai été convoqué par Jimmy Fallon, par Conan, qui voulait prendre le segment simplement, l'adapter aux États-Unis. On est encore en train de finaliser les contrats. Et donc, ça s'appelle Les Grosses Têtes depuis 10 ans, 20 ans en France. Et bah, suite à ce succès et à une petite émission qui s'appelle en effet Les Grosses Têtes, on a eu une idée avec Stavro. C'est de faire toute l'émission avec des questions, une sorte de quiz géant. Et oui. Où on apprendra des choses. Génial. Et là, on a peut-être les 9 dixièmes des gens qui auraient été d'écouter. Non, ce sera pas. C'est alors, terminé. Alors, non, c'est pas un quiz comme d'habitude. C'est là, c'est vraiment des questions, vous allez comprendre assez vite. Du coup, ça oppose directement Zaza à J2 pendant toute cette émission. Et à la fin, le gagnant. Excellent. Non, à la fin, le perdant boira une petite lichette de la bouteille non homologuée qu'on a récupérée. Oh putain. Je ne suis pas d'accord. Offert par le Qu'est-ce capitaine que c'est Web. Ce traquenard de merde. Quoi. Le capitaine nous a offert une bouteille sans étiquette avec un liquide transparent dedans. Voilà. Donc c'est pas du spiritus normalement. Et même lui, il sait pas ce que c'est. Il nous a dit vous me direz ce que c'est. Oh putain. On se souvient du spiritus. Et il nous a demandé de ne surtout pas la ramener. Oui, aussi. Ah ouais. Et d'ailleurs, on remercie aussi le capitaine, puisqu'on a les bonnettes de l'Euro du capitaine ce et soir. Ouais. C'est beau. Les travestis. Couleur on a demandé 1500 balles, mais on a quand même les bonnettes de l'apéro. Bon, on a notre matos, mais on vole encore des bonnettes. Donc, bah, merci à lui. Hein, allez, bah, si on n'a pas un truc qui ne nous appartient pas, on se sent mal à l'aise. Pour les mariages, il faut un truc emprunté, un truc bleu, c'est pareil pour les FK. Du coup, enfin, dans Jackie Chan, il y aura aussi des chroniques, comme d'habitude. Hein, une VP fait pas de Zaza ce soir. Que fait Patrick ce soir? Ce soir, Patrick cherche l'amour. Ah. Un peu comme Moundir, qui était aventurier de l'amour. Effectivement, voilà. Effectivement. Mais là, on est sur du high level. Okay. Le mec est confiant. Non, je suis parti en exploration pour cette VP. J'ai cru comprendre. Il y a eu un travail de fond, un travail journalistique, du journalisme total, tout au fond. Je crois. Tout au fond. Steven, tu fais quoi toi ce soir? Pour le coup, je gère l'émission. Ah bah. Voilà. Je me branle allègrement. C'est voilà, ça. Voilà. Super. Non, moi, j'ai pas de chronique ce soir parce que je peux pas en faire à chaque fois. J'en ai une grosse pour la FK 24. Ouais, si le mec parce qu'il faut préciser quand même qu'on enregistre ces deux FK deux soirs d'affilée. Ouais, on avait déjà précisé ça dans la dernière et on l'a pas fait. Donc oui, on verra mais demain. Là, on le fait. Mais là, on le fait. Donc c'est là ça, on est le 20 avril, on enregistre la FK Jackie Chan. Demain on enregistrera la FK Transhumanisme. Donc sûrement beaucoup pour d'infos entre temps. De montage, ça m'arrangerait que tu ne donnes pas les dates pendant l'émission pour qu'on ne s'en rende pas compte que. Non mais nous mois. Ça nous permet de faire un disclaimer en disant que ça explique le manque de préparation des émissions. On en a eu deux à faire. Et c'est coup, vrai. Voilà. Ouais. Laissez-nous tranquille. Oui, les gens ont payé pareil, donc et ça, puis, ils seront quand même surtout, pas contents. Là on en a oui, deux. Mais nous on a été payés pareil, qu'ils soient contents ou pas contents. Faut on en a deux. On en a deux coup sur coup, mais ça fait 3 en 9 mois quand même, du coup. Exactement. Et JD, toi, t'as pas de chronique non plus? Non, je suis plus en chronique. Désolé. Ah, et toi, Stavro? Moi, j'ai une chronique, je ne sais pas si elle sera bien ou pas, mais elle est là. Elle s'appelle Pour qui Jackie Chan aurait-il voté? Parce que c'est une question qu'il faut qu'on se pose à un moment donné. Si on veut être clair et concis sur le sujet de Jackie Chan, il faut qu'on se pose les bonnes questions. Je suis là pour ça, évidemment. Voilà, un peu comme Jean-Jacques Bourdin tous les matins sur RMC. Très bien. Pardon, j'ai un blanc et vous vouliez pas qu'il se finisse. On commence tout de suite par le roule-plateau. C'est un début un peu nul, mais ça va être de mieux en mieux. Vous savez, persuadé. Vous savez pourquoi ? Parce que Zaza va nous faire un roule-plateau de Derrière les Familles. Alors, moi, j'avoue, je suis un petit peu dans l'abus parce qu'on a fait un roule-plateau musical la dernière fois où j'ai présenté un artiste rap et malheureusement, comme j'ai une vie de connard en ce moment, j'ai pas eu le temps de faire grand-chose à part d'écouter de la musique dans mes moments de solitude et j'ai écouté... Bah, ça laisse quand même beaucoup de temps pour écouter de la musique. Tu as parlé d'un autre CD du même. Non, pas du même. Il y a le nouvel album de Kendrick Lamar qui est sorti. Je l'ai écouté aussi. Ah, bah très bien. Dem, exactement, qui était très très très attendu, notamment parce qu'il a lâché quelques singles en amont qui étaient plutôt de calibre lourd. Et il faut dire qu'Amon a une très bonne acoustique parce que ça résonnait super bien en lui quand il les a lâchés en amont. Excellent. Merci. Oui. Et donc c'est un album qui est assez conséquent. Il y a une vingtaine de titres. Moins, je crois. Un petit peu moins. Ouais, il y en a 19. 18 sur l'édition japonaise, je crois. Excellent. Et en fait, c'est un album que je trouvais assez surprenant. Donc, on retrouve les bases de Kendrick, c'est-à-dire c'est un lyriciste hors pair qui joue vraiment sur la musicalité des mots et les structures internes à ses rimes, qui fait que même quand t'es pas en train de comprendre forcément toutes les paroles, parce que bon, ça reste du rap US, donc si t'as pas les paroles, tu comprends des fois un petit peu même. Oui, moi j'ai vraiment du mal à comprendre le moindre truc, mais je suis pourri. Soit parce que t'écoutes 4 fois. Ah, c'est ça, et c'est en anglais en fait. Oui, bah oui. Excellent. Ouais. Et là, ce qui est surprenant en fait, c'est que au niveau des instrus, il vient apporter une vibe un petit peu plus smooth, quoi. Avec. Ouais, mais c'est une tendance qui se retrouve pas mal, je trouve, chez Kanye et chez Childish Gambino aussi. J'ai pas dit qu'il était novateur, j'ai dit que c'était surprenant par rapport à ce qu'il faisait d'habitude et que du coup, là, il arrive dans quelque chose. Ah, mais il reste novateur de toute façon. Enfin, Kendrick, il est toujours un peu en avance sur. C'est pour ça, en l'écoutant, je me suis dit, ce truc-là ne vieillira pas, à mon avis. Ouais, c'est vachement. Pas comme Sayatsu Pakru, quoi. Exactement. C'est dans les styles musicaux qui vieillissent bien avec le temps, tu vois. T'as le côté funk surtout qu'on retrouve. Qui a été ramené sur le devant de la scène notamment avec Daft Punk dans Random Access Memories et qui ça commence quand même à dater Alex. Non mais justement et depuis t'as une vague où dans l'électro et dans le rap on a un retour du funk, on a un retour des sonorités un peu jazz Est-ce qu'on les a vraiment perdus dans le rap US rap US en fait le côté funk il y en a toujours eu quoi je veux dire il a existé dans les années 90 début 2000, ouais, début 2000 on a perdu a boom bap si tu veux ouais. Et après on a perdu ça de vue parce qu'il y a eu l'arrivée de l'électro et avec la trap en fait ça a ouais c'est ça c'est la trap en fait et là il y a un retour à ça mais un retour qui mélange la trap et ça et je pense que ce que tu dis ça s'inscrit aussi dans une volonté de Kendrick Childish ou Kanye de revendiquer leurs origines la musique noire en fait la musique africaine. Et ils en jouent maintenant et ils l'ont digéré et du coup ils s'en servent pour faire de la musique dansante presque en fait. Ouais, bref c'est malin, c'est super, c'est élégant en fait, c'est trop exactement. Bien. Exactement, élégant c'est un beau terme pour définir ça. Et puis en. C'est quoi sur FIP Il fait bon sur la bande FM. Remember syrup sandwiches and crime allowances. Vanessa nigga with some counterfeits, but now I'm counting this. Parmesan where my accountant lives. In fact, I'm down in this. You say with my boo babe tastes like Kool-Aid for the analyst. Girl, I can buy your West. Dans les singles qui ont explosé, il y a eu un énorme buzz sur ce single Humble, qui était en fait une réponse pour clasher un autre rappeur qui avait fait une chanson sur lui avant pour le clasher, Big Sean. Ah, donc c'est adressé à quelqu'un, Humble. Oui, en fait, le refrain de Humble, c'est. Bitch, sit down, be humble. Ouais. Donc en fait, il parle à Big Sean en lui disant voilà, en gros, il a sorti une première chanson avant où il le taillait. On parle du single de Grosjean, hein, c'est ça. Oui, Big Sean, exactement. Voilà. Et dans cette chanson loyale, il était là, mon premier single et went viral, tu vois, genre tout le monde l'a écouté. Et le deuxième, t'as envoyé dans une spirale. Donc, t'es un peu américain, j'ai l'impression. Voilà, non mais c'est un clip magnifique. Enfin, je vous encourage vraiment à aller le voir. Ben, le duo avec Rihanna est grave cool aussi. Ouais. Je sais plus comment il s'appelle, mais il est grave bien. Ouais, ouais. Enfin, bref, très solide. On retrouve les bases et en même temps, c'est surprenant. Bah, de toute façon, Kendrick, c'est un peu la routine de la surprise. Il fait toujours un truc de ouf et super bizarre à chaque fois et qui marche tout le temps. Donc, est-ce que c'est pas un peu aussi le rappeur qui fait l'unanimité chez les old school comme quand les rap school, US, quoi. C'est dur de pas aimer Kendrick. Bah ouais, ah, c'est fort. Voilà, non, mais parce qu'il y a quand même beaucoup de trucs de rap US qui plaît pas aux puristes. Bah, polarisme lui, Kanye vraiment... West, par exemple. Ouais, bah c'est ça. C'est vrai. Voilà, Kendrick Lamar, on vous recommande des choses. Ici, on prend position pour des artistes qui débutent. Ça fait plaisir. Est-ce qu'on va continuer sur la même lancée avec Steven? Eh ben non. Ah, d'accord. On va pas parler de musique. C'est vraiment le sens du coup de théâtre. Eh oui. Eh ben non. Personne n'y croyait. Moi, je vais parler d'un jeu vidéo. Une fois n'est pas coutume. Parce c'est que... quoi ce petit ton lent que tu as? J'aime pas ça, parle plus vite. Ah, je m'emmerde, c'est pour ça. Mais ah, alors, pardon. Autant pour nous. T'en as la marre? Ouais, ok. Non. Waouh. Wow. Tiens, bon, la donc... marre. Donc, ah, je vais bon, parler moi, d'un je vais jeu la pêche vidéo. Aux blagues dans la marre au canard. Allez, c'est comment ça ne s'arrêtera jamais. Beaucoup trop long. On fera un speed-off. Sur... Que des jeux de mots sur Kendrick Lamar. ça peut être intéressant. Quand il y a la mort, de bas la mort. Mais ce sera payant. Oh putain, stop. Je vais jamais pouvoir. Quand il y a la mort, il y a Kendrick, c'est marrant. Ouais. Voilà, donc j'ai arrêté la chaîne maintenant. C'est ouais. Bon, on peut continuer. Et le concept commence à s'essouffler. Donc je parle de jeux vidéo. Oui. Le dernier Tomb Raider. Ah, que... Encore un? Putain, t'en parles pas tout le temps de Tomb Raider? Non, justement, j'attends qu'on fasse. T'as pas déjà fait un roule plateau Tomb Raider? Si, mais sur le premier, là c'est le deuxième. Ah oui, là c'est le deuxième, pardon. Non, j'avais pas fait un. Mais il est sorti il y a un an déjà, quand même. Il est sorti, non, genre... il est sorti il y a un an sur Xbox et. Novembre 2016. Il s'appelle sur PS4. Ah oui. Il s'appelle Rise of the Tomb Raider. Exactement. Ok. Et c'est toujours avec Lara Croft? Bah oui. Bah Tomb Raider, c'est Lara Croft, du coup. Ah merde. Exactement. Bon, on a un chacun de genre la salle. Et qui a joué ici? Moi. Toi, tu y as joué? Bah, j'ai pas fini, mais j'ai joué, ouais. D'accord. C'était pas comme le premier, mais comme le premier. C'est vrai que c'est comme le premier, mais. Mais elle est à poil! Ah, non, mais arrêtez! Est-ce qu'elle est à poil? Ça fait 20 ans qu'on nous fait chier. Et poil! Tout le monde a essayé de faire le saut de l'ange dans la piscine pour la mettre à poil, ça n'a jamais marché. Les cheat codes, on y revient. Si, les mecs avaient des PC, ça avait. Non, ça avait le sprite. Il y avait des modes, voilà. Super. Bref. En tout cas, le dernier est plutôt bien. Alors, toi, pourquoi t'as pas accroché? Pas que j'ai pas accroché, c'est que c'était bien, mais en fait c'est un monde ouvert classique quoi. Tu as du craft, du coup tu peux améliorer tes choses, etc. Enfin le c'est gameplay, ouvert, c'est mais du vu, ouais, c'est... non mais c'est du vu et revu. Et t'as une carte avec qui t'indique les missions, les trucs comme ça. Oui, t'as une carte remplie de trucs à faire. Là, ça s'inscrit. Là tu peux, voilà, bah, c'est ça. C'est, ouais, c'est ouais. La, mais c'est bien fait, mais c'est la même chose quoi. Donc, c'est bien fait et surtout j'ai trouvé que l'histoire était pas mal. Ah oui. Ouais. Non, toi t'as trouvé ça pourri? J'ai pas joué assez, je te dis où j'en étais rendu, j'ai joué 3 heures. Je sais pas, moi j'ai bien il aimé. Il est défoncé quand il joue, donc il se souvient pas de l'histoire. C'est vrai. Il y a un truc qui me dérange sur ces deux derniers Tomb Raider, c'est que les énigmes sont beaucoup trop faciles. Ouais, mais on moi c'est. Je ne galère plus comme avant. C'est ce qui me permet de jouer à Tomb Raider, parce que moi j'aime pas les puzzles, voilà. J'aime pas les sudoku, j'aime pas les je sais pas quoi. Toi, dès que le dimanche, t'achètes ton petit Le Monde spécial supplément jeu. Moi ça me fait chier, du coup je suis très content que ce soit un peu plus action et Uncharted. C'est merde de pas confondre Sudoku avec les mots croisés du monde. Énigmes. Non mais c'est ça, j'ai pas envie, je suis pas là pour ça. D'accord, ah bah, très bien. Écoute. Mais c'est vrai que à la base c'est un peu une trahison les Tomb Raider originels, c'était oui. Un petit voilà. Peu ce voilà. Mix-là quoi. Les, entre des bons les vrais Tomb Raider, c'était tu passes oui, là, c'est 3 plus, heures à essayer de comprendre comment tu ouais. Passes d'un point à l'autre. Là c'est Uncharted. Là c'est trop facile. Ouais, là c'est Uncharted. C'est peut-être ce qui rendait justement les scènes d'action assez palpitantes vu qu'il y avait cette espèce de cassage de rythme aussi. Ouais, super, ouais. Donc en gros, on te met manger une tartine de merde pour que t'apprécies le plat qu'il y a derrière. Non, mais c'était pas une tartine de merde. C'est juste que ça, c'est deux facultés différentes de ton cerveau. C'est excitant quoi. D'essayer de comprendre comment tu pouvais, je sais pas, c'est parce que t'es malsain. Actionner tel levier. Forcément, quand tu te branles devant Motus, c'est excitant, mais pour les gens normaux. Non, mais Steven, il aime bien actionner des chaînes, des trucs comme ça. Manipuler des choses. Oh, la boule noire. Ah oui, la boule noire. Fatigué d'avance, putain. Et dire qu'il faut faire toute une émission. Du coup, toi, ça te plaît pas. Est-ce que tu as quand même aimé malgré ce changement de direction ou pas? Alors, oui, j'ai aimé parce que. Mais je pense que aussi, il y a un peu de mauvaise foi. Enfin, pas de mauvaise foi, mais j'aime par nostalgie aussi. Oui, forcément. Ah, c'est Tomb Raider, je suis content d'avoir un nouvel épisode. Ce que j'ai apprécié, c'est les DLC. Ah, t'as fait. Waouh, le mec a fait les. Parce que il s'est chauffé. Je crois que les DLC sont sûrement... sur PS4, toi. Ouais, il joue sur... Pardon, il PS4 joue sur... Pro. Il joue sur PS4 Pro. Ça change quoi? Bah, c'est la PS4 c'est pour les bourgeois. C'est plus cher. Ça change quoi? Il y a rien, des meilleurs specs. Si, il y a des meilleurs specs, c'est plus beau. Ouais. Super. Je t'emmerde. C'est la version de la PS4. Heureusement que c'est la France qui paye ta PS4. C'est un scandale. Putain. C'est vrai. C'est vrai. N'oubliez pas de voter. Ce dimanche. Et, mais donc, oui, j'ai bien aimé. Je ne les ai pas encore tous faits parce que j'avais l'édition anniversaire, donc il y a tous les DLC dedans. Et notamment, il y en a un dans le manoir. Et j'étais très content de retrouver le manoir. Donc, ouais, c'est vraiment le truc nostalgique quoi. Tu retournes dans le manoir Croft. Ouais, non, mais il y a vraiment un truc nostalgique. Dans le DLC. Hein. De toute façon, maintenant, faire les Tomb Raider, c'est toujours jouer aussi sur le côté nostalgique, oui. Évidemment. Oui, oui. Faire une suite de. Et notamment, tu trouves des lettres du. Vous vous rappelez du vieux qui nous suit tout le temps dans le manoir là? Bah, ouais, le Alfred de. Donc le vieux, on retrouve des lettres et des machins du vieux, et notamment mais c'est Alfred qui nous suivait et qu'on voilà. Sait qu'on mettait dans la piscine. Pourquoi tu veux lire ce qu'il a écrit? Et on mettait pas dans la piscine, on le mettait dans le frigo. Ah voilà. Si tu te rappelles. Non, c'est ça. Pourquoi et on c'est marrant. Dans le frigo. Parce qu'en fait, il suivait partout. Du coup, tu rentrais dans le frigo qui était une chambre de chambre froide. Et après, tu ressortais, tu fermais la porte. Et il y avait la légende que si tu le laissais assez longtemps, tu pouvais il se le mettait congeler. À poil. Mais c'est génial. Ouais, mais c'était pas. C'est pas un jeu qui est sorti en même temps que la canicule qui a tué tous les vieux là. C'était avant. C'était prémonitoire. Ah putain. C'est génial. Et la solution lettres, était là. Il lui dit que quand Lara était petite, elle l'enfermait dans le frigo. C'était marrant. Un petit clin d'œil qui a fait plaisir. Ah, c'était des clins d'œil qui font plaisir. En même temps, t'as fait tous les Tomb Raider, toi. Oui, j'ai un peu lâché. Même celui sur vidéo le... là. Ah, les Garden of Light et tout. Ouais, c'était... c'est ça. Oui, aussi, oui. Mais non, est-ce que t'as fait de l'Ange des Ténèbres? Alors j'ai fait c'est l'Ange des Ténèbres, mais ça m'a cassé les couilles. Bah ouais, non. L'Ange des Ténèbres, c'était pas très bien. Ok, bah voilà, Tomb Raider. Si vous aimez parler en Steven, il adore ça. Il parle que de ça. Et surtout, non. La vraie raison de sur le plateau, c'est si. Vous aimez Tomb Raider, militez pour qu'on fasse une FK entière sur Tomb Raider. Jamais. Putain. Voilà. Jamais. T'es quoi ? On la fera après la FK Star Trek. Hein ? Voilà. Non, Stargate, tu veux dire. C'est de la merde. Regardez-le. Okay. Non, mais oui, c'est vrai qu'on fait des émissions dit, sur Jackie Chan, tout ouais, ça. Oui, c'est ça, vous disiez ça, vous disiez ça il y a 4 émissions, vous disiez ça sur Jackie Chan, quoi. Non, ouais, ça, non, parce que ça n'est. Non, mais il y a eu un espèce de putsch sur Jackie Chan, parce que moi j'ai toujours dit non, et là. On se retrouve autour d'une table à parler de Jackie Chan et en vrai, c'est un peu comme quand tu te réveilles en lendemain de soirée, je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas comment on est arrivé à parler de Jackie Chan. En fait, et 2 semaines avant, je me suis dit, mais putain, on va la faire cette émission. J'ai jamais dit oui. Mais je crois que Stavro l'a juste mis sur notre Ulule. Les gens ont voté pour. C'est un putain de scandale, c'est un putsch. Mais j'aurais dû mettre Tomb Raider. Tu as du Mélenchon en toi. Bah non, mais on en a parlé ensemble, je crois, à un moment donné. Ouais, je crois, ouais, ouais, ouais, parce que je m'en sens 15. Je m'en souviens pas non plus, en fait. Donc mais ouais, non, mais c'est un putain de putsch, donc ça a intérêt à être bien. Ok, ça donc il y a quand bien. Même une ouverture pour faire la FK sur le Tomb Raider. JD, tu vas parler de quoi, toi? Alors, attention, JD, on rappelle le roi du roule-plateau. Celui qui a pris comme... Les Bounty. Les Bounty. C'est moi. C'est vrai que le mec, il est venu avec 4 livres, c'est le club de lecture. Non, je suis venu avec un bouquin. Surtout, il est venu avec ses fiches de lecture. Ouais, non, mais c'est les seules fiches que j'ai faites. Autant dire que sur Jackie Chan, je vais pas dire grand chose. Mais là, je vais parler d'un bouquin qui s'appelle Bureaucratie de David Graeber. Ouais. Alors, c'est vrai qu'au jour où vous nous écoutez aujourd'hui, Cheminade est président. et en fait, Cheminade a parlé il y a très longtemps de. Enfin. Il n'y a pas très très longtemps, mais de son bouquin favori, et c'était David Graeber. Waouh, attends, il a cité là, favori de Jacques Cheminade. Ah ouais, Jacques Cheminade. Ah, okay. Tu vois, ça c'est voilà, du lourd. Ça c'est du lourd. Et oui, c'est du lourd. Il n'y a que dans la FK qu'on parle de ça, je vous préviens. Ceci dit, peut-être que Cheminade n'a pas vraiment vraiment lu Bureaucratie, mais en tout cas, c'est le seul à l'avoir cité lors de l'émission avec les autres invités là. Attends, il a dit il faut relire Graeber. JD, il regarde le débat, il voit Cheminade qui dit lisez ce livre. Mais c'est pas pour ça que je l'ai acheté en fait. Hein. C'est juste que après j'ai vu que Cheminade, le seul truc qu'il a dit, c'est que bon. Il faut relire Graeber. Il y a pas de voilà. Souci. Mais on sait juste pour qui JD va voter dimanche. Parle-nous de ton livre, putain. Alors, qu'est-ce que c'est Bureaucratie ? Bon, Graeber, c'est un anthropologue, économiste et anarchiste par ailleurs, qui écrit des bouquins assez intéressants en général sur les problèmes économiques liés justement à leurs racines anthropologiques. Notamment, il a écrit un livre sur la dette, 5000 ans d'histoire de la dette, qui est fort intéressant. Mm-hmm. Et Bureaucratie, en fait, la thèse... Moi, 5000 ans d'histoire de la date, c'est un peu moins bien, mais ça va. Ouais, c'est meilleur. Ok, super. Wow. Donc, Bureaucratie, en fait, la thèse... C'est quoi la thèse de son bouquin? Bah, en fait, il... Il se pose des questions tout seul. Bah non, mais j'essaie de répondre. Faut bien que quelqu'un rebondisse. Parce que c'est difficile. Laisse-les parler. Moi, je t'écoute, JD. Qu'est-ce que c'est? Laisse parler les gens. Alors, JD, j'ai une question pour toi. Oui. C'est quoi la thèse du bouquin? Ah, merci. C'est exactement le genre de question que je voulais répondre. Alors, la thèse du truc, c'est de dire pourquoi on parle plus de bureaucratie aujourd'hui. Et parce que ça a été une critique dans les années 60 et tout. Et en fait, il cherche à montrer que, contrairement à ce qu'on a souvent pensé, notamment dans les années 60, la critique de la bureaucratie était liée à la critique du socialisme, et notamment de l'ex-URSS, etc. Et ce qui représentait le plus la bureaucratie, c'était les régimes staliniens, etc. Et lui, il cherche à montrer qu'en fait... Et les 12 travaux d'Astérix. Notamment, oui, c'est ça. Et la maison des fous. Et la CAF, la belle ref. Et... Bureaucratie, en fait, sa thèse, c'est que le libéralisme qui est censé justement rompre avec l'État, enfin, qui met l'administration et la bureaucratie du côté de l'État, alors que le marché est absolument libre et tout, bah lui, sa thèse, c'est qu'au contraire, que c'est le libéralisme qui produit le plus de paperasse et de bureaucratie. Donc, il inverse le truc et il va le montrer par trois thèses qu'il a fondamentales qui constituent les chapitres du bouquin. Et il essaie de montrer, en fait, voilà, le premier chapitre, en fait, en gros, ça parle de... commence par la première page déjà. Voilà, qu'on fasse les choses dans l'ordre. Non, mais moi j'ai juste présenté globalement sa thèse, c'est-à-dire c'est de dire que on vit dans d'autant plus de bureaucratie qu'on la remarque plus, en fait. Et moi, je sais qu'il y a des gens qui la remarquent plus que d'autres. Moi, attendez. Moi, j'ai juste envie qu'elle me marque. Oh, j'arrive pas à parler, aidez-moi. Et j'ai juste envie qu'elle ne me remarque pas. Voilà. Oui, c'est vrai. Mais bon, de fait, tu dois pointer tous les jours. Ouais. Non, mais par exemple, il parle de la technologie et il montre comment, par exemple, dans notre manière, nos rapports à Internet, à l'ordinateur, tout ça, le simple fait, en fait, qu'on doive retaper son mot de passe, par exemple, etc., c'est une manière de se réidentifier à chaque fois. Ouais, et en fait, termes et les conditions. En fait, on est toujours en train de signer des trucs et la technologie a rendu ça insensible, en fait. C'est assez intéressant parce que du coup, c'est forcément une critique. C'est un anarchiste, donc c'est forcément une critique du système. Oui, du système. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il montre que l'anarchiste, c'est pas juste, les babtous sauvages qui veulent casser des banques, quoi. C'est pas juste Johnny Rotten, c'est aussi des penseurs, et qu'il y a une vraie pensée de l'anarchisme. Bien sûr qu'il y a une pensée de l'anarchisme. Non, mais ça, tout le monde ne le sait pas. Et moi, ça a été. Enfin, eh bien, j'ai envie de le lire. Mais voilà. Je vous invite vraiment à lire. Bon, ce qui est intéressant, c'est que, notamment, il fait une critique de la. Parce qu'il y a toute une critique de gauche du système par rapport à la violence symbolique, tu sais. Ouais. Et ce qui est très intéressant, c'est que lui, sans nier la violence symbolique, il montre que la violence, en fait, elle est beaucoup plus réelle. Et c'est ça son premier chapitre, c'est qu'il montre qu'il y a une violence réelle et qu'il ne faut pas sous-estimer, qui est beaucoup plus forte que la violence symbolique. Et en fait, de parler en termes de violence symbolique, ça nous a beaucoup éloigné des réalités qui sont des réalités de matraquage et qu'il y a une vraie violence possible. C'est-à-dire qu'il montre par exemple des trucs qui sont hallucinants. Moi, j'ai juste, ça serait vraiment le dernier truc que je vais parler, mais il donne un exemple très bien. Il montre par exemple que les banquiers, lors de la crise de 2008, ont tous pu s'en sortir en fait en payant juste une amende à l'État. On revient à la date, du coup. Oui, en 2008, tu veux dire, merci. Ah non, pas la date sucrée. Moi, je pensais que tu parlais de la date qu'on mange, quoi. Oui, bah oui, c'est ça la blague, les amandes, les dates, enfin les fruits. Ah oh, putain, c'était beau. Non, mais moi je suis là pour. Je suis l'humour fruitier, voilà. C'est tout. Ouais. Le maraîcher de l'humour. En tout cas, ça file la pêche. Maraîcher, hein. Nous voilà. Bon, bref, oui, comment non. Ça mais... nous rappelle les raisons. Enfin, il y a. Je voulais juste. Bon, et je vais finir là-dessus. Pose ta pêche. Je voulais finir là-dessus, c'est juste que si. En plus des thèses qui sont intéressantes. C'est de la manière de parler et d'écrire qui à mon avis, est extrêmement novatrice. Et si vous aimez un petit peu ce qu'on essaie de faire, enfin ce que les mecs de l'AFK essayent de faire, c'est-à-dire de dire ça y est, c'est pour notre pomme. De donner des exemples qui sont un petit peu construits, mais à partir de trucs de pop culture, et ben vous allez adorer l'écriture c'est de Graeber. C'est la cerise sur le gâteau. Non, c'est pas la cerise sur le gâteau, c'est la manière dont le livre est créé. Ce que je veux dire, c'est que en fait, ce mec, il explique le structuralisme par l'opposition entre les vampires et les loups-garous, par exemple. Okay, mais pourquoi t'as pas commencé par ça Il donne que des exemples comme ça qui sont géniaux. Mais fallait dire ça en premier. Par exemple, il montre que l'anti-bureaucratisme par excellence, c'est la création de la fantaisie, et il s'appuie sur des thèmes de Tolkien et des trucs que Tolkien a écrit, qui était un anti-bureaucrate. Et c'est assez intéressant parce qu'il parle de la science-fiction, de la fantaisie, il parle des loups-garous, des vampires, enfin plein de trucs. D'accord. Que vous trouvez dans l'AFK. Et en gros, c'est une manière de comprendre le monde à la fois hyper intelligente et en même temps très ludique. Donc, voilà. Eh ben, très bien. Bravo JD. Moi, j'ai envie de le lire, ce livre, qui s'appelle Bureaucratie de Graeber. David Graeber. Voilà, et ben je l'achèterai peut-être. Recommandé par J2 et Jacques Cheminade. Donc quand même c'est du bon et monde. Et c'est un roux plateau qui nous donne la banane. À toi Stavro. Et bien moi je vais parler d'une série plutôt actuelle, une série qui est en... Oui bref, je vais parler de Lost, voilà. Oui, Lost, une d'actualité, série... quoi. L'actualité, ben, je suis toujours au top de l'actu, moi. Lost... Tomb Raider, Kendrick Lamar. Merci de faire un petit résumé de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Lost, on l'a tous vu, je pense. Qui l'a vu autour de la table, cette série? Non. Moi j'ai arrêté. Moi j'ai tout vu. Moi aussi j'ai tout vu à l'époque. Et là je recommence à regarder. Est-ce que tu vas t'arrêter avant la fin? Non, jamais. Oh, jamais. Et pourtant la fin de Lost. Mais combien il y a de saisons? Il y en a 6. 7. 6. Ah ouais. Il y a 6 saisons. Et justement, on peut en parler si tu veux. Mais Lost, je trouve ça intéressant de regarder ça aujourd'hui et 10 ans après, parce que j'ai regardé ça beaucoup plus jeune. Et ça souffre des mêmes défauts qu'on a revus quand on a regardé un peu Prison Break pour préparer à la FK. C'est-à-dire que ça traite... C'était de la merde. Non, ça traite pas assez. En fait, c'est des séries qui sont high concept. Prison Break, Lost, t'as le concept de l'évasion pour Prison Break, le concept de l'île mystérieuse pour Lost. Et du coup, ça oublie un peu ces personnages et ça les traite un peu de façon superficielle pour garder, pour s'appuyer plus sur le mystère et les rebondissements, etc. Et c'est dommage et on sent que ça vieillit parce que Breaking Bad ou Game of Thrones sont vachement plus. Ouais. Il y a des grosses intrigues, mais qui partent toujours des personnages en fait. Et là, je trouve que les vieilles séries, c'est ce défaut qu'on peut leur marquer, c'est plutôt de partir du bas pour aller vers le haut, ça part du haut et ça néglige un peu le bas du coup. C'est vrai, mais c'est symptomatique des séries qui sont de ce qu'on appelle l'âge d'or des séries, donc qui est le début des années 2000, on va dire de 2000 jusqu'à 2008-2009. Et toutes les séries en fait qui ont marché à cette époque-là, on peut parler on peut parler de Lost, Prison Break, on peut parler de Dexter, on peut c'est ouais, mais par exemple c'est... les Sopranos par exemple, ça contredit ouais, ça parce que avant. Ouais, c'est un peu avant Soprano, le Soprano. Ou même Six Feet Under, c'est un peu cette époque-là. Et ça, c'est quand même des séries qui, au contraire, peut-être c'est pour ça aussi pour qu'elles moi, sont restées. Pour moi, Six Feet Under, c'est un ovni par rapport à ce qui est sorti à cette époque-là. Moi, ça reste une de mes séries préférées de. Parce que pour les personnages, ils sont ouf. Exactement. Parce enfin, que ça construit, ça aurait tendance à. Mais je trouve que Jordan touche. Stavro, touche un truc du doigt par rapport aux séries qui sont sorties à cette époque-là. Ah, ouais, oui, mais après, c'est vrai qu'on a des séries qui aussi ont fait date pour ça et qui ont influencé si c'est pas vrai. Qui ont fait amende. Ça sera le thème de la FK, je crois. Mais c'est, non, mais peut-être que aussi, c'est peut-être celles qui sont plus intemporelles, quoi, tout simplement. Enfin, ouais, qui resteront plus. Mais malgré tout ça, tout ce que j'ai dit, Lost, ça reste quand même super bien, je trouve. Je suis très content de regarder parce que le mystère fonctionne, sûrement. En tout cas, les rebondissements, je suis dedans. Je me souviens pas mal de trucs, bah. Mais quand malgré tout, ça me fait plaisir de. Je trouve ça quand même bien ficelé. Certes, ce n'est que. Enfin, c'est la force et la faiblesse du truc, c'est que des mystères et que des rebondissements, mais. Que des énigmes, c'est chiant un peu, non? Non, mais disons que c'est. En plus, la série est connue pour ça, c'est-à-dire pour te foutre le cliffhanger qui va bien. Il y en a un quitte à en abuser. Ouais. Il y en a un tous les deux épisodes. Ouais. Bah, il y en a un tous les. Quasiment tous les, 20, épisodes. Les 20 minutes, en fait. Ça se finit en mode tintintin. Et ça devait être super frustrant pour les mecs qui regardaient ça une fois par semaine. Mais moi, je l'ai binge-watch à l'époque. Et... Moi, j'ai lu ça sur Rokirama, justement, que la vraie façon. Enfin, Lost. Ce que ça avait porté, c'était dur d'en parler aujourd'hui parce que la vraie façon de le regarder, c'était d'être sur les forums à l'époque où ça sortait, de faire toutes les théories du monde à chaque semaine et du coup de se laisser embrigader dans le truc. Puis de le regarder semaine par semaine aussi. Et qu'on a pu le faire pour Game of Thrones. Et c'est vrai que ça devait être plus fort à l'époque, mais je trouve que malgré tout, certes, ça a un peu vieilli comme pour la critique que j'ai faite, mais ça reste cool. Et il y a peu de séries, je pense, qui m'ont. Autant accroché, ouais, juste ça, parce que certes à la fin t'es déçu, mais comme on dit, le voyage, la destination, blablabla. Ce qui est important, c'est le voyage. Et bah c'est vrai, Lost c'est la preuve de ça. C'est la fin est nulle, mais ça m'a tellement procuré de sensations que même si je suis déçu à la fin, c'est pas grave. C'est un peu comme ta première fois. Et comme toutes les fois d'après. C'est faux. C'est un voyage rapide, par contre. On m'appelle le TGV. Le Shinkansen. Voilà, c'était le roue plateau. C'était le roue plateau, faites ce que vous voulez. Maintenant, avec tout ce qu'on vous a dit. Maintenant, on passe au sujet du jour, Jackie Chan. Yeah! Il a une belle voix, ouais, mais c'est le style de chant. Alors, On va peut-être éviter de parler sur les jingles. Ouais, ça serait pour sympa. Commencer. Ouais. Et nous partons pas à volo de parler de ci, de parler de ça, parce que là, c'est la FK grosse tête. Comme l'avait dit Laurent Ruquier dans un tweet, c'est pas soirée grosse tête, c'est soirée grosse tub, souvenez-vous. Il avait fait un tweet avec lui et Stevie Boulet, Stevie Boulet, du coup c'est ça. Et il avait dit soirée grosse tub. Donc comme nous, comme lui, comme tout le monde. Enfin, j'arrive pas à parler merde. On fait des questions comme les grosses têtes et ça permet de lancer des thèmes et de parler de plusieurs choses sur Jackie Chan. Pour le premier axe, donc on va parler assez logiquement de Jackie Chan, mais par rapport au genre dont il est le représentant, celui du film d'art martial de Kung Fu. Voilà, donc on va vous poser des questions. Donc, JD, Zaza, vous allez avoir un score parce que voir qui répond bien à la question. Ah non, mais c'était sérieux ça? Ah oui, c'est sérieux. Ouais. Ah non, on est vraiment noté? Ah oui, oui. Mais pendant toute l'émission. Et oui, pendant toute l'émission. C'est nul. Mais c'est n'importe quoi. Après, bien sûr, on va pas juste répondre à la question. Les questions sont là pour lancer un thème et qu'on en discute et on va pas. Il y a peu de questions. Il y a vraiment compétition entre nous, mais ça va être hard. C'est pour mettre un peu de suspense dans l'FK, pour mettre un peu de Lost dans notre émission. Exactement. En fait, je perds tellement tout le temps au quiz que je pense qu'ils ont voulu espérer que je gagne une fois. C'est en faisant l'histoire des énigmes. Ah non, j'en ai absolument rien à foutre de ton avis. En attendant, vu les questions qu'il m'ont posées. Quand il est vexé par quelque chose. C'est vrai. On bat les couilles. Steven, d'aucuns aiment les énigmes. Steven est une énigme. Voilà. Ah. Et ça, c'est beau. Allez, pose ta première question. Alors, pose ma pêche. Ça recycle, ça recycle. La première question. Et Zaza regarde pas. Zaza regarde pas. Ah, il a été tenté. La première question. Dans Enter the Dragon, par qui Jackie Chan se prend-il une dérouillée? Alors. Y a même pas un QCM? Ah non, y a pas de QCM. Donc Enter the Dragon, c'est un film avec Bruce Lee. Ouais. Donc c'est, il jouait. Par Bruce Lee! Eh oui! Je suis un peu con, moi, je vous ai dit bon. Un point pour Zaza! Tu vois, il y a deux manières de jouer le jeu. Moi, je lançais la discussion, lui, il jouait littéralement. La discussion, on a dit ça après. Non, c'est pas forcément. Donc je me suis bien après. Fait baiser, on peut parler c'est ça. C'est pas forcément après. Bravo. Et donc, un film de Bruce Lee. Tu l'as vu, J2? Non. C'est un des rares Bruce Lee que j'ai pas vu d'ailleurs. C'est un des. En fait, cette question, c'est pour parler justement du film d'art martial en général. Bruce Lee, c'est celui qui l'a lancé. Tout court, simplement. Non, bah, je vois que tout le monde me regarde avec des yeux. Non, bizarres. Non, je pense pas que ce soit c'est lui pas qui l'ait lancé. Non, mais c'est celui qui l'a popularisé. Qui l'a fait entrer dans la pop culture. Voilà. Ouais, et dans la légende. Dans la légende. Mais disons que ça existait quand même avant. Les films hongkongais de combat existaient avant, mais sauf qu'ils n'étaient pas du tout connus, et notamment pas du tout connus aux États-Unis. C'est ça. Oui, vous avez raison. Bruce Lee, du coup, c'est fin 60, début 70, qui fait 2-3 films qui marchent très bien à Hong Kong. Et du coup, c'est quoi le film qu'il a lancé aux États-Unis? C'est peut-être Opération Dragon. C'est peut-être Enter the Dragon du coup en VO, mais je suis pas sûr. Je sais pas, mais il y a tout un dragon dedans, donc c'est vrai. Compliqué. Ouais, et tout un dragon. Et lui-même, c'est petit dragon, donc voilà. C'est vrai. Et du coup, Bruce Lee, là, c'est le mec sur qui repose en fait le genre d'art martial dans sa démocratisation, j'entends. C'est-à-dire que c'est lui qui a ouvert la porte à ce genre-là, pour qu'il s'expatrie en dehors de Hong Kong et aux États-Unis. Et pourtant, enfin, il meurt juste après, en fait. C'est ça qui est triste. Mais c'est vrai que c'est la superstar du film de Kung Fu. Et il meurt en 73, je crois. Ouais, en gros, il fait 3 films à Hong Kong. Il fait un film qui va être porté aux États-Unis. Et le film est lancé, et là, il est déjà mort. Du coup, il n'aura même pas vu son succès aux États-Unis. Et donc, Jackie Chan, c'est plus l'anecdote que le fait qu'il ait tourné avec Bruce Lee. Parce qu'il avait des tout petits rôles. Et dedans, d'autres, d'ailleurs. Oui, il faisait de la figuration. Ouais, il jouait un élève parmi d'autres. Cascadeurs. Mais il s'est fait défoncer par. C'est vrai que l'anecdote qu'il a raconté, c'est qu'il s'est pris un gros coup de pied dans la gueule par Bruce Lee, alors que c'était pas prévu. Voilà. Et Bruce Lee est venu s'excuser. Et en fait, c'est un peu déterminé sa carrière, puisqu'après, il le dit lui-même, qu'il s'est un peu construit aussi, pas contre le coup de pied de Bruce Lee, mais aussi un peu contre l'image que Bruce Lee. Bah justement, contre Bruce Lee, oui. En fait, c'est ça le truc, c'est que pendant Bruce Lee, du coup, là, je sais pas si vous avez déjà vu des films à lui, mais c'est le héros moral, entre guillemets, qui veut faire le bien, le justicier, qui rigole pas, qui est là pour battre les méchants, et c'est tout, quoi. Il n'y a pas de plaisanterie. Y a le mec ne rigole pas du tout. Ouais, non. Et peut-être que Bruce Lee, c'est un des premiers qui a amené, je suis pas sûr, je m'avance peut-être un peu, mais dans les films d'arts martiaux, le fait qu'on aille voir un film, non plus pour le personnage, mais pour l'acteur, tu sais, comme t'as des Jean-Claude, enfin, tu vas voir un film de Jean-Claude Van Damme, quoi, aujourd'hui. Et c'est lui qui a lancé ce truc-là. Enfin, pas aujourd'hui. Jean-Claude Van Damme, aujourd'hui, en 2017, quand même. Non, dans les années 90, pardon, je suis resté bloqué, c'est vrai. Mais voilà, c'est peut-être lui qui a lancé le côté star du kung-fu, quoi. Ouais, mais en tout cas, c'était sur lui que reposait le genre, en fait. Parce que c'est lui qui l'a démocratisé avec le film dont j'ai oublié le nom, en 72, aux États-Unis. Et il meurt. Du coup, les gens, enfin, les mecs, les Shaw Brothers et compagnie, les maisons de production qui faisaient ces films-là, ils disaient, ok, notre filon qui avait l'air de super bien partir et a disparu. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a eu beaucoup de ce qu'on a appelé la Bruce Lee Spotation, avec des Bruce-leux. Bruce Lee avec un I, Bruce Lee avec 3 E. C'était que des Bruce quelque chose. Le pseudo était déjà pris. Il y a même des films où il y a 2-3 mecs qui s'appellent Bruce Lee. C'est ça, et il y a aussi le jeu de la mort. De toute façon, ils se ressemblent tous, c'était ça l'idée à l'époque. C'est chaud quand même. En fait, l'idée c'était que les gens. En gros, ils se sont dit, ouais, c'est un chinois qui fait du kung fu, on va l'appeler Bruce Lee, on va changer de lettre. Non, parce que c'est des chinois eux-mêmes. Ouais, enfin, c'est des Hong Kong. Oui, mais je sais pas, je trouve ça chaud. En fait, c'était juste pour berner le spectateur sur la pochette, tu vois. Il va voir Bruce Lee avec un I, il va. Mais déjà, Bruce Lee avait un truc particulier parce qu'il avait, étant donné qu'il a vécu aux États-Unis pendant très très longtemps et que il avait déjà vécu son rapport en tant que Chinois aux États-Unis et donc aussi par rapport à la culture occidentale. Et donc, du coup, en tant que personnage, il a peut-être pu introduire aussi sur le marché américain des mecs qui étaient purement chinois. Bah justement, peut-être un prêt comme Jackie Chan, qui aurait peut-être pas pu émerger s'il n'était pas passé, lui, par l'Occident. Ah bah c'est sûr. Et d'ailleurs, ça se voit physiquement. Physiquement, il a un côté, tu sais, un peu. Comment dire, un peu métisse, Bruce Lee, tu sais, genre. Non, moi, je trouve. Mais peut-être alors que là, je sais pas où tu vas. Pas du tout de quoi tu parles. Ouais, moi non plus. Mais... Ouais, faudrait un expert, genre Henri de Lesquin, pour répondre à cette question. Excellent. N'oublie pas d'aller voter dimanche, bien sûr. et du coup. Bruce Lee meurt, donc on va parler de la Bruce Lee Spotation, et c'est dans ce contexte-là qu'on fait appel à Jackie Chan en fait. Oui. Pour prendre la relève. Voilà, on espère de Jackie Chan qui sera la relève de Bruce Lee, le nouveau Bruce Lee. Et c'est pour ça que les premiers films que Jackie Chan fait sont des bouses. Sont des bouses. Bah, oui. On essaye un peu de faire la soudure en fait. On essaye un peu de le mettre aux côtés de grands acteurs américains comme Burt Reynolds. Non, mais avant, avant l'aventure américaine, il y a vraiment. Ses premiers films aux États-Unis, c'est ça? Oui, mais, non, aux États-Unis. Là, t'es déjà aux États-Unis. Nous, en fait, à Hong Kong, même, la prod où il est, c'est Lo Wei, le mec qui produit Jackie Chan à l'époque. Ah oui, oui, oui. Et aux États-Unis, c'est 90. Dit, lui, le. 80. Le mec, du coup, se dit, ok, ils nous font un filon, ils nous font un autre Bruce Lee. Ils prennent Jackie Chan, ils font des films à Hong Kong pour Hong Kong, voilà. Et ça marche pas parce que Jackie Chan, il est pas fait pour. Genre, en gros, Bruce Lee, c'est les films, c'est super scripté, storyboardé. Il arrive, il fait son truc, il repart, il discute pas. Et Jackie Chan, il est vachement dans l'impro, dans le truc, il fait un peu n'importe quoi. Il a envie de faire comme il veut. Et ça marchait pas du coup. Il était sérieux, le héros moral de Bruce Lee et tout. Il a fait 2-3 films comme ça qui ont pas du tout marché en fait. Ouais, ça, il l'explique beaucoup plus tard dans sa carrière en fait. On voit des interviews. Et surtout, ça lui plaisait pas. Il était pas assez libre dans ce qu'il voulait faire. C'est ce que je voulais dire. Oui, c'est-à-dire qu'il revient dessus 10 ans, 15 ans après pour expliquer justement le fait que ses premiers films en fait ne marchent pas. Parce que lui, on le verra après, mais il travaille notamment avec sa team de cascadeurs et il veut avoir complètement carte blanche. C'est-à-dire qu'il est dans l'improvisation. On parlera de son style de combat après, on parlera de tout ça, mais juste pour dire qu'effectivement le côté scripté ruine complètement son potentiel et il n'arrive pas à s'exprimer là-dedans. Ouais, c'est ça. Et il en parle. Ouais, il vit vraiment très mal la période où il est produit par Lo Wei. Du coup, c'est plus la boîte de prod, mais on s'en fiche. Par ce mec, genre Lo Wei Productions. Ouais, je crois. Et par ce mec du coup, qui voulait juste une copie de Bruce Lee qui avait Jackie Chan et ça marchait pas. Les deux étaient pas contents. Mais il y a quoi? Il y a une dizaine de films comme ça, mais ouais, après, il y a un moment quand même où ça perce. Ouais, mais parce qu'en fait, restant quand même dans son style. Jackie Chan a été sauvé par le fait que la production de Lo Wei a été un peu en faillite. Et du coup, il a été obligé de prêter Jackie Chan à d'autres maisons de prod. Ah, d'accord. Une autre maison qui lui a laissé carte blanche pour faire des films. Et voilà, c'est ça. Je crois que c'est peut-être Snake, je sais plus quoi là. Ouais, je sais plus comment ça s'appelle. Mais ouais, il y a deux films en gros, fin 70. Snake Crane. Non, c'est pas Snake Crane. Je crois pas que ce soit. Si, c'est rien ne s'appelle comme ça. Le serpent et la grue en fait, c'est ça. Ah, Snake Crane. Peut-être. Et du coup, on lui laisse un peu carte blanche. Il fait un peu ses trucs, mais quand il revient chez Lo Wei. En gros, il fait deux films où il est prêté et là, ça marche bien. Parce qu'il fait. C'est lesquels? On se souvient plus des titres, donc c'est excellent. D'accord. Mais c'est fin 70 et ça marche mieux. Et du coup, quand c'est les films de Yuen Wuping. Et c'est donc le premier film, Le Chinois se déchaîne, titre en français, et ensuite Drunken Master. Non, c'est avant ça. Ah bon? Ouais, là, on parle de truc. Parce que c'est 78. Hein. Tu disais, le débat des spécialistes. C'est super. Non, mais attends, tu, parce qu'en fait, il y a eu effectivement une dizaine de films avant Le Chinois se déchaîne, peut-être un peu plus, mais ou avec des trucs mineurs. Mais toi, tu voulais parler des films de Yuen Wuping ou tu veux parler plutôt de ceux qui sont juste avant, genre Le Vengeur, etc., qui sont pas terribles non plus. Je crois que c'est ça, oui. Ah oui, Le Vengeur. Ah, mais ça reste merdique. Bref, on s'en fiche de tout ça. C'est trop compliqué. Ah bon. Tout ça pour dire que. Pas pour parler de ça. Ouais, de toute façon, on s'en bat les couilles. Jackie Chan. Non, mais on en parlera. Revenons sur David Graber. Pardon. En tout cas. Après ces deux films qui marchent mieux, il retourne vers Lo Wei qui du coup lui laisse un peu plus de liberté. Et ouais. Là ça commence à marcher un peu. C'est là que la formule va commencer. Avec par exemple le premier film que Jackie a co-réalisé, La Hyène Indomptable. Ah oui, Intrépide. La Hyène Intrépide. Ah pardon, La Hyène Intrépide. Et Le Lion Indomptable. Si, je pense que si, ça doit exister. Mais toi, pourquoi t'as vendu le nom tout à l'heure? Moi, je crois qu'il a fait le Kaddish dressé après, je crois. C'est ça. Et il a dû faire le Dragon quelque chose. Mais Bah, d'ailleurs, il y a pas mal de films où il s'appelle lui-même Dragon. Ce qui est chaud, c'est qu'on a à peu près le niveau qu'on a dans la troisième heure, là, normalement, en termes de niveau de débat. On est un peu dans la troisième heure du podcast. Mais à vrai dire, c'est marrant, parce que le truc de Dragon, parce que. On disait tout à l'heure que genre, l'influence de Bruce Lee chez Jackie Chan, mais justement, dès que Jackie Chan a réalisé son premier film, donc en 80, le premier film qu'il a réalisé, c'était je crois que c'était La Danse du Lion, et il s'appelle tout de suite Dragon. Et tous les films après qu'il a réalisé, il s'appelle Dragon. Il se nomme lui-même Dragon. Enfin, pas tous, mais il y en a beaucoup. Oui. Et pourquoi tu disais ça? Parce que je disais que c'était certainement un hommage au petit dragon qui était Bruce Lee. Ouais, mais pourtant, on voit qu'il est en complète opposition avec Bruce Lee, qu'il peut pas faire ce que fait Bruce Lee. Le héros moral, il peut le pas mec le blairer. Arrive carré, même apparemment dans leur style de combat, c'est pas la effectivement, même chose. Ouais. Donc que ce soit dans le style de film ou dans le style de combat, enfin tout, il peut pas faire du Bruce Lee Jackie Chan. Et il a essayé, ça n'a pas marché. Ouais, ça lui convient pas. Ouais. Il s'inscrit quand même dans cette tradition. Après, il fait quelque chose de différent, mais il s'inscrit dans cette tradition du film de kung-fu. Et qui repose sur quoi en gros? C'est quoi un film de kung-fu? Un film de kung-fu, c'est une histoire généralement minimaliste. Une histoire qui sert juste à relier les scènes d'action entre elles. Ouais, mais attends, il y a plus que ça dans le film de kung-fu. Un héros moral dans le film de kung-fu traditionnaliste qui vient, voilà, pour soit pour une histoire de vengeance, soit pour une histoire de démonstration de puissance. Ouais. Bah tu regardes Five Fingers of Death, un des premiers films de kung-fu qui a marché, qu'il n'y a pas Bruce Lee dedans, mais c'est en 72, ouais, qui a été exporté par la Warner. Du coup, c'est juste l'histoire, t'as raison, c'est ça. Mec qui perd l'usage de ses mains. Voilà, et du coup, qui se fait humilier, il doit se venger parce qu'on lui a niqué les mains, et du coup, il s'entraîne avec un mec, et après, il vient buter tout le monde. Voilà. Il y a toujours ces phases-là. Au-delà d'histoire, parce que là, vous nous dites, en gros, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que les histoires, c'est un peu pourri dans les films de kung-fu, généralement. Oui, mais qu'est-ce qui fait l'intérêt? Non, mais moi je trouve pas que ça soit toujours bourri. Moi je trouve ça nul. C'est un archétype en fait. Non, mais c'est juste que c'est un archétype que tu identifies. Oui, à mais travers... c'est pas ça qui fait la valeur du film de kung-fu, on est d'accord? Non, non. Mais qu'est-ce qui fait cette valeur? Par exemple, le maître chinois, si, je trouve que ça fonctionne vraiment selon le principe de humiliation, entraînement. Et tout le kiff est justement dans l'entraînement, dans la progression du mec et dans le combat final qui montre. Oui, mais justement, voilà. C'est comme les shonen quoi. J'y viens. Si t'enlèves le combat dans le film de kung-fu, il y a plus rien. Ah bah évidemment. En fait, si on pouvait finir notre phrase, je vous demande ce que c'est un film de kung-fu, vous me dites. Mais parce qu'on n'a pas fini notre phrase, enculé. Donc, on était en train de dire qu'il y avait un lien avec une histoire minimaliste qui laisse de la place, c'était la deuxième partie de ma phrase, aux scènes de combat qui sont le cœur du film de kung-fu. Merci. Je crois qu'il y a un combat justement entre Zasa et Steven. Ah bah, on va se tataner la gueule au milieu du podcast. J'ai fait du jujitsu, mon petit. J'ai fait du judo. Mais pendant judo, ça compte pas. T'as pas le droit de t'en servir en dehors. J'ai fait du aikido pendant 6 ans. J'apprends des choses, c'est vrai. Ah oui, de mes 6 à 14 ans. Et tu sais faire des trucs encore? Bah je sais pas, on essaiera après si tu veux. Mais roulades. Je le fais qu'en slip donc. Toi du coup moi j'ai fait un petit peu de aikido pendant 6 ans quand même, c'est pas mal. Et toi Stavro? Moi j'ai fait du jujitsu. Moi j'ai fait 6 mois de karaté, j'étais ceinture blanche avec un petit trait jaune dessus, donc un peu d'aspect. Voilà, merci. Tu étais ce mec qui faisait c'est la ceinture de participation, c'est ça? Oui, je crois. En tout cas, c'est le niveau le plus bas, ça c'est sûr. L'important c'est de participer, n'est-ce pas? Exactement. Et du coup, on vient de le dire avec un peu de difficulté, ce qui est cool dans un film de kung-fu, ce qui est important, bah, c'est le kung-fu. J'aimerais bien qu'il soit écrit ça sur ma tombe. L'important, c'est de participer. Pardon, oui, excuse-moi. Du coup, voilà, dans un film de kung-fu, ce qui est important, c'est le kung-fu. Effectivement, voilà, on peut dire ça. Et bah oui. C'est ce qu'elles disent tout le temps. Bah voilà, on l'a dit. Bah maintenant qu'on l'a dit, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. Mais c'est aussi dans une façon. Un petit peu, c'est aussi dans une façon de tourner. Ce qui est important dans le kung-fu, c'est une kung-fu. D'accord. Non. Tu peux pas développer. C'est quoi l'intérêt? Tu nous as cassé les couilles pour. Donc fasse... là, on parle du côté combat. Sur ça. Et ce qui est important, c'est que les scènes de combat soit centrale à l'histoire, mais c'est aussi dans la façon dont elles sont tournées dans le film de voilà, kung-fu. C'est juste les scènes de combat, c'est la chorégraphie, c'est. Et c'est les plans aussi, parce que on peut faire une opposition après dans les différentes carrières de Jackie Chan, mais quand on compare les scènes de combat dans les films américains et les scènes de combat dans les films chinois, hongkongais, on a vraiment un focus sur une démonstration de puissance. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de faire du montage découpé pour donner une illusion de dynamisme. Non, on est vraiment. C'est pour ça que ça repose aussi sur les acteurs qui commencent à. Parce qu'on vient pour voir Bruce Lee, on vient pour voir Jackie Chan tataner du mec et on sait que c'est vrai et on sait qu'il a la capacité physique de le faire. On vient surtout pour voir des performances en fait de cascadeurs. Mais cette différence, elle n'est pas seulement entre les films hongkongais et les films américains, elle est déjà à l'intérieur des films hongkongais, entre le moment où ces films sont pourris et le décollage. C'est-à-dire que les films à partir de 78, il y a déjà une différence esthétique dans la manière de traiter. Je veux dire, c'est pour ça qu'aussi ces films sont bien. C'est que il n'a pas fait des bons films sur une esthétique pourrie. Il y a vraiment un changement dans l'esthétique et dans la manière de filmer qui apparaît avec les films de je l'ai dit tout à l'heure de Yuen Yuping là qui sera plus tard le mec qui sera le directeur chorégraphique des films de Tarantino comme enfin de Matrix notamment mais aussi après de Kill Bill et puis de ces films de kung fu quoi. Et Yuen Yuping c'est vraiment un mec qui a amené un truc de chorégraphie dans le cinéma hongkongais mais qui a vraiment révolutionné le cinéma hongkongais lui-même et Jackie Chan était un de ses premiers acteurs et je pense que c'est pas pour rien quoi. Donc voilà, je voudrais dire que au sein même de Hong Kong, il y a déjà une différence esthétique. Oui, c'est sûr. Et rebondis là-dessus. Instant Eddie Malou. C'est très clair. Ça sentait que j'ai pas écouté, je crois. c'est pas clair. C'est très clair. C'est très clair. On parlait du coup là justement, on parlait d'un. Je voulais revenir sur autre chose, c'est pour ça. On touchait du doigt ce que tu disais, je crois, à ça, qu'on venait voir quelqu'un parce qu'on savait que c'était vrai. Et je pense que vu qu'on parlait du genre d'un film d'art martial, il y a un truc assez important dont on peut parler, c'est que ça repose sur un réalisme. Ah déjà, ça y est. On commence. On commence. Ah ok, tu grilles toutes les étapes. Vas-y, vas-y. On est à la question 8. Je te laisse parler. Et il y a pour moi un réalisme qui se montre en trois choses, en trois points de réalisme. Il y a trois types de réalisme. Dans, il y a pas trop de questions en fait. C'est Stavro qui parle. Oui, parce qu'il nique les questions. Mais depuis tout à l'heure, on nique les questions. Moi, j'ai essayé d'amener la question. Nique les questions. Vas-y, parle de réalisme parce que ça m'intéresse. On en parle après si tu veux. Non, vas-y. Non, juste, du coup, ça repose, il y a du réalisme, on va dire, d'archives. C'est tu vois que les mouvements correspondent à un art martial qui existe. Tu vois, ils sont réalistes par rapport à un art martial. Ok. Ouais. Premier ben, déjà, avec Jackie Chan, ça se discute un petit peu. Parce que le mec, il est quand même un des trucs super importants, mais on en parlera peut-être après dans la recette Jackie Chan, mais il a quand même été à l'école de l'opéra. Et ça se ressent sur son style de combat, qui est justement un petit peu plus éloigné des styles traditionnels de combat que tu vas avoir dans un dojo, et qui est plus chorégraphié, un peu dense, parce qu'il a été à cette école. Oui, mais moi, là, je parle de la recette des films d'arts martiaux, sur quoi ils reposent en général. Sur Jackie Chan, okay. En même temps, du coup, est-ce qu'on a un élément de comparaison avec ce que tu dis sur le fait que est-ce qu'on connaît des films d'arts martiaux où y a pas, qui ne viennent pas de l'école chinoise, à part Bruce Lee? Bah, moi, c'est mes principales références. Je t'avoue que j'ai pas versé toute ma vie dans le film. Parce que je suis pas si sûr qu'il y ait pas de danse ou de chorégraphie, même si elle est autre dans les autres films d'avant. Même justement, moi, je suis pas d'accord avec ça. Mais vas-y, continue. Après, il y a aussi le réalisme. Il y a aussi un autre type de réalisme, dont tu parlais aussi, Alex, le réalisme cinématographique. C'est dur à dire ça. Hein. Cinématographique, ouais, c'est assez dur à dire. On fait des grands angles et des plans fixes pour montrer que c'est à train d'être fake, là, pour insister sur la performance. Donc ça c'est les scènes de combat ont l'air plus réelles, du coup, forcément, parce qu'il n'y a pas trop de montage. Et le dernier, c'est le réalisme corporel, le fait, on peut parler de Jackie Chan particulièrement, le fait que ça soit fait sans doublure et que ce soit vraiment eux qui le fassent à un moment donné. On sait que ce qu'on voit, ça a été fait comme ça, tel quel. Et du coup, je pense que ces trois types de réalisme, c'est ce sur quoi s'appuie, enfin pour moi en tout cas, le plaisir, une partie du plaisir des films d'arts martiaux. Alors moi je vois pas du tout, en fait je trouve que tous les films, et spécifiquement Jackie Chan, à cause de l'humour et compagnie, j'y reviendrai sur le burlesque, mais je trouve que justement, les films de Jackie Chan spécifiquement sont burlesques et du coup anti-réalistes au possible. Mais ils ne le sont pas tous déjà. On en reparlera du coup. Est-ce que tu veux faire une autre question? Mais indépendamment du but de l'action qu'il est en train de faire, qui peut avoir une visée comique, on est quand même dans une performance. Quand tu le vois sauter, tu sais que lui saute, et donc c'est pas un réalisme au niveau de la destination de l'action, tu vois, du sens dans lequel c'est fait, mais c'est un réalisme au niveau de l'acte en lui-même. Par exemple, mais quand tu vas voir un film américain dans un film d'action américain, tu sais que c'est trafiqué, Là vous êtes en train de confondre réel et réalisme, tout simplement, parce que vous savez, mais précisément le truc de laisse-moi finir, que c'est vrai que Jackie Chan il fait ça pour de vrai. Précisément, tu casses l'aspect d'identification immédiate au film. Ah bon ? Mais justement, c'est ça qui est ambigu dans le film d'arts martiaux. Et je pense que tous les gamins qui ont vu les films petits de Jackie Chan se disaient toujours ah putain, si tu croises Jackie Chan dans la rue, il va te casser la gueule, tu vois. Enfin, c'est un combattant de ouf. Alors que il est évident que c'est une légende. Oui, mais c'est une légende. Mais c'est marrant quand même cette identification de l'acteur au fait que ça soit un vrai bon guerrier. Et je trouve que ça fait partie du mythe du truc. C'est-à-dire qu'on imagine effectivement que le mec se bat bien, alors qu'en fait, ça se trouve, en vrai, dans une bataille de rue, il se fait éclater, quoi, ça se trouve. Pour appuyer ça, juste, est-ce que vous êtes capable de me citer un seul nom de personnage qui interprète Jackie Chan dans un de ses films? Est-ce qu'on ne dit pas qu'on va voir Jackie Chan? Mais je trouve que ça, c'est la rupture totale avec le réalisme. Parce qu'un acteur, normalement, il est là pour jouer machin ou bidule. Tu vas voir Jackie Chan qui fait des cascades film. Bon, là, on grille toutes les étapes de tout le podcast. Mais c'est toi qui as amené le réalisme là sur la table. Oui, ok, c'est pour ça qu'on en parle. Bref, je continue à en parler. C'est pas un acteur comme Marchand de fruits. C'est pas un acteur comme Gordon Lewitt, c'est un acteur. C'est un performeur. C'est un danseur. C'est pour ça que je trouve qu'on n'est pas dans le réalisme. Mais je sais pas pourquoi t'as voulu en parler maintenant. T'avais sans doute une bonne raison que tu as oublié. Mais c'est pour ça que c'est un film de genre, les arts martiaux. Parce que ça joue avec ce rapport à la réalité. Mais tu peux pas nier que ça fait quelque chose de savoir que c'est lui qui l'a fait. Et enfin, c'est une performance, c'est comme si t'allais au cirque. Mais je suis d'accord, mais le problème, c'est que là, tu t'emploies une catégorie esthétique du réalisme qui est liée quand même à l'identification du matériau fictionnel au réel pour nous montrer qu'en fait, on sait très bien que c'est Jackie Chan, on sait très bien qu'il est en train de faire des cascades et on sait même pas quel acteur il est en train de jouer. Oui, mais c'est un réalisme du corps. Au niveau du corps, c'est. C'est ça. Dans ce cas-là, Marion Cotillard, quand elle pleure, c'est un réalisme. Parce que c'est pas exactement la même chose, parce que la performance, c'est une performance du corps, mais dans le cadre de l'incarnation de son personnage. Voilà, alors que là, effectivement, il y a une espèce de séparation entre le personnage et l'acteur qui fait que. C'est pour ça que c'est pas réaliste, cette séparation entre le personnage et l'acteur. Réaliste dans le sens cinématographique du terme. Mais c'est réaliste dans le sens du spectacle, par contre. C'est ça qu'on dit depuis le début, c'est très bien en plus. Mais dans ce cas-là, on parle pas de réalisme. Dans un autre sens. Excellent. Ah ouais, t'es vraiment un trou du cul. Je vous emmerde. Vas-y, pose une question. Moi, j'ai une question. Ouais, ok. Ah, d'accord. Parce que là, on parle de style de combat, on parle de danse et de chorégraphie. Dans Drunken Master, oui, de qui le maître chinois s'inspire le style de combat de l'homme ivre? Ah, le maître? Non, alors c'est un style de combat, le style de combat de l'homme ivre. Je me souviens dans Naruto. Et ça s'inspire de, de quelqu'un ou de quelques-uns. Je voudrais savoir de qui. De Stavro. De Stavro, 4h du mat, samedi soir. Alors autant sur l'homme ivre, je suis d'accord, mais style de combat. Ah oui, c'est vrai. C'est un style de combat. Hein. Et, parce que là, tu parles d'un personnage historique réel qui a existé. Perso. Je parle de plusieurs personnages historiques réels qui ont existé. Vous ne savez pas? Des soulards japonais qui sortaient. Japonais? Est-ce que c'est pas une référence qui est, à... qui était venu occuper Hong Kong. Est-ce que ça fait pas une référence à Wong Fei Hung? Oui. C'est Wong Fei Hung. Alors le maître Wong Fei Hung. Ça ouais, il y a deux références dans la référence, c'est ça le souci. Mais ça c'est bah, ça, c'est une des réponses, référence. Alors. Ça c'est il réfère le personnage dans le film dans Game Master 1 et 2, c'est Wong Fei Hung, on pourra en parler après, c'est une légende chinoise assez connue. Là, il parle juste du style de combat. Le style de combat. Vous vous rappelez pas de cette scène dans Drunken Master où non. le vieux montre des comment dire des ah si il y a Miss O, il y a Miss voilà. O là et comment il s'appelle fait... le tu te rappelles pas non je me rappelle plus, je me souviens juste de Miss machin là qui fait de la flûte quoi et après il y en a il avez... y en a un qui porte deux jarres ouais et il y a un ah Jean-Michel non, mais tu te rappelles pas comment il s'appelle? Non, je me rappelle plus, non. C'est les 8 immortels. Mais j'ai bien envie de donner le point à qui a quand même donné deux des immortels, ce qui est déjà pas mal. Ça fait un partout. Allez, alors qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bah en fait c'est une vieille légende, je crois que ça date du 13e siècle, un truc comme ça. Et c'est un vrai style de combat, inspiré par ces personnes qui avaient des styles de combat ivres. Et le truc qu'on voit dans Drunken Master de la position des doigts, bon c'est pas très... Recourbés. Ouais, les doigts recourbés, tout ça c'est un style en fait de combat qu'on appelle le style de combat de l'homme ivre. Et qui est un vrai style de combat. C'est pas inventé pour Drunken Master. C'est pas un gag. Mais c'est souvent comme ça. J'ai lu Naruto. Mais c'est souvent comme ça, de toute façon. Enfin, il y a le truc de l'homme ivre, etc. Mais toute la tradition des styles de combat qui sont souvent liés. Bon, là, c'est lié à l'homme ivre, donc on imagine bien le personnage que ça peut être. Mais c'est lié souvent à des animaux. Hein, oui. Le style du tigre, le style de la grue, le style du serpent. Dans Drunken Master même. Le soulard, c'est pas un signe du zodiaque. Peut-être. Je suis Souda. Et ça c'est sur PMU. Le coup, tu parlais de Feng. De Wong Fei Hung. Ouais, Wong Fei Hung. Wong Fei Hung, c'est en gros, dans Drunken Master 1 et 2, c'est le personnage que joue Jackie Chan. Et c'est quelqu'un qui a vraiment existé, fin 19e. Et c'est en quelque sorte le Robin des Bois chinois, en fait. C'était un médecin qui a inventé pas mal de. Qui a inventé. Qui était chouchou en arts martiaux, simplement. Qui a eu une grande influence politique et du coup qui s'est opposé à la colonisation anglaise. Et il y a eu énormément de films sur lui à Hong Kong. Je crois qu'il y a un mec qui l'a joué pendant toute sa vie. Et il a fait 85 films en jouant Wong Fei Hung. Donc, mais d'ailleurs, il est probable. Jet Li l'a fait, Jackie Chan l'a fait beaucoup de fois. C'est vraiment une figure centrale de la culture hongkongaise. Il était une fois en Chine, Exactement, de Tsu Wark, toute la série. Justement, le style de combat qu'il a développé, ce personnage historique réel. Et basé sur les animaux. Ouais, c'est ça. Et je pense que c'est aussi pour ça que dans Drunken Master, au début, Jackie Chan joue le serpent, par exemple. Il a c'est ça, mais serpent, il faut savoir que même Wong Fei Hung, lui, c'était un élève de Moine Shaolin. Et donc, du coup, ça rentre quand même dans un truc ancestral plus profond. C'est-à-dire qu'il y a quand même un truc qui appartient pas à une personne. Non, oui. Mais il y a un espèce d'art martial ancestral qui utilise les figures de la nature et tout. Et ça va beaucoup plus loin que n'importe quoi. Ce qui est très intéressant et qui je trouve très bien mis en scène dans les deux Drunken Master, c'est justement cet aspect combat qui est avant tout de la danse. Bah, c'est génial. Parce qu'on est vraiment dans de la mimésie, c'est-à-dire dans de l'imitation des animaux, l'imitation de l'homme ivre. Ouais. Tu reconnais, c'est hyper impressionnant en fait, le combat de Jackie Chan. Dans beaucoup de ses films d'ailleurs. Le combat de Jackie Chan ivre est impressionnant Et d'ailleurs, physique. Moi je pense vraiment que c'est vraiment aussi le mec dont je parlais tout à l'heure, donc Yuan Wuping, le machin, hein, qui est le premier. Il a une ref et il a pas son nom. Plus Wuping, le podcast va avancer, moi il va bien dire son nom. Donc celui qui a fait donc, le Chinois se déchaîne et ensuite Drunken Master. Et dans le Chinois se déchaîne, en fait, le film commence, alors que les autres films en fait sont quand même bien moins axés là-dessus, commence sur un plan fixe avec un kata. Donc un kata c'est juste une représentation, c'est pas un combat, mais c'est juste une représentation de Jackie Chan qui fait son truc. Et en fait, le film est structuré autour de ces katas. Drunken Master est structuré aussi autour de ces katas, c'est-à-dire que t'as Jackie Chan au début, t'es genre qui sait pas se battre et qui va commencer. Après, t'as la scène de l'entraînement. La catastrophe. un kata, une catastrophe, c'est ça. Et après, t'as, au milieu, il va y avoir un nouveau un kata où tu vas voir qu'il va progresser. Et à la fin, le combat final, ça va être genre la preuve que ce kata fonctionne en combat. Un cataclysme. Putain, t'es magnifique. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une manière, le fait de montrer le kata, c'est une manière à la fois traditionnelle et à la fois novatrice à ce moment-là quand, pour Yuan Wuping. De montrer les arts martiaux au cinéma de déconstruire un peu la cascade finalement où tu vois un peu le et là on est là c'est pas la cascade en fait encore oui là, mais justement tu vois le matériau de base et après ils te montrent comment c'est intéressant plutôt que de montrer le produit fini mais après ça reste très traditionnaliste, c'est-à-dire que c'est des combats traditionnalistes Shaolin machin etc de kung-fu donc il y a pas de c'est pas novateur au niveau de la chorégraphie mais c'est novateur au niveau de la façon de la mettre en scène et c'est surtout novateur au niveau enfin, au niveau de chorégraphie où c'est fait, c'est-à-dire que tu vois que les trucs ils sont millimétrés, ouais. C'est pour ça que c'est magnifique. Alors moi ça me gonfle assez vite, mais il y a vraiment des combats qui sont. Bon, surtout dans Grandmaster 1 et 2, le marin des mers de Chine, il y a des vraies très très belles scènes. Là c'est encore différent, moi je trouve. Qui sont vraiment de l'ordre de la danse et on retrouve ça quand même. On retrouve l'aspect danse dans le Marin des mers de Chine, qui est un des grands films de Jackie Chan. En un certain sens, déjà dans les films de Bruce Lee, en fait, tout film de kung-fu, t'as un aspect véritablement chorégraphié. Ouais, bah, c'est pas simplement les mecs qui se marrent, mais tu vois qu'il y a un travail vraiment savoir quand est-ce qu'on fait quoi. Et ça rend un résultat vraiment magnifique. Et ça repose sur la répétition ad nauseam en fait des scènes et d'ailleurs de Jackie Chan. Mais on est plutôt dans l'ordre soit de la danse contemporaine, soit du cirque. Clairement, et c'est pour ça que je pense que c'est un truc qui n'a pas été étudié ou alors auquel on pense pas assez parce que c'est un spectacle qu'on pense violent de base, c'est des gens qui se battent et surtout d'un point de vue occidental, on va pas réfléchir à ce qu'on voit parce qu'on va juste penser en termes de violence genre ça va être des gens qui se battent alors au lieu de vous dire comment ils se battent, et là on faudrait qu'on se demande pour bien étudier le truc comment ils se battent. C'est ça. Et là, je pense à Tigre et Dragon aussi dans l'aspect chorégraphie. Encore pire là. On pourra en parler. Et c'est Yuan Wuping justement. On pourra en parler plus tard, parce que c'est un genre de film. Où ça a été digéré, etc. Donc on pourra en revenir après. Mais plus dans la seconde partie, je pense. Mais voilà, c'est ce que vous dites, c'est très vrai. Et moi, je m'en suis rendu compte pendant la FK, parce que j'ai regardé beaucoup de films de Jackie Chan en trouvant ça cool. Et là, en lisant des trucs sur le sujet, je me suis rendu compte, mais en fait, c'est pour ça que j'aime bien, parce que c'est du cirque, de la danse, entre guillemets. Et c'est impressionnant, juste. Et un spectacle. Allez, merveillement. Ouais, c'est fou. C'est fou ce qu'ils font. Et moi, j'aimerais bien dissocier, parce que tout à l'heure, on a un peu assimilé vite la cascade au kung-fu. Et je pense que c'est vraiment. On viendra peut-être après sur les cascades, je pense. Mais justement, j'aimerais bien le dissocier, en fait, si ça peut. C'est parce que je pense que tous les films de Jackie Chan ne mettent pas en avant la cascade, et notamment ces films-là, qui mettent en avant vraiment la chorégraphie. Même si y a une cascade inhérente au fait de combattre et tout, par exemple il saute entre deux jarres, sais rien, il n'est pas encore axé sur le côté vraiment cascade où là tu sais genre il fait des sauts de fou et à chaque fois qu'il fait une cascade c'est combat, c'est dans le combat. Tu vois. Alors justement pour parler de la cascade et du kung-fu et de Jackie Chan et de comment il a pu en venir à faire tout ça, à mêler les deux ou pas si c'est différent, j'ai pas écouté parce que je réfléchissais à la question que j'allais poser. Une question. Bien sûr qu'il nous a envoyé par madame... Non, j'ai pas de jeu de mots, j'arrête. Où Jackie Chan a-t-il rencontré Sammo Hung? Alors, à l'école de l'opéra chinois. Ouais. Attends, mais j'ai un bonus. Et il fait partie avec Yuan Biao, les trois, de l'école des sept... C'est pas une école. Non, ou de la bande des sept merveilles. Ou sept... C'est une troupe, oui. Sept petites merveilles. Les sept petites merveilles. Ouais, c'est un bonus, ça. Je l'ai dit avant lui, quand même. Oui, t'as un point. Merde. Du coup, un point pour ça. Effectivement, on peut en parler. Du coup, Sammo Hung, déjà, qui c'est? Qui c'est Sammo Hung? Je pense que Sammo Hung, c'est un gros, tout sympa. Tout le monde le connaît à cause du flic de Shanghai. Bah ouais, Marshall Law en VO. Ouais. Le flic de Shanghai, c'est la série de mon enfance. C'était excellent. Le connaissais avant. Ouais, mais enfin, un gros qui sait se battre et qui était un... Moi, j'étais heureux. J'étais ok, c'est lui, c'est moi. Nous. Surtout, il est tellement drôle. Il est tellement drôle. Et Sammo Hung, du coup, c'était quelqu'un qui était à l'opéra de Pékin avec Jackie et plein d'autres. Et Yuan Biao. Et voilà, il était un peu plus vieux que Jackie Chan et il martyrisait Jackie Chan à l'école de l'opéra de Pékin. On les imagine super potes, mais c'est vrai que quand ils sont devenus potes après, mais apparemment au début, ils s'aimaient pas trop. Et après, il y a des moments où ils s'aimaient moins aussi quand même. Mais du coup, oui, Jackie et tous ceux-là ont été éduqués pendant. Enfin, Jackie, il est resté 10 ans à l'opéra de Pékin. Et ça avait l'air, c'était de 5h à minuit, on s'entraînait. Oui, ça avait pas l'air très rigolo. On s'entraînait 18h par jour. Dans le règlement de l'opéra, il y avait écrit si l'enfant meurt des coups, c'est pas de notre faute. Ah ouais. Non, c'était, ils avaient le droit de les tuer. Surtout que ses parents. C'est pas dans le programme de Fillon, ça. Je crois que ses parents l'ont abandonné, je crois, dans cet opéra. Ils l'ont pas trop abandonné, mais ils ont dû partir. Ouais, ils sont partis en Australie. Ils ont dit, bah nous, on te laisse là. Allez, On va plus tard. Et il a raconté que les premiers films sur lesquels il a tourné à faire le cascadeur dans l'ombre et tout, il était super content parce qu'il était pas à l'école. Et il se faisait pas taper dessus. Il se faisait pas taper dessus par son maître. Et c'est pour ça qu'il a voulu faire du cinéma. Il fait ok, en fait, quand je suis là, je me fais pas taper dessus. C'est moi qui tape. C'est ça. Et du coup, ça l'a un peu motivé à faire du cinéma en fait. Ce qui est une motivation comme une autre. Hein. Mais c'est vrai que le trio, notamment entre donc Sammo Hung, Jackie Chan et Yuen Biao, donc ils viennent de cette école, ils sont hyper. Enfin, quand t'as vu pas mal de films de Jackie Chan quand t'étais jeune, ils sont. C'est hyper séduisant en fait leur trio. Bah, on les a fait sans une complicité. Je crois que dans les scènes de combat communes, il y a cette vraie complicité. À Hong Kong, on les connaît tous les trois, ils appellent les trois frères. Et je me dis, pour un Hongkongais qui débarque en France et qui veut faire un petit film et qui mate les trois frères, il va se dire ah, nickel, Sammo, Yuen, Jackie. Et là, il voit Didier Bourdon, Pascal Légitimus. Et il fait ah, c'est pas les trois frères français, ils sont quand même. Ils se battent moins bien. Ils sont pas allés à la même école. Niveau chorégraphie, c'est pas la même chose. Et c'est intéressant, on parlait de ça, du coup cette question était, on parlait des cascades juste avant. Il y avait un truc à faire sur 100 patates, mais ça allait trop vite pour moi. L'éducation qu'ils ont reçue, enfin mêle le cirque, la danse, le combat, le chant. Tout était fait d'un coup. C'est vraiment une école de cirque en fait, au sens. C'est pas l'opéra au sens où on l'entend nous en Occident. Oh ouais, pas comme ça. Non, c'est une école de cirque. On parle burlesque aussi. Aussi. Attends, on parle évidemment burlesque, mais c'est cirque, mais c'est quand même une école de kung-fu aussi. Enfin, Oui. Ils ont pas appris le kung-fu en plus, quoi. Non, ça marchait à la baguette là-bas. Non, mais je veux dire, c'est vraiment un. C'est pas l'opéra comme chez nous, où c'est purement du chant. Là, c'est vraiment un truc d'art du spectacle c'est total. C'est plus Danse avec les Stars que The Voice. Tu veux dire que Sammo Hung chante aussi? Probablement. D'accord. Ça, j'aimerais trop voir ça. Mais du coup, ils ont commencé. En fait, ça a créé des cascadeurs, ça, avant tout. C'est ça, avant tout, ils sont cascadeurs. Quand Sammo Hung sort de l'école de Pékin, je crois qu'il se fait plus ou moins tège. Alors, il dit bah, allez vous faire foutre, moi je vais faire du cinéma. Il joue aussi dans un film de Bruce Lee d'ailleurs. Aussi, ouais. Et ouais, Sammo s'est fait une carrière de chorégraphe en fait. Ouais, de cascadeur. Et il a recruté avant tout. Enfin, il a aidé Jackie Chan à s'insérer dans lancé, le monde des cascadeurs. Mais parce que c'est avant tout des cascadeurs. Avant d'être des acteurs, en fait, c'est ça, c'est que c'est des cascadeurs. Ouais, c'est ça que l'arrivée de Jackie dans le cinéma n'était pas naturelle. Il aurait pu être cascadeur toute sa vie sans jamais qu'on le voit en tête d'affiche, en fait. Il n'était pas fait pour ça, entre guillemets. Ouais, c'est aussi, je pense, une spécificité de ces films-là, de Kung Fu, de permettre à des cascadeurs de devenir des acteurs. Mmh. Chez nous, un cascadeur, il pourra devenir un acteur, mais c'est quasiment indépendant du fait. Mais pourquoi vous les appelez cascadeurs, en fait? Enfin, parce que moi, c'est juste des second rôles de Kung Fu. Non, parce qu'en général, ils font les cascades pour des doublures. C'est ça aussi qui fait la spécificité de Jackie Chan, c'est qu'il a pas de doublure, c'est-à-dire qu'il a pas de cascadeur qui le remplace. Mais Jackie Chan, est-ce qu'il a jamais doublé quelqu'un? Parce que Yuen Biao, oui, il a doublé Bruce Lee. Parce que vous savez comme vous avez vu le Marin des Mers de Chine, il ressemble vachement à Bruce Lee. C'est un personnage très fin et tout. Et donc il aurait doublé Bruce Lee dans La Fureur de Vaincre. Mais de toute façon, oui, les acteurs, ils sont généralement doublés, comme dans le cinéma occidental. Oui. Mais je te dis, la spécificité peut-être de ce cinéma-là, c'est d'avoir permis à des cascadeurs de faire eux-mêmes du cinéma. Quoi. Oui. Et en temps, parce que leur métier de cascadeur les aide. Aujourd'hui, dans notre cinéma occidental, t'es cascadeur, ça ne va pas vraiment t'aider à devenir acteur. Mais il y en a peut-être quelques-uns. Hein. Oui, mais c'est quasiment indépendant. Il est devenu acteur. Ouais, c'est vraiment une des spécificités de Jackie Chan, c'est qu'il a sa team à lui et qu'il y a la complicité... avec ces mecs-là, qui fait qu'il a jamais voulu taffer avec d'autres mecs d'ailleurs. Ouais. Donc quand est-ce qu'on parle des multiples contusions de Jackie? Bientôt. vu qu'on est juste dans les détails. Suspense. Vu qu'on est dans les détails biographiques, j'ai juste envie de sortir un truc rigolo. Faut juste que je retrouve ma feuille. Parce qu'il a eu plein de prénoms et de surnoms, Jackie Chan. J'ai pas tout compris comment. Il a eu celui qui veut devenir le dragon, en référence à Bruce Lee. Ah, surtout quand il est pour la rivalité. Et voilà, je me souviens plus de son nom. Pao Pao. Quand il est né, ouais, on l'a appelé Pao Pao parce que. Ça veut dire la brioche en gros. Non, ça veut dire le boulet de canon. Oui, ah oui, c'est ça, le boulet de canon, parce qu'il faisait 6 kilos. Il a pris ce surnom dans le film de Hitmonchan en 78, La chèvre boiteuse, je crois. Oui, c'est ça. C'est... Avec Pierre Richard. Mais en fait, en gros, quand il est né, exact. Le nom qu'on lui a donné, ses parents, il veut juste dire « né à Hong Kong ». C'est-à-dire que ses parents n'avaient pas beaucoup d'ambition pour cet homme. Celui qui venait derrière le dragon, le boulet de canon, juste, il est né là. Ouais. Jackie faut pas qui être est né dans un bled pourri, hein, parce que moi, à côté de chez moi, il y a Chieur au bois. Mais à Chieur au bois. Bientôt sur vos écrans. Bon, c'est juste une petite anecdote en plus. Oui, du coup, il a eu plein de noms. Donc Jackie Chan, mais ça, j'ai pas compris, faudrait qu'on m'explique. Ouais, Jackie Chan, c'est un pseudo. Il a pris ce nom quand il était en Australie, vite fait. Un mec l'appelait Jackie. Il a travaillé dans le BTP. Espèce de Jackie. Il a travaillé dans le BTP avant. Il a rencontré Michel et il a fait Ah, Jackie. Non mais vraiment, c'est un de ses potes sur le chantier qui l'appelait Little Jackie, je crois, et il a gardé ce nom là quoi. Ah mais heureusement qu'il est pas allé en France hein. Ça s'appelait Michel Chad ou Roger Chad. Ça aurait été pourri. Roger Chad. Mais j'ai pas compris, ça doit être quelqu'un qui s'y connaisse en culture asiatique, nous explique pourquoi il a plein de noms. Je crois que son maître aussi lui a donné un autre nom. Ouais, mais non, mais je crois que c'est assez traditionnel. Au créateur de l'école ou je sais pas quoi. Ouais, un truc comme mais ça, c'est très traditionnel en fait, de à chaque fois que tu passes une épreuve et que tu passes à un âge adulte ou que tu passes à un âge, tu vois, genre l'adolescence, l'enfance à l'adolescence, t'as un nouveau nom. Enfin, par exemple, mais je sais pas si c'est spécial, enfin, si la Chine c'est comme ça, mais il est possible que, comme c'est des sociétés qui sont hyper initiatiques, notamment ce qu'ils faisaient, que ça soit le cas. Et ben ça expliquerait tout simplement. On s'est un peu éloigné du parcours de Jackie Chan pour rentrer un peu plus dans les détails du genre de film art martial. Pourtant, Jackie Chan fait beaucoup de parcours. Pardon. Pour rentrer dans des considérations sur le film de genre, sur le film d'art martial en général ou sur l'intérêt de ces films par la chorégraphie ou les cascades, réalisme. On va essayer de revenir un peu sur son parcours avec une petite question plutôt bien sentie. Ah, regarde, il voit les réponses là. Dans quel film érotique Jackie Chan a-t-il joué? All in the Family! Ah putain! Cause it's all in the family. Ouais, il n'y a pas grand chose à dire de plus que le ça. Le seul Jackie Chan que j'ai pas vu, quoi, merci. C'est le premier film dans lequel il ne fait aucune cascade. Oui, c'était dans les années 70. Mais l'amour n'est-il pas une cascade en soi? Ah, ça dépend qui le pratique. Pardon, je sais qu'avec ta mère. Allez! Est-ce qu'il pratique dans le film? Est-ce qu'il y avait juste une question sur ça ou est-ce que ça permettait quelque chose? Ça permettait rien du tout. Ça permettait de dire que Jackie il a fait du porno, hein. Eh, y a pas que Jackie et Michel, hein. Y avait Jackie Chan. Mais est-ce qu'il joue un truc pornographique ou il est juste acteur comme ça qui passe par derrière? En fait, c'est une comédie érotique, All in the Family. Et en fait, il vient au bout d'une heure dans le film, il arrive pour faire une scène et c'est tout quoi. C'est vous qui avez commandé les pizzas pendant le début du B7. Putain. Et non, ça implique pas spécialement grand chose comme digression, comme considération. C'est juste pour dire qu'on reste, on revient dans les années 70 où on a dit qu'il arrivait pas à être Bruce Lee et du coup il galérait sa mère à faire son métier d'acteur et il a pris ça parce qu'il fallait qu'il mange en fait simplement. Il l'a dit plus tard, bah ouais, je galérais. Vu que ses films marchaient pas et qu'il faisait quelque chose qui lui convenait pas, à savoir Bruce Lee, il a dû faire ce film là aussi. Je crois que c'est un peu l'excuse de toutes les personnes qui commencent dans le porno quoi. Fallait bien que je mange. Mais c'est vrai, et du coup, et pour dire, bah ils ont bien mangé du coup. Allez. Vu qu'il en a vu. Donc ça faisait un petit moment que Stavro voulait parler de porno quand on parle de Jackie Chan, donc visiblement il vous a sorti une question sur ça, mais il n'y a pas de suite. On vient d'expliquer la suite, c'est pas la peine. Ouais, mais est-ce qu'on peut en parler? C'était un retour aux années 70 ou pas du coup? Maintenant, je voulais pour revenir sur son parcours en fait, pour continuer un peu le déroulé. Mais est-ce qu'on peut parler plus précisément du coup, comme on parle de son parcours, de son opposition, notamment dans son style, à Bruce Lee? Bon, on l'a fait. Bah, non, on l'a fait. Non, justement, esthétiquement. Bah, avec plaisir. On n'a pas, on a pas détaillé exactement parce que c'était parce que effectivement, on a dit que Bruce Lee c'était quelqu'un d'assez sobre, le vengeur, le justicier, etc. C'est pas le même type de personnage qu'ils incarnent, ni de héros entre guillemets. C'est ça. Et je trouve que la nouveauté de Jackie Chan, c'est un peu de rompre avec le côté austère. Du vengeur, du Robin des Bois, etc., pour amener quelque chose de comique qu'on trouve dans la bagarre elle-même. Par exemple, c'est pas rare que Jackie Chan il sache marcher sur le pied en pleine bagarre et que du coup il fasse une grimace. Ouais. Bah là, on rentre directement dans la formule Jackie Chan en fait, le style. Parce qu'on a parlé de ce qu'il n'avait pas réussi à faire en imitant Bruce Lee et on a parlé des films qu'il a commencé où il avait plus de liberté. Et cette liberté plus grande lui a permis d'imposer son style, sa formule à lui. Et c'est lui qui l'a créé, clairement, la comédie de kung-fu en fait, le kung-fu comédie. C'est Jackie Chan qui l'a inventé. Comme est fou. La Kung Medi. Dis-toi. Mettez-lui des coups, justement. Hein. Excellent. C'est me perturbe. Et pour le coup, là, je pense que ça commence véritablement là où on voit la vraie naissance du Kung Fu Comedy. Je pense que c'est avec Drunken Master. Drunken Master, ouais. Là, c'est. C'est pas là où il se bat avec un poulet? Non. Il y a un film où il se bat avec un poulet. Je sais bien. Bon, du coup après quoi. Toi t'es au top de l'info pour l'instant. Je le retrouverai. Mais c'est vrai qu'après c'est le film dont on vient de parler. Après ce moment-là, ils sont rares les films de Jackie Chan, même dans les années 90, où il est absolument que sérieux. J'en ai trouvé un ou deux. Par exemple, il y a Crime Story. On y reviendra peut-être. Peut-être qu'on y reviendra après. Mais juste du coup, vu qu'on parlait de la formule de Jackie Chan, on va l'expliciter. Donc t'as raison. Bruce Lee, il avait des personnages plus sombres, de vengeurs et tout. Jackie Chan, ses personnages, c'est un peu des ratés. Au rigolos, début, ils sont gentils, sombres, mais il est nul. Donc ouais, et quand il fait ses personnages, c'est des personnages que les gens, enfin que ça, dont la famille se moque, il est souvent un peu nul, il galère un peu, il est maladroit, mais il est quand même très gentil, de bon cœur. Mais c'est pour ça que je parlais, et là je vais pouvoir en parler beaucoup davantage de l'aspect burlesque. Alors, juste, bah, je te lance. Vas-y, parce lance-moi. Que, en plus de ces personnages qui sont pas comme ce Bruce Lee, c'est les chorégraphies où là il y a de l'humour même dans les combats. Ouais. Eh oui, c'est ça. Et c'est ça qui est la particularité fou dans les films de Jackie, c'est que justement, en plus, c'est pas seulement un combat technique stylé de kung-fu, c'est pendant les combats, comme tu le dis, il se fait marcher sur le pied, il se prend un truc. Et il fait des grimaces. Il fait des grimaces. Je trouve qu'on saute un peu une étape parce que ça, c'est un symptôme du personnage qu'il crée. C'est-à-dire que comme on n'est plus, pour moi ça fait partie de la formule en fait. Comme on n'est plus dans l'archétype du personnage, lui il joue tout le temps un personnage qui est pas en situation de force, qui est un peu, qui sait pas trop ce qui branle là et qui se retrouve malgré lui dans des situations où il est obligé de se battre, mais à chaque fois il cherche jamais, enfin rarement en tout cas la baston dans les grands films qui l'ont fait connaître et il se retrouve dans ces situations-là et donc c'est le côté impromptu, le côté surtout, du coup je me bats avec ce qui me tombe sous la main et côté burlesque parce que on m'attaque, il faut que je réagisse. Et ça permet l'initiation, le fait qu'il soit nul au début, du coup ça permet de lancer le film dans une quête d'initiation jusqu'à temps qu'il devienne très très bon, tout en gardant son humour et sa maladresse. Systématiquement, parfois il a déjà ses capacités dès le début du film. Surtout, je pense que ce que je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis et notamment ça se voit dans le combat où il commence toujours en situation de faiblesse. Ouais. Par rapport à son adversaire, il est jamais en situation de force ou à armes égales comme peut l'être Bruce Lee il va battre parce qu'il est le meilleur. Jackie Chan, il est en situation de faiblesse, il est obligé de jouer avec le décor, de faire ce qui donne lieu à des scènes magnifiques. Soit des scènes où il est en sous-nombre, par exemple, il va se trouver face à 20 personnes. Bah, ça c'est un truc assez connu dans le film de kung-fu. Je pense c'est une référence à Rush Hour par exemple où il y a une scène où il commence attaché à un volant de voiture en fait. Et donc il doit se démerder avec ça. Il y a énormément de trucs comme ça où il commence attaché à quelque chose, il commence avec un désavantage. Ouais, c'est ça, dans la formule Jackie Chan, il y a l'environnement clairement. Ça aussi c'est un symptôme du personnage, c'est-à-dire que c'est un mec qui est en situation de faiblesse, qui n'est pas le grand maître qui maîtrise tout. En fait, je veux juste insister sur le fait que ça soit présent dans la chorégraphie et que je pense que vu que c'est un chorégraphe et que ça, il l'a travaillé, c'est le personnage, on en a dit tout à l'heure, enfin à mon avis. C'est pas si important, certes ça lui correspond bien de jouer des personnages un peu bébêtes ou niais etc ou drôles, mais on dit ce qui l'intéresse c'est de travailler les combats et c'est là que son style se développe et c'est pour ça que t'as sûrement raison, mais moi j'ai envie d'insister vraiment sur le côté chorégraphique, mais c'est parce qu'il pose ce personnage qu'il peut se permettre logique interne au film de faire ça et de donner, en fait il pose les bases pour créer l'espace de son expression de la formule Jackie Chan dans les combats. Et pour rebondir là-dessus et pour confirmer ce que tu disais, c'est pour ça aussi que un des premiers films qu'il a fait connaître, on disait tout à l'heure, c'était Drunken Master. C'est aussi parce que peut-être que l'esthétique du combat du mec bourré, c'est typiquement le truc qui en même temps il est bon et en même temps il est drôle. Ouais, le mec bourré justement. Et si cette formule de Drunken Master a si bien marché, c'est justement parce qu'elle synthétise ce truc, le mec qui se bat bien. Dans Drunken Master 2, c'est ça aussi. J'ai pas vu le 1, j'ai vu que le 2, donc qui est de 94 je crois. Et c'est ça, c'est il y a des moments où il se bat bien, après il boit trop, du coup ça part un peu en vrille, il commence à faire n'importe quoi. Et donc on est toujours entre le kung-fu et le burlesque, donc tu voulais parler Steven je crois. Oui, et bien, je vais lancer ça avec une petite question. Ah, excellent. Dans Le Marin des mers de Chine 1 et 2. Ah non, pas le 2. À qui Jackie rend-il hommage? À quel grand cinéaste? À ses parents. Rend-il hommage? Ah putain. Ah ouais, non, c'est dur comme donc question. Normalement, c'est quand même assez basique. John Woo. Sergio Leone. Bah oui, je sais. Non, allez, c'est pas... on va. Ah pardon. Non, je sais. Buster Keaton. Ah, pas loin. Bah ça c'est Buster Keaton. Ah non, pardon, La Chute de l'Horloge, je sais comment il s'appelle, c'est l'autre, c'est lui. Non, c'est l'autre. Allez, je l'ai mais je l'ai pas. Et c'est on lui donne le point, c'est celui qui est dans l'horloge quoi. Harold Lloyd, pardon. Voilà, donc dans l'horloge, le film de l'horloge c'est dans Monte là-dessus et dans l'autre film porno de Jackie Chan. Non, ça c'est un film de Lloyd. Et dans c'est la fameuse image du mec qui est suspendu à une horloge et c'est hyper connu dans le monde du cinéma. Non, tout le monde croit que c'est Buster Keaton mais en fait c'est Arnold Lloyd. C'est Lloyd, ouais. Et en gros, il est suspendu à une horloge sur un gratte-ciel et puis tu as l'impression qu'il va se casser la gueule. Et dans Le Marin des mers de Chine, on a cette scène de Jackie Chan suspendu à l'horloge. Oui, d'accord, je la vois, mais j'avais pas capté la référence. C'est vraiment un hommage direct à Harold Lloyd. Et dans le deuxième, c'est une référence aussi à Lloyd dans Le Cadet d'eau douce, avec la façade qui tombe. Tombe sur lui. Ouais. Non, mais ça, c'est Buster Keaton, ça. Ouais, c'est Keaton. La façade, c'est Keaton. Il y a un mur qui tombe sur le mécano. C'est dans le mécano, ça tombe et en fait il s'en sort parce qu'il y a une fenêtre là où il est. Du coup, il est pas touché. Il est pas touché par le mur. Et sauf que Jackie, il la transforme un peu. Ouais. Et sauf que chez Jackie, il y a pas de fenêtre, c'est du bambou et ça lui tombe sur la gueule. Lui, il va toujours un peu plus loin. Parce que pareil, Lloyd sur l'horloge, il s'est pas vraiment mis en danger en fait. Enfin, en fait, c'est assez intelligent parce que du coup, de cette manière-là, il montre son apport à l'histoire du cinéma. Ouais. C'est justement lui, c'est justement d'être l'acteur qui va pas jouer avec l'effet spécial et qui va prendre les conséquences du réel pour le coup. Ça peut revenir sur notre définition un peu biaisée qu'on a donnée tout à l'heure, mais c'est un nouveau réalisme du cascadeur, c'est-à-dire que lui, bah, il subit. Mais là, c'est plus proche, pour le coup, c'est plus proche de Keaton qui lui subissait vraiment. Ouais, mais en même temps, Keaton il passe toujours à travers. Bah oui, il se casse la gueule, etc. Lloyd il s'est coupé deux doigts sur un tournage. C'est vrai que c'est aussi un cascadeur. Il se fait marave. Alors, je voulais vraiment parler de ça parce que. Burlesque. Qu'est-ce que c'est le burlesque? Le burlesque. Alors, étymologiquement. Petit exposé. Ça, il a fait un regard, genre j'en veux pas, je vais laisser voir. Le burlesque. Alors, c'est Rabelais au 15e siècle. Du burlesque au cinéma pour le coup. Donc, les films de Buster Keaton. Harold Lloyd et Chaplin, notamment, il y a aussi Laurel Hardy, ça fait partie du. With Funès. Non, pas vraiment. Il a essayé, il a perdu. Je sais pas, Laurel Hardy. Un destin très funeste pour Zaza. Souvent, c'est lié au cinéma muet, c'est-à-dire qu'on a besoin de mettre en avant quelque chose de très chorégraphié. Bah, très corporel, oui. Très corporel. Et surtout des cascades avec énormément de chorégraphie, des personnages qui parlent. Des gags aussi, je crois. Tout repose sur le gag visuel en fait. Et c'est ça qu'on retrouve exactement chez Jackie Chan, c'est le gag visuel, mais aussi ces personnages-là, que ce soit Keaton, Lloyd ou Chaplin, ils incarnent un personnage à travers plusieurs films. Ils peuvent incarner tout et n'importe quoi, le policier, le ceci, le cela. On sait qu'on va voir un Chaplin et que c'est Charlie Chaplin qui joue. Ouais, c'est pas loin que d'aller voir le Jackie Chan. Mais quoi. C'est ça, c'est aller voir le Jackie Chan parce que tu vas voir une performance avec des gags visuels et avec cette sorte de situation de faiblesse, parce que ces personnages-là, Chaplin, c'est un peu le type un peu paumé. Ça crée une fragilité. Et... Ouais, il y a une certaine fragilité. Et en même temps, c'est pas une fragilité, je trouve, dramatique d'un truc qu'on peut partager. Parce que c'est pas une faille. On les comprend jamais vraiment, ces personnages. Ouais, Chaplin, tu t'identifies pas pleinement au personnage parce qu'on comprend pas. Ouais. C'est des archétypes, quoi. Il y a toujours une petite part un peu absurde dans le burlesque où on saisit pas très bien pourquoi ils font ce qu'ils font. Mais on voit bien qu'ils sont un peu paumés, qu'ils sont pas aidés et pourtant ils arrivent à faire des grandes choses. Oui, on rit avec eux, mais aussi à leurs dépens, en fait. Un peu, ouais. Un peu. C'est un peu en même temps, c'est un processus d'identification très fort aussi. Parce que comme ils sont pas très très profonds psychologiquement, tout le monde peut s'y reconnaître. Ouais, mais du coup, je pense que là, c'est toi. C'est ce qui fait l'anti un peu réalisme de ça. C'est-à-dire que on va pas s'identifier parce qu'on a vécu les mêmes choses ou parce que je sais pas quoi, mais parce qu'ils sont un peu paumés, donc tu essaies de comprendre un petit peu ce qu'ils font. Et surtout, je trouve que dans les films du burlesque américain des années 20-30, comme dans les films de Jackie Chan, tous les gags visuels, toutes les chorégraphies, elles sont, comment dire, pour le coup, complètement irréalistes. Alors même qu'elles sont réelles, au sens où c'est des cascadeurs qui les font pour de vrai. Mmh. Mais c'est complètement irréaliste. Quand tu vois Jackie Chan se battre, personne ne se bat comme ça dans la vraie vie. On est d'accord qu'il le fait pour de vrai, mais je sais pas, Drunken Master, c'est irréaliste. Oui, personne peut se battre comme ça bourré. Mais et puis même dans les tricks qu'ils utilisent, j'ai vu un documentaire sur Jackie Chan, Stunt Master, je crois que ça s'appelle, où il explique comment il fait ses cascades. Et par exemple, dans le côté burlesque, vous remarquerez qu'il y a souvent des éléments du décor qui explosent un peu dans tous les sens, notamment les objets qu'il va utiliser pour se battre. Et il montrait qu'il avait des techniques par rapport à ça, où en fait il scie les différentes parties des objets qu'il va utiliser pour se battre et il y raccroche des fils, ce qui fait que quand il éclate un truc sur la tête de quelqu'un, tu as toutes les parties qui partent ralenti au lieu de se casser normalement et qui rajoutent au côté burlesque, justement grandiloquent et dramatique, voilà, de l'explosion de ces trucs là et de toute façon on parlait cette question est abordée via le Marin des Mers de Chine et les références directes qu'il a fait, et c'est lui qui l'a réalisé, le Marin des Mers de Chine d'ailleurs. Oui et il en parle tout le temps. C'est son deuxième film, c'est son obsession d'être un nouveau Keaton ou un nouveau Chaplin, c'est ce que Jackie Chan veut faire. Le Marin des Mers de Chine, je pense que c'est le meilleur dans ce truc là notamment la scène des vélos. Ah oui, la scène de vélo est absolument géniale. Elle est magnifique et là pour le coup c'est très drôle, quoi. Ça pourrait être du Keaton, ça pourrait être du Chaplin. Et d'ailleurs il s'en est véritablement inspiré quand il est parti dans les années 80 aux États-Unis. Peut-être on en parlera un petit peu de ça. Il est parti aux États-Unis, il a un peu galéré là-bas, mais surtout il a regardé énormément de films de Keaton, de Lloyd, mais aussi des trucs comme Fred Astaire, Grace Kelly. Il a regardé genre Singing in the Rain. Ouais, c'est ça. Tous les gens qui bougent. Et quoi. Singing in the Rain, il fait référence dans Shanghai Kid 2, je crois, il se bat avec un parapluie sur la chanson de Singing. Et c'est in ça the qui Rain. A donné l'idée. Et moi j'ai vu ça. Alors je crois que c'est dans une interview où il explique que c'est en regardant ce film-là qu'il a eu l'idée justement des plans larges, sans coupe, parce que Singing in the Rain ça marchait, parce que y avait, t'avais ces plans larges sans coupe et ouais. Avec la dynamique qui était créée par ça quoi. C'est venu d'une de ses interrogations sur le cinéma américain ça. Il en parle dans, justement, il a vu que ça, bon on parlera de sa carrière américaine après, mais il a vu que ça marchait pas au début et il comprenait pas pourquoi. Il s'est posé cette question là justement et il a compris que c'était parce que y avait une découpe dans le montage des films américains qui permettait pas ça justement. Ouais. Et donc voilà, bon, tout ça pour dire que le burlesque américain, eh ben, j'ai l'impression qu'il survit parce que c'est un peu mort quand même. On l'a eu un petit peu en France, c'est né en France en fait le burlesque avec les arts du spectacle et du cirque. C'est parti aux États-Unis dans le cinéma. C'est revenu un petit peu avec. Michael Youn. Non, avec. Aide-moi, j'ai les vacances de Monsieur Hulot. Tati, oui, oui. C'est revenu un peu avec Tati. Tati, oui, c'était un grand fan de. Mais on n'en a plus trop quoi. Ouais, c'est vrai. Du burlesque absurde comme ça, on en a plus trop. Et mais on a Jackie Chan. On a Jackie Chan. Qui c'est vrai qu'en ce sens-là, il est le vrai continueur. Quoi, on peut le mettre quasiment au niveau de. Et en plus, il l'assume, c'est conscient. Il le revendique. Donc, ouais. Voilà, on peut que. Et c'est vrai que. Est-ce que ça, y arrive. C'est ça qui fait aussi son attrait. C'est-à-dire que, quand, moi étant môme, quand je regarde les films de Jackie Chan, c'est vrai que les films de Bruce Lee me donnaient pas ça. C'est-à-dire être mort de rire et en même temps, après, t'as envie de combattre. Tu souris et en même temps, t'es impressionné. T'es là. Ouais, il y a vraiment un tout. Il a vraiment mais une bonne formule. Je trouve que les gags de Jackie Chan, tout comme les gags de Chaplin ou de Buster Keaton, ils marchent un peu universellement. Ouais. Parce que c'est des gags visuels qui fonctionnent beaucoup sur de l'objet. Et tu trouves ça, et c'est plaisant à regarder que tu sois petit, que tu sois grand. Même au niveau de ces personnages, c'est des personnages finalement qui parlent peu, ce Jackie Chan. Dans la plupart de ses films, c'est vraiment basé sur le burlesque au sens humour, identification instantanée à l'humour. Tu comprends tout de suite, c'est visuel, c'est sa grimace. Il s'est pris une porte, il fait il va faire des petits. Ouais, il est toujours un peu bête, mais bon quoi. Il est bon voilà, et bête c'est ça, quoi. C'est ça, c'est instantané et du coup tu ris tout de suite parce que c'est universel effectivement. C'est vrai qu'il joue pas de personnage, jamais de personnage très compliqué psychologiquement. Non, quoi, c'est pas son truc. Ouais. Il a essayé plus tard, vers la fin de sa carrière, de complexifier un peu tout ça, mais c'est pas sur ça qu'il s'est fait en tout cas. Ouais, c'est vrai. tu aurais une question pour continuer de les partager parce que là, je crois qu'il y a 3-1. C'est quoi les scores là? Il y a 3 pour Zaza et 2 pour J2. Ah, 2. Alors, petite question, on va voir si vous êtes un peu au taquet. Est-ce que vous savez pourquoi Jackie Chan il a dû quitter Hong Kong les années 80 pour aller aux États-Unis? Parce que, alors voilà, pour le burlesque, je disais, il est parti au début des années 80 aux États-Unis. Et c'est là qu'il a découvert le cinéma américain. Il a tourné 2-3 films là-bas qui n'ont pas marché. Bah, ça, on parlait Cannonball et etc. Où on a voulu le mettre. Burt Reynolds. On a voulu mettre. En fait, on a voulu l'imposer aux Américains en mettant avec plein de stars. En disant, il a peut-être remarqué comme ça, ça n'a pas marché. Il a fait Le Chinois quand même là-bas, qui est nul, hein, mais qui est. Ça n'a pas marché non plus. Enfin, ça n'a pas marché. C'était sa première tentative. Il a essayé. Et surtout dans les interviews, il explique que à l'époque, c'était quand même une superstar dans le monde asiatique. Il explique que il allait au Japon, il était reconnu et tout. Il arrive aux États-Unis, mais c'est un connard. Surtout, il parle pas la langue. C'est pas les mêmes méthodes. Et comme on dit, il improvisait là-bas. On lui disait non, tu fais pas ça. Même les cascades, même l'assurance pour les cascades qu'il fait, on lui dit non. Enfin, là, si tu meurs, on. Et justement, est-ce que c'est pas pour ça qu'il est parti aux États-Unis? C'est parce qu'il avait un problème par rapport au film qu'il avait réalisé. Et il avait des dettes. C'était un peu ça. C'est à cause des triades qu'il est parti. Il est un peu dans la merde. Il a des dettes. En fait, j'ai le point ou pas? On parlait de. Non, parce que c'est pas des dettes. Non, c'est les triades. On parlait de Lo Wei, le mec qui a voulu en faire le nouveau Bruce Lee, qui s'est foiré. Holy Grabber. Holy Grabber. Sur la dette. Ah. Et. David. Et du coup, son Lo Wei, Chan voulait partir, voulait arrêter de faire du faux Bruce Lee, ça ne marchait pas. Et le mec voulait pas, il fait non, tu restes, on a un contrat et tout. Et. Il essayait de partir, Jackie, et le mec il fait ok, si tu pars, enfin il a commencé à appeler les triades à la rescousse pour qu'il. C'est marrant parce que c'est un peu comme Bruce Lee lui-même, parce qu'il est parti aux États-Unis aussi parce que son père était criblé de dettes et qu'il voulait. Mais on t'a dit que c'était pas la dette. Mais lui, il est vraiment dans. C'est les triades qui. Il avait une dette envers la triade, quoi, excuse-moi, mais. Super, le mec se retombe sur Et surtout, le père de Jackie Chan lui avait demandé trois promesses. Ah. La première, alors je suis pas le Lord, mais. Ne pas toujours tirer la chasse. Ne pas toucher à la drogue, ça visiblement peut-être qu'il l'a fait un petit peu. Deuxièmement, ne pas dépenser son argent dans les jeux, ça il l'a fait carrément. Et son premier salaire, il a dit ok, j'y vais. Il a Las Vegas quoi. Il a acheté tous les bancos, tous les bingos. Et troisièmement, ne pas être mêlé aux triades. Et ça, bon c'est pas de sa faute, mais il a quand même été un petit peu mêlé aux triades. Et donc du coup, il est parti aux États-Unis, il est resté pas très longtemps. Non, les Cannonball, etc., c'était un peu de la merde. Le Chinois, c'est de la merde aussi. Ça marchait pas. Il arrivait pas à faire ce qu'il voulait. Il est revenu à Hong Kong. Qu'est-ce qu'il a fait quand il est revenu à Hong Kong? C'est Polystory, non? Ouais, exactement. C'est ça. C'est ça. Polystory. Tu veux envie d'en parler peut-être de Polystory? C'est un grand film de Jackie Chan. Bah, Polystory, c'est vraiment. C'est une série de films. Il y en a 4. Il y en a 3 en 80 et un quatrième en 2004. Ouais, il y en a, bah, il y en a 2 qui sont excellents parce que réalisés par lui-même, les deux premiers. Et à partir du troisième, justement, parce que le premier avait été trop coûteux et trop casse-gueule, les producteurs ont décidé que ça serait plus lui qui le réalisait. Polystory, est-ce que c'est, enfin, la formule, je sais pas si elle est respectée, parce que son personnage est vachement plus sombre. Eh ben oui, c'est ça. Mais en fait, en même temps, c'est ce qu'il a révélé aux États-Unis. Bizarrement. Bah, il y a eu une scène d'anthologie qui a été d'ailleurs reprise par Sylvester Stallone, mais pas pompée parce qu'il lui a demandé, oui. En fait. Mais Tango et Cash que j'ai vu dans que j'ai vu dans des reportages parce que j'ai pas vu le film, mais la scène du bus dans Polystory où il est accroché avec un parapluie, c'est exactement ça ouais. Et à la fin il arrête le bus en tirant dessus, en restant juste devant, et Stallone a fait la même chose dans Tango et Cash. En fait, je pense que la nouveauté de ça, effectivement il est sombre et tout, mais là où en fait il rompt et il a un nouveau style, c'est que il est pas burlesque côté comique, mais il est burlesque côté cascade. C'est là que, les vrais films de cascadeurs de Jackie Chan arrivent, quoi. Même ouais, si avant il y en a un petit peu, mais et à tel point qu'il a révolutionné la cascade au niveau américain lui-même, quoi. Je veux dire, puisque les mecs s'en sont beaucoup inspirés d'un mec qui osait faire des trucs comme ça tout seul. En parlant de cascade, on va peut-être, c'est la dernière question de l'axe 1, après on va passer à autre chose. Est-ce que vous savez dans quel film Jackie Chan a-t-il fini dans un coma après une chute? Dans quel film? Oui, Mister Dynamite. Oh, allez. Il chute d'un arbre. Ouais, exactement. La branche s'est cassée. Il s'est rompu le crâne. Il est resté 6 mois à l'hôpital. Et Mister Dynamite, c'est rigolo. C'est 87. En gros, du coup, après être revenu à Hong Kong, parce que ça marche pas aux États-Unis, là, c'est un peu l'âge d'or. Il a contacté Sammo, qui l'a mis dans les bails, quoi. Et là, il a fait plein de films, donc les Polystory. Et il a commencé à être vraiment connu. Et c'est là qu'il a enchaîné tous les bons films, les Polystory, Mister Dynamite. Mister Dynamite, c'est Jackie Chan qui avait un peu la folie des grandeurs, justement, vu que tout marchait bien pour lui. Il a voulu faire son Indiana Jones. Ouais, c'est ça. Et ça a beaucoup mieux marché avec Opération Condor, la suite. Ouais, c'est la deuxième de la même série. Mais c'est. Ouais. Par rapport au fait qu'il soit rompu le crâne, si on reste un petit peu sur le sujet dans les cascades, d'ailleurs, on l'appelait l'homme aux mille fractures. C'est un des surnoms qu'on lui a donné. Un des mille surnoms. Et ouais. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a complètement assumé ce truc-là, parce qu'une des marques de fabrique de Jackie Chan dont on n'a pas encore parlé, les génériques de post-film, où il montre toutes ces cascades, où il s'est pété la gueule, et nous on rigole avec lui, mais on sait qu'en fait il se pète une clavicule, il se disloque une vertèbre, et on est là, sacré Jackie, mais bon, le mec je crois que le premier dans lequel il l'a fait, c'est Le Marin des Mers de Chine, justement. Enfin, c'est un des premiers qui est vraiment cascade. Donc en 84. Je crois que c'est un des premiers où il a commencé à montrer. Ce truc des génériques, il l'a vu dans un film américain quand il a été là-bas. Je crois. Et qu'il l'a popé, il a dit ok, c'est super bien, je vais faire ça à tous mes films. Et c'est vrai que ça fait une marque de fabrique parce que ça relie ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au réel dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que là, on dit il fait vraiment les chutes. Il l'a vu. Non, en fait, il l'a fait, ça y est, je me souviens, il l'a fait dans le film avec Burt Reynolds, dans Cannonball. Et c'est là qu'il a commencé à le faire. Et après, il l'a amené dans tous ses films à lui. Ah oui, c'est ça, d'accord. Voilà. Mais je trouve que ça rompt. Ça apporte du réel, mais ça rompt le réalisme parce que là on voit un peu la fabrique du truc. Oui, mais en même temps ça ancre quand même dans le fait que ça lui-même il se casse la gueule, quoi. Ouais. Mais ça, tu vois la fabrique du film et tu vois. Et surtout, c'est ce gimmick de Jackie Chan qui fait ses cascades va influencer la façon dont sont faits les films, parce que on va filmer de beaucoup d'angles différents les cascades impressionnantes pour montrer que c'est vraiment lui qui le fait. Il y aura même des ralentis. Par exemple, tu prends le flic de Hong Kong, c'est My Little Stars. Le film où il est avec Sammo Hung et Yuen, ils sont tous les trois ensemble. Et il y a le début du film, c'est il est sur une grande roue et il monte et tout. Et à un moment, il fait un saut mais hyper haut. Et là, il y a un ralenti, il y a plusieurs angles et tout. Et pour montrer que c'est bien lui qui est en train de le faire, pour insister là-dessus. Ouais, c'est ça. C'est vraiment la formule Jackie Chan se traduit aussi comme ça. C'est lui qui fait tout. Et d'ailleurs, moi, j'ai le souvenir que quand je regardais les films à cette époque, on se repassait le moment, c'est-à-dire et souvent on disait là il le fait vraiment. Enfin, tu sais, genre on se disait ça entre potes, là il le fait vraiment, il saute vraiment. C'est le commentaire, tu sais, genre nécessaire, quoi. Genre. Je crois que dans un film en 80, je sais plus 2 ou 3, Dragon Lord, un film pas très bien, mais non, il est pas bien du tout. Ils ont la scène de fin, apparemment, est assez mythique sur une pyramide. Ils ont dû refaire la scène. Il y a eu 2900 prises pour la scène. C'est un record non officiel d'ailleurs de nombre de prises dans le cinéma mondial. Et c'est quoi la scène exactement? C'est la scène de fin, un combat sur une pyramide. Je me souviens plus exactement. 2900 prises, tu te rends compte? Il est d'ailleurs connu pour être ultra perfectionniste. Ouais. Et c'est ça aussi qui marche pas bien aux États-Unis où ça coûte un budget, cher. Ça coûte on cher a, de faire on ça pas la pellicule. Il en parle dans Stuntmaster d'ailleurs, dans le documentaire, où il disait on se dit Jackie Chan il est trop fort et tout. Non, c'est juste que est-ce que tu as la patience de faire la scène parfaite? Il parle d'une scène notamment, je crois que c'est dans ce même film. le film avec le combat sur la pyramide. Ouais, Dragon Lord, ouais. Voilà. Où en fait il y a eu un truc tout con, c'est-à-dire qu'il lance un éventail. C'est toi l'épouvantail. Il lance un éventail qui en fait fait un espèce de boomerang et revient juste dans sa main comme ça après un cercle. Ça paraît tout con, mais il dit rien que pour ça, c'est 200 prises. Ouais. Juste pour arriver à maîtriser le mouvement du truc. Et donc, pour un mouvement, il peut passer des jours. Et c'est intéressant, je sais pas si on peut en parler, mais. Et j'aime bien le lien qu'on peut faire conceptuellement entre ça et genre tu vois tous les tricks qu'on fait avec les vidéos aujourd'hui. Et ce que je voulais dire, enfin je sais que ça paraît être un raccourci un peu bizarre, mais moi je pense que si Jackie Chan a inspiré les gens, c'est pas tant à vouloir faire des arts martiaux, parce que je pense que c'est vraiment Bruce Lee qui a fait, mais par contre tout le fantasme du parcours, le truc comme ça, je pense qu'on y reviendra qui... après effectivement. Ah d'accord, oui. mais je pense que l'héritage raison, l'héritage de Jackie Chan, c'est de vouloir faire des tricks en fait, tu sais, c'est le truc du c'est les effets normaux contre les effets spéciaux quoi. Ouais, c'est ça, mais et façon... le répéter pour faire. Et je trouve que ce truc du mec qui va jusqu'au bout jusqu'à ce que ce soit parfait et qui en fait n'abandonne pas, qui cède pas à la facilité. C'est aussi un truc qu'on retrouve dans le personnage ouais, que joue Jackie Chan. Ouais. Pourquoi il gagne ? C'est pas parce qu'il est meilleur. Contrairement genre à Bruce Lee qui incarne le mec, il gagne parce que c'est le meilleur. Ouais, ouais. Jackie Chan, il gagne parce qu'il lâche pas. Mais il gagne parce qu'il lâche jamais quoi. C'est persévérant. Ouais. Et je trouve que c'est un trait vraiment marquant du personnage qui est à la base en difficulté, qui galère un petit peu, mais il lâche pas. Et c'est ça qui, c'est peut-être un peu le message qui donne. Et qui fait aussi dans ses films quoi. Parce qu'il est toujours du bon côté en termes de morale. Il va pas forcément au combat parce qu'il est animé par un idéal. Il y arrive là un petit peu par hasard, mais il a quand même ses valeurs voilà, de persévérance, parce qu'il est du côté juste et que du coup il abandonne jamais jusqu'à ce que son objectif soit atteint. Et c'est vrai qu'on retrouve vraiment ce fil directeur dans pas mal de films. Et c'est ce qui fait aussi l'intérêt aussi des films d'arts martiaux et son intérêt pour les jeunes. C'est aussi ce qu'on retrouve par exemple dans Dragon Ball. Si on aime tellement Dragon Ball, c'est qu'à chaque fois Son Goku il revient, il se réentraîne, etc. Et du coup, toutes les phases d'entraînement, entraînement de persévérance qui sont typiques de ce que tu disais, l'entraînement et l'initiation et la progression en fait. C'est ça, la progression, ouais. Et c'est vachement marqué avec Jackie Chan parce que il progresse lentement, c'est dur, mais ça marche quoi. Voilà, je pense qu'on a, du coup, si on peut résumer ce premier axe qu'on a à peu près terminé pour résumer la formule Jackie Chan. C'est le premier là. Ouais, on a beaucoup parlé parce qu'on s'est rencardé, on en s'est intéressé pour une fois dans la FK. Du coup, c'était la Ford, elle, par contre. Ouais, c'était le bordel. Mais écoutez, les gens réécouteront. Nous, on n'a pas de 1900 prises à faire. Du coup, la formule, on peut la résumer. Alors, rajouter sur Odia, il fait ses cascades lui-même. C'est du kung-fu comédie, donc c'est drôle. Ses personnages sont différents de ceux de Bruce Lee, ils sont plus drôles. Et dans les chorégraphies, ça se ressent aussi. Donc, les cascades, la comédie. Quoi c'est très marqué par une esthétique burlesque. Oui, c'est burlesque. Et on n'a pas dit que peut-être tout ça c'était déterminé juste par le fait qu'en fait il n'avait pas un minois aussi joli que Bruce Lee. Parce qu'en fait il a une sale tête gueule. Qui fait rire. On parle mais pas c'est de ça. Ça. Bon, non, mais c'est vrai. Raison, t'as raison. Non, mais il a une tête. Il a un gros nez. Il et lui-même il le dit. Épaté. Il le dit dans Double Dragon. Un film dès le début du film, c'est lui qui l'a. Enfin non, il l'a co-réalisé et il dit tout de suite j'espère pas. Enfin il y a deux parents qui parlent, les deux parents de Jackie Chan qui parlent. J'espère pas avoir une fille avec un nez comme ça, etc. Il fout lui-même de la gueule de son nez. Il sait qu'il a un gros nez et je pense que ça l'a déterminé dans son côté effectivement. Oui, comique. Il peut pas jouer le Bruce Lee, il est obligé de faire une sorte de clown. Parce qu'il fait des grimaces. Ouais, il a un visage hyper expressif quoi. Ouais, donc ça c'est la formule à peu près de Jackie Chan, celle qu'il a inventée, qu'il a incarnée et qui a plu à beaucoup de gens et qui s'est exportée. On va voir ça dans la seconde partie. Pour résumer, je pense plus ou moins de talent. Ce qu'il faut voir pour comprendre cette formule Jackie Chan, c'est le Marin des Mers de Chine. Marin des Mers de Chine, Drunken Master. Enfin, Marin des Mers de Chine 1, Drunken Master 1 et 2, et peut-être Police Story aussi. Ouais. Et voilà, hein, ça c'est la base. Et soif, je conseille aussi Soif de Justice. Il y a pas la chèvre boiteuse. Qui est avec le trio, donc avec les deux autres, il y a une scène assez magnifique du début où ils s'entraînent. Avec les trois frères. Avec les trois frères, ouais. Voilà. Du coup, là, est-ce qu'on fait une chronique, est-ce qu'on fait un truc, je sais pas. Alors, on peut faire une petite chronique, oui. Bah oui, on va faire une chronique entre les deux axes, c'est laquelle, je ne sais pas. C'est la tienne. Eh bien, c'est du coup une chronique qu'on va maintenant. On a parlé de Jackie Chan, de ce qu'il faisait dans ses films, mais qu'est-ce qu'il pense dans la vie et surtout pour qui aurait-il voté ? Ah. Question du coup, pour qui Jackie Chan aurait voté ? C'est vrai que c'est une question qui me hante la nuit. Bah, je me doute. Avant de commencer, j'aimerais préciser qu'en hommage à Jackie Chan, j'exécuterai toutes mes blagues moi-même. Et c'est un risque à prendre. Et ceci est la 2900e prise. Et moi, je mettrai ouais, toutes les prises manquées à la fin de l'émission. Alors, on parle depuis Jackie Chan... ma première phrase, là, ne veut rien dire. On parle de Jackie Chan depuis tout à l'heure. Hein, on en parle en long, en large, en travers, en haut, en bas, à gauche, à droite. Ces soirées-là. Ouais. On en parle donc... Il y avait Yannick. On en parle, mais sans vraiment poser la question, celle qui intéresse tout le monde, qui en intrigue beaucoup et qui, pour les plus chanceux, les turlupines. Pour qui Jackie Chan aurait-il voté? Ah bah là, c'est sûr, il n'y a plus personne. Hein. C'est bien beau de nous parler de l'année de sa rencontre avec Samo. Hein, Samo bouche un coin, moi, de le savoir. Mais il y a quand même, il s'agit de proposer des vraies questions. Et là, il n'y a plus personne. C'est Motus et boule cousue. Il n'y a personne pour balancer un Mawashigiri sauté dans la fourmilière, j'ai l'impression. Et heureusement, je suis là. Je suis là. Et je me pose et ma prose pleine de vérité s'abattra sur votre hypocrisie tel un bourdin aux ailes et fines herbes. Alors attention, il y a une double blague. Une double blague, je sais, c'est dur, mais je vous ai promis de faire toutes mes blagues moi-même et je continue. Ouais, c'est dur, ouais. Jackie aurait-il voté Marine Le Pen? Non. Non, bah non. C'est pas parce qu'il a joué dans les Marins des mers de Chine qu'il va s'engager dans la marine. Ah. Une réponse un peu bateau et qui peut sembler vague, mais Jackie est un citoyen du monde et le monde est son ami. Et c'est pas la mer à boire que de penser que Jackie ne trahirait jamais Tsunami. N'importe cette quoi. Blague là aussi c'était un peu compliqué et pourtant vous avez vu, j'ai toujours pas de doublure. C'est pour toi Jackie, c'est pour toi. Je pense que personne ne se demande si Jackie va voter du poignant. Moi j'ai pas de blague hein. À mon avis personne ne se pose la question puisque je crois que pas même Becker en France se demande s'il va voter lui-même du poignant. C'est triste, je sais, mais c'est comme ça. On passe d'un conteigneux à un conspi, du coup. Oh. Jackie pourrait-il, à la croisée des cheminades, se tourner vers Jacques? Ah, peut-être, peut-être. C'est plutôt Jacques qui chancellerait à l'idée d'être soutenu par un tel concentré de violence. Si on interdit Call of, c'est pas pour promouvoir Drunken Master. Oui aux martiens, non aux martial. Hein. Voilà la ligne de cheminade. Et il n'est pas prêt de s'en détourner. C'est son cheminade de croix. Oui, toujours sans filet pour l'instant. Pour ce qui est de François Asselineau, la réponse est simple. Selon l'article 121 de la Constitution de Montargis, rédigé en 1847 par Éric Balançoire et René-Pierre Intercalaire, il est clairement stipulé qu'en vertu des lois... Ah, le temps de parole est écoulé, voilà. Désolé. On reste du coup après dans la France au François avec Fillon, mais là la réponse c'est tout aussi claire. Après l'échec commercial du film Le Smoking, je pense que je pense pas que Jackie ait envie de nouveau enfiler un costume, même à 7000 balles. Après il reste à penser à Jean Lassalle. Je serais ravi d'accueillir au sein de mon équipe de campagne Jackie Chan. Pour enfin faire la bagarre aux injustices. Mes chers compatriotes, monsieur Chan, merci de m'avoir écouté. Bon, en vrai, je sais pas si ça collerait. Hormis leur amour commun des grands-pères, c'est vrai que tous les deux ils aiment les vieux, c'est bizarre. Je sais pas si quelque chose les réunit assez pour qu'ils collaborent, mais j'ai envie d'y croire et je pense qu'un road movie où Jackie Chan et Jean Lassalle récoltent les 500 signatures en se battant contre le personnel de chacune des mairies des Pyrénées-Atlantiques serait un carton. En tout cas, moi j'aimerais beaucoup le voir dans La Salle Obscure. Peut-être que Jackie, il est comme tout le monde, il va voter Mélenchon. Hein, la hyène indomptable deviendrait-elle la hyène insoumise? Imaginez un peu. Jackie et Jean-Luc face au vendu, en train de faire du kung-fu démocratique pour botter le cul des nouveaux colons. Ce serait super. Sûrement qu'ils fusionneraient pour donner Jean-Luc Mélenchan. Mais oui, fusionner comme dans Dragon Ball. Hein. Il adore ça, Jean-Luc, la japanimation. Jean-Luc, il est sympa, il est cool. Il a un jeu vidéo, des hologrammes, des tweets en référence à Naruto et des fanarts. Il adore ça, la culture japonaise, la jeunesse. Jean-Luc, c'est un sacré geek. Et tous les forumers des 18-25 vous le diront d'ailleurs, je crois. Hein. Peut-être qu'en vérité, Jean-Luc, il n'aime pas trop Jackie Chan, qu'il trouve ça con parce que ça manque de gravitas, de fond, et qu'en plus, il n'y a même pas Jean Jaurès dedans. Mais il ne le dirait pas, parce que Jean-Luc Mélenchan, il est trop sympa. Je suis sûr qu'il y a Drunken Master en Blu-ray sur sa PS4 rouge Kremlin qui le regarde tous les jours. Mais bon, on n'en sait pas trop du coup finalement pour qui Jackie aurait voté après cette chronique. Il me semble trop pur et gentil pour s'acoquiner avec ceux qui se présentent. Je pense qu'en vrai, Jackie... T'as pas parlé de Macron, ouais. Oh, je vais pas parler de tout le monde parce t'as que pas c'est pas trop Poutou long. À parler votez tout le monde. Poutou. Votez Poutou. Votez Poutou. Votez Poutou. Votez Poutou. Jackie, il a un cœur pur. La deuxième fois. C'est un mec qui souffre des ours et donne à l'UNICEF quand même, Jackie. La vérité, c'est que Jackie Chan, s'il avait pu, il aurait voté Nicolas Hulot. Enfin, moi, si j'avais pu, j'aurais sûrement voté Jackie Chan, par contre. Parce qu'il est sympa, enjoué, un peu niais, mais trop impressionnant pour qu'on lui dise en face. Bah, et tu vois, avec Mélenchon, du un coup. Peu comme lui. Et sûrement, il aurait pu très vite s'installer en France, il avait dû, notre président, grâce à son cousin, hein, qui est déjà en France, vous savez, Emmanuel Chan. N'importe quoi. Finir, c'est pas la chute, ça. Pour finir, je tenais à vous dire que je m'étais pas blessé pendant cette chronique. Ah, ça, c'est ça la chute, du Poutou. Coup. On enfin, vous a fait beaucoup de mal, par contre. Bisous à tous. Bravo. Bravo, ouais, c'est un bel éclairage sur l'actualité. Ouais. Éclairage politique intéressant en rapport avec Jackie Chan. Et les blagues étaient des cascades, véritablement. Bah, c'est, hein. Moi, je retiens le costume, quand même. Oui, oui. Non, il y a quelques pépites, hein. Mais. C'est ce que, mais j'ai pas que. C'est ce que j'ai voulu faire, des cascades de l'humour. Je pense que j'ai à peu près réussi. Ouais. C'est comme les chercheurs d'or, hein. Faut aller sous 3 tonnes de boue pour trouver la pépite. Alors l'axe 2, c'est on a étudié la formule Jackie Chan et son intérêt dans le genre de l'art martial en général, enfin du film d'art martial, et qu'est-ce qu'il avait apporté de nouveau. On l'a dit. Maintenant, on va voir comment ça a été exporté aux États-Unis, parce que nous, c'est comme ça qu'on l'a connu, a priori, quand on était enfant dans les années 90, dans les films américains. Merci. Pour ça, on continue bien sûr notre petite soirée grosse tête avec la première question. Allez. C'est vrai que ça marche tellement bien. Sur quelle affiche de film de Jean-Claude Van Damme, on peut de Jackie Chan, on peut lire No Fear. No stuntman, no equal. Donc pas de peur, pas de doublure. Jackie Chan, pas in the Bronx. Bravo, Jackie Chan. Wow. Il a tellement vu la réponse. Pas du tout. Je t'ai vu regarder. Ah non, mais je te promets que non. Non, ça va. Il est mauvais un joueur. Un point. Et du coup, c'est dans Rumble in the Bronx, t'as raison. Et c'est intéressant d'en parler parce que ça a été, c'est le premier film de Jackie Chan qui a vraiment marché aux États-Unis. Jackie Chan dans le Bronx. Et pourtant, quel daube. Ouais. Mais du coup, c'est quand il retourne aux États-Unis après son premier échec. Alors, c'est ça. Là, j'aimerais dire que le quartier est assez important parce que là, on parle de Jackie Chan dans le Bronx. Ça aurait été Jackie Chan dans le 13e, ça aurait impressionné personne. Ça n'aurait pas marché. Mais ce qui est important de savoir, c'est peut-être le premier film qui a marché au cinéma aux États-Unis. Mais entre-temps, les Police Story, etc., ont vachement bien marché en vidéoclub. Et c'est pour ça qu'il a pu dire Jackie Chan dans le Bronx. On savait qui c'était déjà. Ouais, ouais. C'est vrai. Et en fait, ce film a marché parce qu'il a été. Jackie Chan, il a essayé avant, du coup, aux États-Unis, au début 80, on l'a dit. Et après, il est retourné, je crois, au milieu 80. Et ça ne marchait jamais. Et là, il a dit OK, je vais y aller en faisant un film calibré pour les États-Unis. C'est ce qu'il a voulu faire. C'est un film hongkongais, mais qui se veut tourner vers le marché américain. Du coup, il se bat avec des caméras, quoi. C'est ouais, on peut en parler un peu de ce film. Moi, je le trouve vraiment bien. Toi, tu l'aimes pas. C'est Jackie contre des punks à chiens, quoi. Non, déjà, pas des punks à chiens. Parce que pour être à Grenoble, je peux dire que je les connais, les punks à chiens. C'est plus les punks de Street of Rage et des jeux vidéo, genre les punks avec des crêtes violettes, etc. Ouais. Déjà, c'est génial. C'est les années 90 qui reviennent en pleine face. Moi, ça me fait trop rire. Je trouve ça magnifique comme univers. Ouais. Et à part ça, le film est. Enfin, les scènes d'action sont vraiment cool. Là, on voit vraiment dans Jackie Chan dans le Bronx. On revoit le côté Jackie Chan qui joue avec l'environnement, en fait, et qui c'est vraiment le cœur du film, c'est ça. Il arrête pas de sauter partout, de trouver des espaces où il n'y en a pas. Genre, il est entre un frigo et un mec qui va sauter par-dessus alors qu'on s'y attend pas. Il utilise son environnement. Ouais, et je pense que c'est pour ça qu'il l'a calibré pour le film américain. Peut-être que niveau chorégraphie pure de combat, c'est moins poussé, mais que du coup, il joue plus sur le burlesque et sur le côté la cascade, en fait. Mmh. Et même la scène de fin, c'est pas un combat d'arts martiaux, c'est une course suite en aéroglisseur où il fait beaucoup de cascades. Et moi, je trouve que ça marche bien, Jackie Chan, dans cette formule-là. C'est plus le Jackie Chan de Mister Dynamite et Opération Condor, quoi. Ouais, et encore plus fait pour plaire aux Occidentaux. Ouais. Et je trouve que ça marche bien. Pas toi, du coup, Zassa. C'est-à-dire qu'on est un peu... Dans un film de kung-fu pur, ça me dérange pas qu'on ait une histoire de merde et un fil directeur avec un personnage, somme toute, un peu creux, parce qu'il y a des scènes de combat qui sont impressionnantes. Je trouve que quand on rogne... du coup sur la chorégraphie et le côté émerveillement qu'on peut retrouver dont on parlait un peu sur les films hongkongais. On l'a encore, je trouve. Enfin, tu l'as vu du coup la scène avec tous les méchants. J'ai vu des extraits dans les documentaires et du coup ça me vendait vraiment. Qu'est-ce que la scène je pense il y a deux scènes iconiques. Il y a une cascade vachement qu'il a fait où il sort entre deux immeubles. Oui. Ouais. Qui est assez classe. Et là encore une fois on retrouve le montage où il y a quatre plans différents pour montrer que c'est bien lui qui l'a fait. Et il y a aussi la scène où il va dans le repère des méchants directement et il se bat contre tout le monde. Et là c'est vraiment l'environnement tout le temps. Il se bat avec un frigo, avec un flipper. Filet à papillon. Alors, je trouve que du coup, il est un petit peu le cul entre deux chaises parce que on va détailler un peu sa partie américaine, mais il est ni dans le film de Kung Fu pur, je le trouve un peu déplacé en fait dans cet environnement. Il est ni dans le film de Kung Fu pur où, en tant que avec ton regard d'occidental, tu vas apprécier le côté exotisme ou le côté l'exotisme de la Chine, des décors, des thématiques qui sont abordées, etc., des valeurs qui sont véhiculées par le film. Et t'es pas non plus dans la superproduction américaine dont on va parler un petit peu après, qui est plus axée sur l'humour, qui est plus axée sur le décalage et le burlesque. Et je trouve que là, du coup, on est moins là-dedans, on est un petit peu entre les deux, c'est un peu abattardi, et je trouve que ce que j'en ai vu, ça marche moins. Moi, je trouve qu'il est moins bien que, par exemple, effectivement, Opération Condor, qui est dans le même style, mais il est pas encore américain. Le film est pas encore américain, et je trouve que là, il copie aussi les trucs américains, parce qu'il essaie de faire Indiana Jones en gros, en Opération Condor, mais il est Opération Condor est mieux réussi parce que il peut faire ce qu'il veut, tu sens que. Et au moins, il assume le côté cascade à 100%. Alors que là, effectivement, il est un peu comme disait Assad, dans l'espèce d'entre-deux, où il faut qu'il assure son côté « je fais de la baston ». Bon, après, c'est pas un mauvais Jackie Chan pour ceux qui aiment les Jackie Chan, mais pour moi, c'est vraiment loin d'être le moins. Moi, j'ai été impressionné par la chorégraphie martiale, mais par du coup, son utilisation dans l'environnement, elle est vraiment son maximum dans ce film-là, je trouve, en tout cas. Mais vous pourrez vous faire une idée si jamais vous regardez ce film. Mais on parle de ça, du coup, c'est comme ça qu'il s'est lancé sur le marché américain, Jackie Chan dans le Bronx. Et du coup, c'est le début de Jackie Chan tel qu'on l'a connu, nous, en étant né dans 90. Jackie Chan aux États-Unis dans des films américains. Enfin, vous le vieux sage. Jackie Chan, dans ma tête, c'est quand même Shanghai Kid et Rush Hour. Et là, on est sur ces deux plus grosses productions américaines qui sont sorties les deux dans la fin des années 90, début 2000. Je crois que c'est 98 ou 99 Rush Hour et 2000 ou 2001 98 Rush Hour et 2000 Shanghai Kid, ouais. Voilà. Et là, on trouve vraiment la formule Jackie Chan adaptée au film américain. Ouais. Clairement, on est beaucoup moins axé sur la chorégraphie, sur le côté performer, spectacle ouais. dont on parlait par rapport à ces films hongkongais. Et on a un accent qui est mis sur le burlesque avec un truc en plus. Mais c'est pas du burlesque. Alors, sur l'humour. Ouais, sur l'humour, oui. Et avec un truc en plus. Au burlesque se rajoute un espèce de truc un petit peu malsain, mais qui passait beaucoup dans les années 90, début 2000, et qui passe beaucoup moins maintenant à la l'humour revue. Raciste. Et l'humour raciste. Ah, mais ouais. Rush Hour, c'est un délire. C'est un délire. C'est un délire. C'est on pose le cadre déjà de Rush Hour. Je vous dis, c'est un de mes films préférés. J'avais en VHS et je l'ai usé, c'est juste quand j'étais petit. Et là, je l'ai revu pour la mission. Bah, ouais. On va en parler, c'est pas la même chose. Bah, c'est-à-dire que donc Rush Hour, le principe c'est que c'est un body movie comme il y en a fait beaucoup dans les années 90. Donc c'est deux policiers ensemble qui s'aiment pas trop mais qui sont obligés de faire équipe. Voilà, et donc Jackie Chan débarque de Chine. Tu vas me laisser parler? Oui. Donc débarque de Chine. pour essayer de sauver la en fille bateau. Du consul chinois aux États-Unis. Et il va être forcé de travailler en équipe avec donc un policier de la LAPD, Chris Tucker, qui est Chris Tucker. Alors c'est un Afro-Américain insupportable. Il a fait quoi d'autre lui? Rien, c'est une merde. C'est une sorte de sous comment il s'appelle? Chris Rock. Non, pas Eddie Murphy. Eddie Murphy. Ouais, voilà, exactement. Ouais. Mais je crois d'ailleurs à la base il voulait Eddie Murphy dans le rôle. Oui, je crois. Ça aurait été mieux. Il est insupportable. Non, mais tu vois clairement que le mec essaye d'être Eddie Murphy. En plus, Eddie Murphy c'est vraiment la génération de Jackie Chan quoi. Dans les gimmicks, eh mec et tout, tu vois. Ouais. Il parle, et le doublage français est, pour le coup est vraiment caricatural. Le incroyable. Doublage banania, on appelle. Ouais, c'est ça. Et même en VO, il a une voix hyper aiguë à Eddie Murphy, mais qui marche pas, qui est juste stridente et agaçante. Ouais. Et du coup, c'est un buddy movie, donc ça a tous les. Comme il y a eu l'arme fatale, le dernier Samaritain, c'était vraiment une double team juste avant avec Dutch Work d'ailleurs. C'était une formule qui marchait et on a dit ok, on met Jackie Chan dans un buddy movie pour essayer de le vendre au public américain. C'est-à-dire. En fait, là, Jackie Chan, c'est exotique, mais il faut. Quand même qu'on le bah en fait, Jackie Chan, du coup, il a fait dans le Bronx, c'est lui qui amène un film américanisé pour le marché. Là, c'est vraiment le blockbuster purement américain, réalisé par Brett Ratner, du coup, un américain, un tâcheron américain de base. Où là, on prend Jackie Chan. Avec Jackie Chan en pièce rapportée. Ouais, c'est ça, mais exactement. Le problème, c'est que du coup, l'utilisation principale qui est faite de Jackie Chan, c'est pas il sait se battre, c'est il est chinois. Ouais, oui, c'est donc ça. En fait, à la fois dans Rush Hour et à la fois dans Shanghai Kid. Et déjà dans Jackie Chan dans le Bronx, en fait, c'est déjà aussi le chinois qui débarque. Quoi. Ouais, mais c'est un film hongkongais, du coup. L'intérêt du buddy movie et la construction sur laquelle elle est faite, c'est qu'on est dans l'opposition permanente entre la culture noire et la culture asiatique. Alors, enfin, la culture américaine. La plutôt. Culture américaine, parce oui, que dans Shanghai Kid, c'est pas noir. Ouais, mais dans Rush Hour, c'est la, c'est, regarde, ouais, la a... scène où Chris Tucker apprend à danser à Jackie Chan sur Wah. Wow. Oui, mais justement. Ouais, mais alors. Ce qui est marrant, bon, c'est que du coup, ça t'en a un qui danse en faisant un peu des mouvements. Entre les deux films. Ah, parce, que, parce, que y a, parce que dans la culture américaine, il y a vraiment un truc intéressant par rapport à ça, c'est que, en plus, non seulement on est dans l'opposition permanente, mais il y a aussi une supériorité de la culture américaine qui est clairement démontrée dans Rush Hour et dans Shanghai Kid. Je m'explique, c'est-à-dire que dans les deux films, on a au début l'humour sur l'opposition entre les deux qui donne encore plus dans Rush Hour que dans Shanghai Kid le sujet d'extrêmement de blagues racistes. Il l'appelle Rice-a-roni ou des trucs comme ça. Enfin, le chinois il est calme alors que le il bouge pas trop, il est assez raide alors que parle pas trop, alors que le black il bouge dans tous les sens et il danse. Voilà. Et mais ce qui est drôle, c'est que dans la construction des deux films, en fait, c'est double racisme Rush Hour, c'est génial. Ah non, mais c'est incroyable. Dans la construction des deux films, en fait, donc il y a cette opposition et le héros Jackie Chan va réussir à vaincre ses ennemis en adoptant les valeurs et les styles de combat et surtout les valeurs de la culture américaine. Et ça, c'est assez fou. Et donc, est-ce qu'il devient de plus en plus burlesque ? C'est-à-dire, est-ce qu'au début, il est un peu raide, etc., un peu tradit ? Et que du coup, il est obligé. Enfin, est-ce que le film, parce que ça serait du coup une manière de rendre hommage lui à ce qu'il aimait aux États-Unis, c'est-à-dire le burlesque justement de Buster Keaton, etc. Ouais, est-ce qu'il devient de plus en plus burlesque? Bah, non, pas vraiment. Ils réfléchissent pas à tout ça. Pas vraiment. Des non, mais, de merde. Mais non, moi je trouve que le truc en termes de valeur, je sais pas si vous avez capté ça, mais je trouve que c'est extrêmement marquant dans ces films-là. Je pense que c'est plus dans Shanghai Kid qu'on a pas revu, que toi t'as revu, mais dans Rush Hour, pas, c'est peut-être un peu moins marqué. En fait, le scénario de Rush Hour, ça a dû commencer avec une blague et d'un mec type bigard qui a dû dire. C'est alors il y a un noir et un chinois, ils sont flics. Ouais, c'est ça. Mais c'est t'as résumé le film quand t'as dit ça. Enfin, c'est un... Mais en même temps, je veux dire, les gens étant plein de bons sentiments, il y a un espèce de truc aussi côté universaliste de l'Amérique qui accepte tout en son sein, machin, etc. Et je pense que ça a été vu aussi par pas mal de gens comme ok, on rigole un peu des différents c'est types de tout le monde, mais au bout du compte, le fait qu'on en rigole et le fait qu'on en accepte, c'est ce que j'allais dire. Un facteur d'intégration, surtout dans la fin des années 90. C'est ce que j'allais dire parce que justement, en revoyant le film, je trouvais ça hyper craignos et raciste. Et en fait, quand tu regardes l'histoire du cinéma américain, ils étaient beaucoup plus racistes envers les Chinois avant. Le péril jaune, c'était un truc que les États-Unis, dont les États-Unis avaient peur, et qui se retrouvait dans beaucoup de films des années 50 et 60. Bruce Lee a joué dans un film qui s'appelle Marlowe en 69, et en gros, il joue le méchant. Et clairement, on retrouve les caricatures de l'asiatique, ville, fourbe, ouais, mais intelligent ça, et tout. Ouais. Et dans Rush Hour, c'est pas le cas. Il est pas présenté comme le méchant lui, est comme mais ça. Voilà, mais ça c'est super important et ça participe de ce que j'étais en train de dire, c'est-à-dire que dans Rush Hour et bon, il y a un twist dans Rush Hour, mais dans Rush Hour à la base et dans Shanghai Kid à la base, le méchant il est chinois et là il représente le stéréotype du méchant chinois fourbe avec toute la caricature que ça. Mais qui lui est américain. Et Jackie Chan s'américanise au fur et à mesure du film et du coup il triomphe sur le méchant chinois fourbe. Ouais, et là il y a un truc vachement pervers et vachement malsain par rapport à ça. Tu t'intègres ou pas quoi. Exactement. Et du coup. Et on dit Jackie Chan, il est différent, il est bizarre et au début c'est drôle, mais finalement c'est quand même un bon gars de chez nous. Regardez, il va botter le cul des vrais Chinois. Est-ce que le méchant chinois, il est vraiment chinois, enfin je veux dire de nationalité chinoise dans le film. Après, Rush Hour, il y a un twist. Rush Hour, dans Shanghai Kid, c'est un Chinois chinois. Rush Hour, il y a un twist au sens où c'est à la fin le méchant, c'est un blanc, un colon qui voulait voler les œuvres d'art de la Chine, qui est un thème vachement récurrent dans les films de Jackie Chan. Souvent, il combat pour garder l'histoire de la Chine. Ouais. Du coup, Rush Hour, ça marche un peu, ça marche. Je pense Shanghai Kid, mais c'est Shanghai Kid encore plus. Ouais, voilà, il y a une scène finale où, en fait, le principe c'est que donc c'est un western où il y a donc Jackie Chan et Owen Wilson qui grand acteur, Owen Wilson, Marley et moi, Starsky et Hutch, que des grands films. Minuit à Paris, c'est pas mal. Oui, c'est oui. Bah, t'as décidé. Ouais, voilà. En 20 ans de carrière, bravo c'est Owen. c'est le moins bon Woody Allen, mais. Si t'arrives à avoir une bonne émission en 20 ans de carrière, tu pourras en reparler. Une bonne blague, ce serait déjà bien. Donc, ce que je voulais dire, c'est juste que le concept, en gros, du film, c'est que donc, Jackie Chan arrive pour récupérer la princesse chinoise, donc il s'est échappé. Il arrive aux États-Unis donc, pour la récupérer. Elle a été kidnappée. Et donc, Owen Wilson, qui veut plus ou moins récupérer la thune de la rançon pour la princesse, va faire équipe avec lui. Et donc, à la fin, ils arrivent en face du méchant chinois qui a récupéré... Attention, spoiler pour Shanghai Kid, quand même. Voilà. Ils arrivent... Il y a prescription. Ils arrivent donc devant le grand méchant et il y a les gardes impériaux chinois qui sont venus avec lui à la base, qui lui lisent un décret de l'empereur comme quoi il doit respecter la volonté de l'empereur et du coup il n'arrive pas à combattre le méchant parce qu'il est en train de s'agenouiller comme un connard devant le décret de l'empereur. Donc en gros, soit il devient américain et il gagne, soit... Et donc il renie ses valeurs en ne respectant pas ce que veut l'empereur et en allant... Et en aidant la princesse à s'enfuir. Et donc tu vois vraiment, ils insistent sur ce moment qui est le point d'orgue du film où il renie les valeurs traditionnalistes et de soumission à l'autorité et à la morale chinoise pour finalement être le gentil et gagner et triompher. Et je trouve que après, c'est peut-être pas forcément côté, c'est peut-être pas forcément la morale chinoise qui est pointée du doigt que tout traditionnalisme. Non, mais c'est une façon, c'est une façon de montrer le triomphe des valeurs américaines, tout simplement. Ouais. C'est ouais, une façon justement, les valeurs américaines étant les valeurs modernistes du melting pot, etc. Oui, mais où qui tout le monde s'oppose à une certaine rigidité traditionnelle. Voilà, traditionnelle, exactement. En même temps, on est plus dans l'improvisation, dans le freestyle. Enfin, ouais. Bon, là, on pourrait disserter en disant de la merde pendant très longtemps. Du coup, oui, je pense que ça marche mieux pour Shanghai Kid que Rush Hour. Au Rush Hour, il y a, comme tu dis, il y a un twist. Mais Shanghai Kid, ce que tu racontes, c'est flagrant. Du coup, t'as raison. Et même dans Rush Hour, justement, ce qui. Je suis en train de dire que c'était moins raciste que ce qu'il y avait pu avoir avant aux États-Unis dans les années 70. Donc, ok, c'est un peu. Le personnage de Jackie Chan dans Rush Hour est un peu plus positif que les figures racistes qu'on a pu voir avant. Mais ça reste quand même hyper craigneuse dans les blagues que Chris Tucker fait à Jackie Chan quand il arrête pas de l'appeler bol de riz, etc. Enfin, c'est. Arrêtez, laissez-nous. Enfin, non, c'est pas. C'est... L'humour, c'est ça. C'est ça. Et en Jackie 2017, Chan. Ça passerait jamais. Enfin, quand ouais, tu non, vois la polémique sur Gangsterdam, sur les homosexuels de Kev Adams, là, tu te dis, mais un film comme Rush Hour qui sortirait maintenant, mais il se ferait lyncher, ouais, les mecs. Surtout que même pour la culture noire, c'est hyper caricatural. Enfin, donc, on n'en parle pas parce que c'est pas notre sujet, mais c'est là, c'est tout aussi pire. En fait, est-ce que c'est pas les États-Unis qui se caricaturent eux-mêmes à travers ce truc-là? Bah non, parce qu'on regarde ça de notre regard d'occidentaux en 2017. Oui, maintenant, mais c'est vrai que tu te dis, putain, c'est un peu. Mais en plus, c'est un des films qui a vraiment énormément marché Rush Hour quand il est sorti en 98. C'est un carton au box-office. Ah ouais, c'est son et ça a imposé carton, ouais. Jackie Chan dans l'inconscient collectif occidental. Et il y a derrière, il y a une image assez culte qui tire de ce film. C'est quand Jackie est accroché au signe Hollywood. Ouais. Je sais pas si vous la voyez. Mais... C'est le bon chinois, bien de chez nous, en fait. Et finalement, pour revenir au truc à l'opposition à Bruce Lee, c'est vraiment le sens inverse de Bruce Lee. Bruce Lee qui part à Hong Kong pour faire enfin des films, parce qu'au début, il fait que des trucs de série B ou des séries, etc. Et il est obligé de partir à Hong Kong pour faire des films, alors que c'est un Américain qui vit aux États-Unis. Même s'il est chinois à la base, alors que lui, c'est le sens inverse, quoi. Bah, il est revenu après, parce qu'en fait, c'est drôle, dans ses interviews, Jackie Chan explique qu'il ne comprend pas l'humour américain. Et il a dit que c'est de la merde, Rush Hour, qu'il comprenait pas le délire. Ouais. Il a dit, moi, je comprends pas les blagues, c'est mais je fais. Ça n'a d'ailleurs pas du tout marché à Hong Kong. Je trouve justement que c'est là que Jackie Chan perd vraiment sa spécificité, que l'humour qu'il avait récupéré la première fois des États-Unis, l'humour burlesque. Parce qu'en fait, c'était ce qu'il essayait de faire avec Drunken Master, avec tout ça. C'est ce qu'il essayait de faire. Il a trouvé des maîtres qui faisaient la même chose que lui, peut-être. En fait, il a déjà réalisé son rapport à l'Amérique, en fait, quasiment. Ouais. Et quand il revient dans les années 90, il essaie de se conformer non pas à un humour américain burlesque, mais l'humour de la comédie américaine telle qu'on a pu la connaître nous dans les années 90. Et du coup, ça donne un Jackie Chan aseptisé. Et du coup, je trouve qu'il détonne un peu dans le truc. Il n'est pas très bon là-dedans. On a défini la formule. La formule se retrouve pas dans ça. Et le seul point qu'on peut retrouver, c'est l'utilisation de l'environnement. Et qui, du coup, je pense, là, est encore atténué. Et là, on peut, qui est atténué, mais qui est quand même un peu présente. Mais tu vois, tu as parlé du volant dans Rush Hour, et on le voit passer par des fenêtres ou des endroits bizarres, etc. Donc ça, c'est Jackie Chan, il le fait parce qu'il est bon pour ça. Mais c'est le seul truc qu'on peut sauver entre guillemets de la formule originelle. Et d'autant plus que on en a pas parlé dans la séance, j'en ai parlé de beaucoup de choses, mais dans des films comme Drunken Master 2, etc. Il est souvent ou Marin de Mer de Chine, il est souvent posé aux colons anglais, parce qu'il est hongkongais. Là, enfin, toute la dimension politique qu'il a, est-ce que il y a des, comment on a dit, il a des valeurs et souvent il défend l'histoire de la Chine, etc. Là, c'est fini. Enfin, il n'y a plus aucune velléité politique quoi que ce soit. C'est juste un clown et un clown dont on enlève les caractéristiques principales en plus. Donc, il reste plus grand chose. Et surtout, en fait, je pense que ce qu'aurait pu faire de Jackie Chan un grand acteur. En récupérant vraiment ses spécificités, s'il avait été récupéré par un cinéma américain qui justement misait sur son burlesque, qui essayait de refaire du sort de burlesque américain des années 20 avec Jackie Chan, là il aurait pu vraiment se développer, alors que là il s'enferme dans un truc, parce qu'on l'a enfermé en fait dans du cinéma populaire, dans du film de genre, et du coup il essaie de se conformer à un cinéma populaire et de genre, enfin pas vraiment. Mais c'est peut-être que les catégories américaines aussi sont tellement strictes et définies et stéréotypées que en fait la formule exacte la bonne formule pouvait la réaliser que dans le cinéma hongkongais. Et à mon avis, c'est vrai que les meilleurs films de Jackie Chan restent ceux qu'il a réalisés avec des réalisateurs hongkongais, pas forcément les seuls. Dans le cinéma hongkongais, genre tu parles de Drunken Master 2 qui est en 94, donc genre 4 ans avant Rush Hour, ou même un an avant le film Double Dragon, c'est juste l'occasion d'en parler, mais c'est le film de Tsui Hark qui est de 92, je crois, qui est excellent. Enfin, qui, je sais pas si vous l'avez vu ou si on avait vu des extraits, mais c'est assez. C'est pas HS. Ah pardon, oui, c'est peut-être HS. C'était juste pour en parler. On peut rebondir juste parler de Tsui Hark, qui lui aussi c'est un réalisateur hongkongais qui a lui aussi émigré aux États-Unis en même temps que Jackie Chan un petit peu avant. Ouais. Et il y a dans les années 90 une volonté des États-Unis de récupérer tout le cinéma hongkongais par Tsui Hark, par John Woo avant, Et tous, on les enfin, parfois, souvent, c'est des stars qui les ramènent, genre Van Damme, il a ramené Tsuwark, il a ramené au John Woo. Ouais. Et à chaque fois, ils vont aux États-Unis pour faire de la merde parce que c'est pas le même système, ça fonctionne pas pareil. Eux, ils ont pas de storyboard. Ils ont, comme Jackie Chan, John Woo l'a dit plusieurs, et Tsuwark aussi, ils ont dit bah, nous on improvise, on a une idée, on l'a fait. Il y a pas d'idée de ok, c'est déjà tout est déjà fait. Et puis, il doit pas y avoir la même pression des investisseurs, etc. Claire, voilà, c'est ça. Le système américain qui demande absolument la petite blague, le placement de produit. Il y a pas l'idée des studios derrière, il y a pas le montage sur lequel on insiste. Eux, ils font leur propre montage, là ils peuvent pas. Et du coup, ça donne de lui à des sombres bouses, genre. Tsuwark, je crois qu'il a fait double team avec Van Damme. Avec Van Damme et le basketteur qui faisait René Abdul Karim Jabbar. Non, Abdul Karim Jabbar, c'est que c'est avec Bruce Lee ça. Ah oui, ça, pardon. Non, c'est le Rodney, le blond là. Rodney King. Non, pas Rodney King, pardon. Stephen King. Non, mais on voit tout ce qu'il sait. Les Chicago Bulls, là, celui qui joue dans Demolition avait, Man. Le noir qui avait tout le temps. Celui qui joue avec Stan Smith. Non, c'est pas moi, c'est Snipes, tu confonds tout. Ah merde. C'est le noir qui a des cheveux blonds et qu'on voit dans tous les films nuls. Magloire, Djibril Cissé. Bon, c'est pas grave, Rodney quelque chose, peu importe. Et donc, tous les mecs hongkongais qui sont revenus, ils ont fait de la merde. John Woo, il a réussi à son troisième film à faire volte-face, mais avant il a fait deux bouses, après il a fait double team. Et Jackie Chan, c'est à peu près alors pareil. Que le syndicat du crime de John Woo, c'est un chef-d'œuvre. Ouais, voilà, mais on a des stars, genre comme Van Damme, et ça, on voulait ramener des talents hongkongais, et ils n'ont pas pu se faire au modèle américain. Et c'est pareil pour Jackie Chan, parce que Jackie Chan, on n'en a pas parlé, il était pote avec Stallone. Stallone, on l'a dit, enfin, on en a parlé pour Tango et Cash, il lui a demandé s'il pouvait faire la scène de Police Story. Ça marche pas. Ça, c'est pas le même système, ça marche pas. D'ailleurs, j'ai mais même, pas. C'est un peu pareil. Est-ce qu'il en fait... y a un film. Est-ce qu'il y a des ça films. Ça t'ennuie pas que je parle. Ouais, non, parce que. Sammo Hung. Pourtant, je suis pas bourré. On le connaît tous par Le Flic de Shanghai. C'est un peu de la merde. Ouais, c'est un peu clairement. Une série de merde. Ah bah ouais, ouais. Et moi, alors, j'aime beaucoup cette série, mais oui, mais c'est un peu de la merde. Quand c'est tu, un peu quand ouais, tu Texas Ranger avec un chinois. Ouais, c'est ça, mais quand il y a eu un crossover entre les deux séries. Donc, quand tu redécouvres après coup qu'en fait, Sammo Hung, c'est une vraie star du cinéma ouais. hongkongais, bah, c'est un peu bizarre. Quoi. Et un réalisateur aussi, parce qu'il a pas ouais, réalisé. Ouais, c'est, tu vois, c'est une star ouais, c'est du cinéma. Quoi. pour nous, c'est un acteur de série B. Ouais, clairement. Est-ce qu'il y a des vrais films d'arts martiaux américain. On va, je pense qu'on peut. Bah, est-ce qu'on peut poser la question ? On peut poser la question, allons-y. pardon, excusez-moi. Je pense que l'influence de Hong Kong, on en a dit du coup, première étape, essayer de ramener les gens, ça marche pas. Ensuite, il y a eu Matrix et il y a eu Tigre et Dragon. Ouais. C'est années 2000. Matrix c'est 2000, Tigre et Dragon c'est 2000. Ouais, et non, les films de Tarantino. C'est à ce moment-là. Voilà, c'est même et Tarantino, c'est 2003, c'est Kill Bill. Et du coup, c'est là qu'on n'a pas réussi à les faire travailler dans le système américain. Du coup, on essaye de les pomper. Et Matrix, c'est ça, t'as raison, c'est Yuan et Ping. Ça marche. Et ça marche mieux. Oui, mais c'est parce que aussi c'est des fans, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont vu les films de Jackie Chan dans les années 90 en vidéo club, qui ont vu les films de Bruce Lee, etc. Qui sont nourris de films. Ouais. Et d'ailleurs, ils le disent, Tarantino le dit, les Wachowski le disent aussi. Et Tarantino, de toute façon, il y a beaucoup de références directes à des films de A Five Fingers of Death, etc. Enfin, plein de vieux films de kung-fu, des références, enfin, les doigts dans les yeux dans Kill Bill, etc. C'est des références directes. Et du coup, je pense que ouais, l'héritage hongkongais à Hollywood, ils se ressemblent plus tard une fois qu'on arrête d'essayer de les faire entrer dans un système et qu'on le fait, les Américains le font eux-mêmes. Je pense qu'il y a un truc qui est important dans le fait que ça marche après, c'est qu'on a une évolution technique avec des effets spéciaux qui nous permettent de rattraper justement le côté performance qu'on n'avait pas. Ouais. Et je pense que quand on arrive au niveau de Matrix, on sait que Keanu Reeves il fait pas ses chorégraphies lui-même. Et on sait que du coup, c'est des films avec des budgets qui sont différents et qui permettent de combler ce manque technique de la chorégraphie, c'est de la cascade. C'est tellement ça la pas. Différence entre Hollywood et Hong Kong. La vraie cascade et la cascade. Et pareil, voilà. Mais pourtant, il a fallu attendre qu'ils soient en mesure de reproduire quelque chose de similaire au niveau technique. Et je pense qu'avant les années 2000, il n'y avait pas ça. Ouais. On est d'accord. Et je pense qu'une autre influence, tu en as parlé tout à l'heure. Ça, je sors ça de moi, c'est une idée que j'ai. Vu que Jackie Chan, on a dit dans la formule américaine, il n'y a quasiment plus que son rapport à l'environnement qui est utilisé, parce que la chorégraphie est un peu aseptisée, etc. Je pense que c'est ça qui a donné le parcours, comme tu disais. Je pense que Yamakasi. C'est un héritage de Jackie Chan en fait, du Jackie Chan américain en fait. Ouais. Le fait qu'il saute partout, qu'il s'enfile par des fenêtres ou etc. Je pense que ça a été repris. Il s'enfile par la fenêtre. Non, mais... c'est pas dans All in the Family ça. Mais moi je trouve effectivement que. Je pense que clairement Yamakasi c'est un héritage, pardon je te laisse parler, de. C'est dans Dragon Glory Hall je crois. Mais tout à l'heure on l'a évoqué, mais je pense que c'est vrai que Jackie Chan, dans les années 90, il participe d'un truc qui émerge aussi à l'époque, mais enfin tout le truc des. Enfin c'est en même temps les skaters, mais c'est en même temps le parcours, c'est en même temps tout ce que j'ai appelé tout à l'heure les tricks, mais c'est tout le. Enfin il y a une esthétique qui est développée par Jackie Chan et qui a beaucoup imprégné la culture des gens des années 90, et je pense que tous les sports des années 2000, tu sais, un peu novateurs et qui sont filmés, tout ça, à travers le skate. Mais d'ailleurs, Jackie Chan, dans beaucoup de films, il fait du roller ou du skate. Et il avait pris le roller, justement, je crois que c'est pour le chinois, dans son premier exil aux États-Unis. Ouais. Il apprend le roller dans le chinois, et après, il s'en resserre notamment dans le. De manière assez forte dans le Zodiac chinois, je crois. Ouais, c'est ça, c'est dans c'est le troisième film de Mr. Dynamite, Opération Condor. Ouais, et, c'est 2009, ça. Non, un truc comme ça, ouais, assez ouais. récent. Et là où il est en costume entier de Rollerman, vous voyez cette scène où il descend Ah oui, il a des roues partout. Ouais, il a des roues partout et il se resserre du roller. C'est vrai, quand tu regardes le début de sa carrière, Jackie Chan en roller. Ouais, bah ouais. Ah, mais il a toujours eu un côté comme ça avec les trucs de glisse. Ça, c'était mon point. Mais par exemple, il y a aussi une scène dans je ne sais plus quel film où il se bat contre une armée de skateurs. Et il a jamais fait de skate de sa vie. Mais je me demande si c'est pas dans Nicky Larson. J'ai pas vu moi. Les fans corrigeront par eux-mêmes. Mais t'as un truc, t'as toute une scène de skate. Et en fait, au début, il sait pas gérer le skate et tout. Et après, il fait des tricks. Après, de il fait des ollies. Il est Antonio pour Skater 3, je crois d'ailleurs. Oui, il fallait faire le cheat code haut, bas, bas, haut, gauche, droite, carré. Exactement, c'est celui-ci. On en reparlera dans l'AFK sur les cheat codes. Une petite question pour continuer le débat. Il y a combien au score? Il y a 3-3. Oh, sur la ligne. Dans quel film Jackie Chan aurait-il pu jouer à la place de Wesley Snipes? Demolition Man. Ouais, voilà, on en a parlé tout à l'heure. Il était pote avec Stallone, du coup ça lui a proposé le rôle. Du coup, qui a le point là? C'est J2. Et il aurait pu jouer là. Ça aurait donné un film assez différent, je pense, quand on pense à Demolition Man devant Jackie Chan face à Stallone. Ah, c'est bizarre parce qu'il est quand même. Mais il voulait pas jouer les rôles de méchant. Exact, ouais. Il voulait pas jouer les rôles de méchant. On pourra en reparler petit après, mais sinon il voulait pas jouer les rôles de méchant. Et je pense qu'il serait pas bon. À mon avis, je le vois mal. Après, on a joué un ou deux après. Et moi, je voulais poser ces questions juste pour parler du rapport de Jackie Chan et des autres stars américaines d'action qu'il y avait en fait. Parce que là, on parlait de Wesley Snipes. Dans la même période, il y avait Jean-Claude Van Damme. C'est vrai, pourquoi il est pas dans Expandable? Il y avait Chuck Norris. Oui. À mon avis, il aurait pu y être. Hein. Ouais, mais surtout qu'ils prennent Jet Li. Jet Li, c'est c'est comme on a cherché le successeur de Bruce Lee et qu'on a. C'est le successeur de Jackie Chan. Bah ouais, il est. Mais d'ailleurs, ils ont fait plein de films ensemble. Justement, au niveau du style, c'est plus le successeur de Bruce Lee. Oui, ouais, c'est vrai. Et d'ailleurs, il a fait. Il a pas le côté. On parle plus au niveau de la place qu'il y avait une place à prendre dans le cinéma. Ouais. C'est tellement. En fait, la place du chinois. Il a surfé sur la vague de Jackie Chan pour sa carrière américaine. Mais t'as raison, sa carrière hongkongaise elle commence bien avant et c'est clairement un Bruce Lee que Jackie Chan. Mais c'est vrai que c'est bizarre de pas avoir Chan dans les Expendables qui essaie de faire de ce que fait Jackie Chan. Ils essaient. Mais en gros, du cinéma d'action clash, et de l'humour. Il doit y avoir un problème quelque part. Parce que... Peut-être que le fait d'avoir invité Jackie en plus, tout de suite, Stallone, il a été vexé. Il y a eu une couille dans le potage. Peut-être qu'il prenait trop cher. Et peut-être qu'il est sorti trop tard. Couille dans la soupe miso. C'est sorti en... Ça, c'est l'ONU B12, je crois. Je crois qu'en plus, le film, Expandables, il est sorti assez récemment. Et je pense que Jackie faisait plus beaucoup de films d'action à cette époque-là. Il a toujours continué les films d'action. De moins en moins. On va en reparler après, je pense, de ça, ce qu'il fait aujourd'hui. Oui, mais en même temps, les mecs, ils ont d'Expandables. Ils font plus de films. C'est avec Mickey Rourke qui fait pas beaucoup. Ou Dolph Lundgren. Il a fait un truc à 60 piges, là. Il a pas fait un truc où les chéris, il fait tout. Si tu vas parler genre la salle aussi, il fait des trucs à 60 piges. C'est pas impressionnant. Ils sont encore dedans. Ah oui. Ils sont encore dedans. Jackie Chan, tout pareil. Autant et même plus que Schwarzenegger. Il fait plus de films que Schwarzenegger. Ouais. Donc il y a un problème personnel. Ça aurait été typiquement le mec qu'il fallait inviter parce que c'est le même âge, c'est de la même génération. Mmh. Et peut-être qu'il est peut-être trop comique pour eux. Il a tellement pas la gueule de l'emploi pour expliquer. Il a peut-être une trop forte personnalité en fait. Autant les autres ils sont un peu désincarnés, c'est des purs personnages de films de karaté. C'est-à-dire que ils voulaient un film badass, mais à fond. C'est la quintessence du badass quand même. Lui il a trop de personnalité. C'est les grosses couilles posées sur la table quoi. Mais Jackie Chan il peut pas être là. Aïe aïe aïe au milieu du truc en train de prendre une porte dans la gueule. Oui mais Jet Li c'est pas burlesque. Oui c'est vrai. Ouais. Et du coup le rapport entre Jackie Chan et Van Damme ou Chuck Norris, est-ce que vous voyez du coup des... Ah, moi je les vois plutôt comme une opposition claire, c'est-à-dire que c'est vraiment le style des films d'arts martiaux américains, les Chuck Norris, c'est-à-dire qu'ils sont, c'est plutôt des policiers, c'est plutôt des films d'action d'abord, et la particularité de Chuck Norris c'est qu'en plus il fait du karaté, mais c'est pas un truc sur le karaté et sur les arts martiaux, contrairement au film de Jackie Chan. Ouais mais pour Van Damme c'est... Ouais, Van Damme c'est un clap plus compliqué je pense, parce que Van Damme en plus il a... Not sport. On l'a dit, Van Damme il a été chercher Tsuwark, etc. Il a voulu... Il était fan, il s'inspirait clairement de ça. Ouais, il voulait faire ça et il a voulu le faire avec lui en plus. Et il l'a fait. Il a fait Piège à Hong Kong, je crois. Bloodsport surtout. Mais Bloodsport, enfin Piège à Hong Kong, il va à Hong Kong en fait. Donc il va le tourner. Bloodsport, c'était sur le tournoi justement. Ah, le comité, ouais. Oui, exactement. En fait, ouais. Le comité entreprise. Van Damme, c'est une sorte de formule Jackie Chan, mais en différé. C'est-à-dire que ses films sont des films de d'arts martiaux. Tu veux dire qu'ils sont drôles, mais après. Et, ces inter- et c'est ça. Et ces interviews sont burlesques. Mais il fait pas les deux en même temps, quoi. Mais Van Damme, moi, après, je peux pas juger niveau chorégraphie. Je pense que c'est, si c'est mieux ou moins bien. C'est plus la veine Bruce Lee déjà, je pense. Quoi. C'est plus sérieux et au niveau des combats. Et puis c'est vachement plus sur les ralentis, oui, des trucs comme ça. On trouve moins le côté cirque, quoi. Ouais, c'est ça. C'est vraiment art martial du pur et dur, quoi. Bah, Van Damme, il a pas été à l'opéra de Pékin, il était à l'opéra d'Anvers. Donc, du coup, c'est. C'est pas pareil, c'est tout, les deux écoles, voilà. Non, mais après, ouais, c'est vraiment deux écoles, mais je pense qu'il y a quand même une opposition. Tu peux, enfin, c'est pas le même genre de film, parce que, et pourtant, c'est des films que tu regardais, enfin, tu louais un film de Jackie Chan et un film de Van Damme à la même période dans les années 90, mais c'était pas exactement la même expérience, quoi. Mais ouais, non, bah, c'est Jackie ça. Chan, il a quand même, bah, par ce côté humoristique burlesque, un côté plus. Ces films, ils touchent aussi les plus jeunes. Jackie Chan, t'avais l'impression que c'est. On le redit tout à l'heure, mais t'as l'impression que c'est lui qui le faisait. Alors que je pense que dans les films de Van Damme. La mécanique non mais la mécanique et la mécanique visuelle elle est plus là, c'est-à-dire les ralentis, tout l'appareillage américain. Ouais, mais il y a un côté performance arts martiaux. Ouais mais il y avait un côté fake, moi dans ma perception que j'en ai, il y avait un côté fake, c'est ouais, si c'est vrai, ouais. Jean-Claude Van Damme, c'est lui qui fait le grand écart, tu vois, mais il met jamais de vrais coups. Jackie Chan, lui, il se prend des vraies boîtes, tu vois. Après, je pense que ça il y avait quand même ce truc là. C'est un problème quand on peut parler, genre, par exemple, pour Steven Seagal, qui lui aussi fait du karaté, enfin il a des ceintures noires, mais dans ses films, la façon dont ils sont faits, on n'y croit pas un seul instant, parce que le montage est beaucoup moins bon. On en revient au montage, au plan large, il n'y a pas de coupe pendant les combats. Alors que Seagal, c'est tellement mal filmé quand il se bat qu'on se dit, mais il sait rien faire, ce physique. Alors qu'en fait, si, il sait faire, mais et du coup, c'est vrai qu'en compte. Fait, Jackie Chan dans Expendables, ça ne marcherait pas. Moi, je pense que ça ne marcherait pas du tout. Par rapport à ça, Jackie Chan en parlait dans le reportage que je cite depuis tout à l'heure, où il explique sa relation justement par rapport à ça. Et en fait, il y a une scène dans Le Marin des Mers de Chine où il se prend, où il est derrière un mec. Et le mec se prend un coup de l'assaillant de Jackie. Et la tête du mec va taper la tête de Jackie Chan, en fait. Et donc, ils se mettent un petit peu loin. Il y a un plan fixe. Et d'un seul plan, on voit que Jackie se prend vraiment la tête du mec et reçoit l'impact du coup. Et en fait, ils ont essayé de refaire exactement le même plan dans Shanghai Kid. Sauf qu'ils coupent le plan en trois. C'est-à-dire que tu vois le point du mec qui arrive. Et tu vois la tête du mec dans un autre plan qui part sur la tête de Jackie Chan. Et on y croit beaucoup moins. Et la scène est beaucoup moins puissante, justement, par rapport à ça. Ouais, je pense que c'est un truc, bon, déjà de la manière de filmer, etc. Mais c'est aussi un truc d'assurance, de machin. Clairement. Ça ne va pas être le même. Du coup, l'effet n'est pas du tout le même. Non, c'est vrai. Aux États-Unis, Jackie Chan s'est fait beaucoup plus doubler. Juste à cause des problèmes d'assurance. C'est pas qu'il ne voulait pas faire les scènes. C'est qu'on lui disait non, faut pas. Ça coûte trop cher. Et puis ça tient aussi peut-être à une période. C'est-à-dire que les films où il a pris peut-être le plus de risques, c'est aussi les moments où il avait besoin de prouver que c'était un réalisateur et un acteur à part entière dans les années 80. Parce que Matt Druckenmaster en 94, enfin, la scène finale, j'ai vu du coup, quand c'était vachement impressionnant. Un hommage à Drunken Master, quoi. Je veux dire, c'est un hommage. Ouais, soit, mais le mec s'allonge dans du charbon quand même. Et tu le vois dans le générique, en train de se faire avec un extincteur sur lui parce qu'il est en feu. Et c'était en 94, du coup, donc il a quand même continué quelques temps encore, je pense. C'est un malade, un grand malade. Mais globalement, dans cette période américaine et dans ces films vraiment depuis les années fin 90, il y a quelques films qui s'en sortent quand même pas trop mal, même si moi je trouve que ça marche pas, mais les Shanghai Kid, les Rush Hour, tout ça. Mais après, quand même, il y a quand même on peut poser une question sur ça. On a même deux questions, je crois, sur ça. On a même deux ou trois questions. Une petite question pour parler, du coup, on a parlé de sa période années 90 américaine assez faste, même si et Furious, même si c'était moins bien que la formule originale. Mais après Shanghai Kid, par exemple, dans le début des années 2000, une période un peu plus sombre de Jackie Chan. Et pour illustrer ça, je vais vous poser une question assez simple. Dans quel film peut-on voir Jackie Chan, Arnold Schwarzenegger, Michael Youn et Cécile de France? Tous ensemble. Mais non. Kung Fu Nani. Non. Non. Perdu. Le Médaillon. Non. Le Smoking, non? Non, en plus, c'est un film qui est assez connu. Hein. Ouais. Les 10 commandements? Les 11 commandements, là? Les 11 commandements, ce serait bien de voir Jackie Chan. Ça serait tu te fais latter les couilles par Jackie Chan. Il y avait John Alumu à un moment. Vous savez pas? Vous pouvez poser des questions à la limite. Hein. Ah ouais, si vous voulez trouver. C'est un film des années 2000, donc. Ouais, début 2000. Juste après Le Médaillon, Le Smoking. C'est un film français? Non, c'était une coproduction avec plein de pays, je crois. Ouais. Ah, c'est un film sur les acteurs? Non. Est-ce que Jackie Chan joue un rôle principal? Ouais. Ah ouais? Tu crois, hein? Bah, en rôle, ouais, il est un rôle. Il oui, a pas un mal, des ouais. rôles principaux. Ouais. Mais est-ce qu'il a contre-emploi? Alors c'est une adaptation il d'un est à roman ou pas? C'est un oui, c'est alors on va redire les noms des acteurs. Schwarzenegger, Chan, Michael Youn, Cécile de France, il y en a encore beaucoup d'autres que je cite pas et c'est une adaptation de roman. Non, je sais pas. C'est bien pas. Sûr, enfin ça semble évident pensez vu la vie des acteurs genre Beck BD. Non, vous pensez plus ancien ça. Chan, mais attends mais je sais pas, Chan, il peut pas Jackie Chan adapte Beck BD. Ah si je sais Kung Fu Panda. Ah non. C'est le tour du monde en 80 jours, bien sûr! D'accord. Ok! Mais c'est vrai que du coup, Jackie Chan a quand même joué 2004. Dans un Jules Verne. Ah, c'est vrai. La rencontre, enfin, improbable. Vous souvenez de ce film ou pas du tout? Ah, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Ok, moi je l'ai vu quand j'étais jeune, donc je m'en souviens plus trop. Ouais, moi pareil. Mais j'avais oublié qu'il y avait Michael Youn dedans, quoi. Et la rencontre entre Michael Youn, dans Michael Youn et Jackie Chan, enfin, faut que je revoie ce film, je pense simplement. Enfin. Entre en bonne compagnie avec suffisamment de substances illicites, et je pense que ça peut être un grand moment. Mais du coup, il y a du karaté et du burlesque, enfin il fait du Jackie Chan quoi. Ouais, je crois que c'est un film, enfin je sais pas s'il le fait bien, mais en tout cas c'est un film censé comique en tout cas. Et c'est juste ça pour. T'as parlé des films, mais après Rush Hour, etc., il continue dans le système américain et là il fait. Mais en même temps qu'il continue, ça on a pas précisé, mais quand il fait un film aux États-Unis, il fait aussi un film. Pour son public. Parce que ça reste important pour lui. Ouais. Il fait toujours deux films par an, du coup. Hong Kong. Enfin, il a plus de 130 films à la fin de sa carrière. Quoi. Ouais. Et d'ailleurs, dans les films qu'il fait à Hong Kong dans les années 90, il change de registre. Il fait une comédie romantique. Il essaie de jouer. Il un se peu permet plus. D'expérimenter des trucs parce qu'il n'est pas calibré par le marché américain. C'est ça, en vrai, je pense que c'est sa raison. C'est une réaction. Genre là-bas, il est tellement calibré que quand il revient, il a envie de faire d'autres choses qui marchent plus ou moins bien, à mon avis. Parce que la comédie romantique Jackie Chan, qui veut la voir, pas grand monde. Et bah, je pense que c'est ouais, pas pour ça qu'on a. Enfin, c'est le souci de Jackie Chan, on pourra en reparler si vous voulez. On mais... va peut-être se faire des. Enfin, je vais peut-être me faire des ennemis, parce qu'il y a des gros fans de Jackie Chan quand même qui trouvent qu'il est extraordinaire. En tant qu'acteur, au sens traditionnel, capacité à susciter l'émotion. Ouais, moi je trouve qu'il est pas bon. Enfin, il suscite l'émotion, mais dans sa gestuelle, comme on l'a dit, dans oui, le burlesque, oui, etc. Mais voilà. Il a quand même un style, et quand il essaie pas de. Profondeur. Ouais, il a. En tout cas, moi, je trouve que c'est pas, ça marche pas très bien, quoi. Non, je suis d'accord. Enfin, quand tu joues la comédie, c'est ça. Juste quand il est pas là pour jouer la comédie, c'est tout. Mais voilà, il a fait l'opéra de Pékin. Il a pas fait les acteurs studio ou ouais, les conflits ou je sais quoi. Voilà. Ah, et Tad et Desanne. En 2008 avec Florence Michel, je crois, il était dans la direction. Pardon, j'essaie de faire le pédant. Mais ouais, et du coup, on parlait du coup, il a fait, il continue les films en Hong Kong, il essaie d'expérimenter. Pareil, il a fait en 2004 New Police Story, où il revenait sur Police Story, mais là, c'était plus le film comme Police Story avant, comme on l'a dit, la formule classique. Il faisait un policier alcoolique et déprimé parce que tous ses potes étaient morts. Et je pense qu'il a moins bien marché, c'était plus du Jackie Chan. Oui, a... En France, ça s'appelle Drunken Tokar, je crois. Il a essayé de sortir de son rôle parce que peut-être il se rendait compte du ridicule de certains de ses films américains où il était... caricaturé à l'extrême, mais c'était, enfin, il aurait dû juste revenir aux bases et pas essayer de se faire autre chose. Parce que on a parlé du coup de ces films américains genre Rush Hour et tout. En 2002-2003, il a fait quand même Le Smoking et Le Médaillon. Putain, c'était vraiment naze. L'apogée de sa carrière. Je pense que c'est ça. Parce que, c'est vraiment des scénarios. Écoute, non, on va venir. Il y a encore autre chose. Une étape. Je pense qu'il s'est dit, il me faut un, enfin, si ça marche pas des histoires tradies, il me faut un concept de merde. Et ça va peut-être marcher le côté burlesque, mais le problème c'est que le concept de merde est tellement de merde dans Le Médaillon ou Le Smoking que ben ça fait vraiment des films. C'est pour un forceur. Ouais, mais du coup, c'est vrai qu'il essaie un peu de s'adapter à de la comédie américaine un peu potache, comme on nous en sert maintenant, quoi. Ouais. C'est un peu ça. Il y a quand même un film où il est bon acteur, et ça me permet de revenir sur Double Dragon, j'en ai parlé tout à l'heure, où il joue c'est une marotte, hein. Il n'y a pas Jackie qui force, j'ai l'impression. C'est pour vraiment que vous regardiez ce film-là, les éditeurs. C'est qu'il joue je deux personnages. On va regarder encore un film de Jackie après cette émission. Il joue deux personnages en même temps, parce que c'est le principe. Il joue un jumeau et donc son double. Et c'est assez bien parce qu'il y a des scènes où ils sont. Donc c'est filmé, c'est au début de la technologie où ils pouvaient filmer deux personnes en même temps. Il y a eu beaucoup de films comme ça où. Ah, mais ça c'était. Oui. Deux personnes en même temps sur le même plan, ça a été fait seulement en 2000. La même personne, ils sont cons. Non, mais c'était les premiers effets du numérique où t'as le même acteur sur le même plan, et du coup il y a des petits décalages, c'est assez marrant. Des fois ses yeux portent pas exactement sur le personnage qu'il entend, enfin sur l'autre personnage, sur son double, bref. Mais juste à ce moment là c'est assez intéressant parce que là il y a un jeu d'acteur, et c'est la seule fois où j'ai vu un jeu d'acteur de Jackie Chan quand il joue les deux en même temps. Et c'était pas si mal, il joue pas si mal, voilà. Nous, ouais, il joue pas si mal, mais c'est pas, non, mais c'est pas un grand acteur. Oui, mais du coup, ça montre le standard qu'on pose par rapport à un film de Jackie Chan. C'était pas si mal, donc ça devient le truc qu'il faut évoquer. Ouais, mais je sais pas. Ça. Moi, j'ai une autre question. Vous n'oubliez pas que vous pouvez, parce que vous le trouverez peut-être pas. 4-3-4-3, je suis l'underdog. Vous pouvez poser des questions. Le challenger. Quelle chanteuse française a tourné avec Jackie Chan? Et ça, et ça, ça avant de le trouver, si vous le savez. Céline Dion. Non. La Rousseau. Ah, pas la Rousseau, on est un peu plus tard que la Rousseau, mais c'est du même acabit. Genre Jennifer, quoi. Ah, ouais, ah, on se rapproche. Priscilla. On se rapproche. On se rapproche encore Vita. Plus. On se rapproche. Non, on s'éloigne un petit peu. Genre dans Kung Fu Panda, en fait. Ah non, non, non, dans un film. Un film. Vous voulez le nom du film? Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. C'est dans Dragon Blade en 2015. Ça m'aide beaucoup. Mais c'est Dragon Blade, tu sais, celui où il y a un dragon. Et une lame. Ça, non, mais pensez Priscilla, c'était pas loin, c'était la même époque, même période. Là, c'est un peu, je sais pas exactement, pas mais c'est un peu chanteuse Star Academy, quoi. Ah, genre Élodie Frégé. C'est pas Star Academy, c'était plus. Elle est passée, pour être précis, dans Graines de Star. Avec Laurent Boyer. Ah putain. Laurie. Oui. Oh oui. Oh, le cochon. Ah, bravo, tu sais, t'es là. Tu savais pour Laurent Boyer, toi. T'étais là. T'étais sacré Lolo. Et oui, Jackie Chan a tourné avec Laurie. Oh putain. Enfin, je pense que lui, nos sources. Mais elle a une carrière cinématographique. Eh ben, elle essaie, figure-toi. Du coup, j'ai lu une interview de Laurie. Oh putain. Parce qu'en fait, j'ai tapé Jackie Chan sur Google Actualité, je suis tombé sur ça. Et c'était en quelle année, ce film? En 2015. On l'a dit. Ah oui, ah, pardon. Et en fait, elle essaie d'avoir une carrière cinématographique. Enfin, en tout cas, elle parle comme si elle en avait une. Mais elle a joué dans un nanar, Les Portes du Soleil, je sais plus quoi, avec Smaïn en méchant. Oui. Alors, ouais, Smaïn. Elle a joué dans un autre film, Laurie. Elle se bat au pistolet contre Smaïn, effectivement, ah ouais. Qui joue un méchant de la pègre algérienne. elle fait Marion Maréchal Le Pen, c'est ça? Voilà, trop loin. Non, mais oui, elle essaie d'avoir une carrière et elle est en train d'apprendre le chinois parce que, comme elle a tourné avec Jackie Chan, elle s'est dit peut-être j'ai un marché là-bas. C'est pas gagné. Peut-être pas. C'est pas gagné. Mais ça montre un petit peu le. Ouais, c'est pour dire que là, en ce moment, Jackie, il va pas bien. Quoi. Et c'est un peu triste quand même, parce qu'en fait, on aimerait bien garder l'image de Jackie Chan de l'âge d'or, quoi, des années 80. Pourquoi il continue? Parce que moi, je me dis que ça rapporte, je pense. Ouais, ça fait de la peine. Moi, je dis que Jackie Chan, c'est le mec qui n'abandonne jamais. À 98 ans, il sera là. Oui, mais moi, ce que je pensais être un message plutôt positif, quand je vois que ça le fait finir par faire des films avec Laurie, je me dis. Et surtout, ça le fait en 2010. Moi, j'ai vu ce film Kung Fu Nanny. Ou The Spy Next Door en VO, un film assez incroyable où je peux vous raconter l'histoire. Hein. Jackie Chan, c'est un agent de la CIA. Imaginez Totally Spies, hein. Il rentre dans un tunnel pour aller à son truc. C'est vraiment un truc pour enfants, clairement. Et il essaie de choper sa voisine et du coup il doit s'occuper de ses enfants quand elle part pour essayer de bien s'entendre avec eux. Et il y a les Russes qui viennent les attaquer, etc. C'est un film. Qui aurait pu passer sur W9 un après-midi. En plus, c'est sorti en 2010. Un jeudi après-midi. Il y a des transitions à 15h en mode film d'espion, mais avec 10 francs. Genre, il faut essayer de faire du faux James Bond raté. C'est vraiment ridicule. Bref, le film est nul, ne le regardez pas. Mais il est très drôle si vous avez que ça à foutre. Et surtout, à la fin, en gros, Jackie pense qu'un de ses potes de la CIA l'a trahi. Et quand tout est bien qui finit bien, c'était pas lui le traître. Jackie dit désolé d'avoir pensé que t'étais un traître. Et le mec lui dit t'inquiète. C'est sûrement la barrière de la langue. Ah et ouais. Cette réplique. Et là, on boucle avec Rush Hour. Cette réplique m'a tué. Mais voilà, c'est Jackie. Il fait. En plus, il y a un sous-genre des films de Nanny, de Nounou. Parce que Vin Diesel en a fait un. Ouais, aussi, ouais. C'est clair. Et il y avait aussi un film à la maternelle. Un éternel. Moins Chan et plus Jackie, finalement. Sur la fin de sa carrière. Ça devrait être un titre de l'émission. Mais surtout que dans Kung Fu Nanny, les scènes d'action sont. Enfin, il est vieux, Jackie Chan. C'est en 2010. Donc c'est vraiment. Et ben moi, j'ai vu plus récent. J'ai vu le film avec Johnny Knoxville. Le mec de Jackass. Ah, ouais. Ouais, donc Johnny Knoxville, c'est le mec de Jackass. Il a joué avec les plus grands, Jackie Chan, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. Michael Youn. Quand tu regardes avec qui il a tourné, Jackie Chan, c'est pas très glorieux, globalement. Et donc, le film s'appelle en français La Filature. J'ai oublié le nom anglais. C'est pas grave. C'est pas Split quelque chose? Ouais, un truc comme ça. Mais, bon, La Filature. De toute façon, ça vaut pas le coup. Il est sur Netflix. Alors, c'est quoi le pitch? Alors, je vais pas dire que je l'ai regardé parce que j'ai abandonné assez vite tellement c'était mauvais. Mais en gros, c'est un peu une sorte d'inverse de Rush Hour où là, c'est donc Johnny Knoxville qui va. Grand acteur de son état, Johnny Knoxville, quand même, on peut le dire. Qui va du Tennessee. En Chine pour assister Jackie Chan. Sauf que Jackie Chan. Alors, tu vois, c'est toujours Jackie Chan, il y a toujours une certaine. Chorégraphie, il est toujours un peu bon, mais il est un peu rouillé. Il a 60 ans. Ça marche quand même. Ouais, c'est ça, il a 62-63 ans. Dans Kung Fu Nanny, à la fin, il y a toujours le générique, on voit les cascades, sauf que là, il y a beaucoup plus de ficelles qu'avant. Genre, le film est un making-of finalement. Non, mais vraiment, il se bat avec un vélo, c'est une scène sympathique. Mais à la fin, on voit la scène et il y a un fil qui retient le vélo parce que Jackie Chan il le fait juste tourner dans le vide et il s'en sert même pas. En fait, finalement, avant, dans les scènes, scènes de fin, finalement, on voit plus les blagues que les cascades. Et ouais, et c'est, on voit plus Jackie Chan qui n'arrive pas à parler anglais ou on voit plus Jackie Chan qui est trop vieux pour faire ses cascades lui-même. Ouais, mais voilà. Il le dit lui-même, il dit qu'il a plus la capacité de faire ses cascades comme avant et c'est pour ça qu'il explore aussi d'autres genres de cinéma. C'est qu'il peut plus. Bah non, en même temps, est-ce qu'il a vraiment jamais exploré d'autres genres aux États-Unis que le film de merde? C'était la question. C'est un peu la question. C'est pas une, ma question, mais c'est une bonne question. Et tu voulais dire autre chose sur la Non, mais du coup, c'est un film qui insiste vraiment sur. Enfin, il y a beaucoup plus d'effets spéciaux. C'est vraiment nul, hein, faut pas le regarder. Mais... Je crois que la seule tentative à peu près réussie de Jackie Chan pour faire autre chose que le film d'action, c'est le remake de Karate Kid, où il incarne Monsieur Miyagi. Ah ouais. Et donc ça, coup, c'est pas mal en fait. C'est les débuts du petit Jaden. Ouais, c'était en 2008 et c'était pas idiot de transformer Jackie Chan en Monsieur Miyagi. Parce que c'est pour nous, ça colle assez bien. Ouais, voilà, ça colle à son personnage. Ouais. Il a vieilli. C'est le vieux maître. Ouais. Mais il est encore là. Il fait quelques scènes d'action dans le film, une avec un manteau que je trouve cool. Moi, quand je l'avais vu, et c'est tout. Après, il fait plus d'autres scènes. Il en fait une seule, ça suffit. Et là, on joue avec sa légende pour en faire un personnage plus vieux. C'est-à-dire qu'on sait qu'il sait le faire parce qu'on a vu des films où il savait le faire. Donc il a plus besoin de le faire pendant tout le film. C'est ça. Et du coup, c'est mieux s'il le fait pas. Exactement, parce que la légende reste intacte. Donc je pense qu'il aurait dû continuer. Enfin, peut-être, en plus, on serait resté dans le bon chinois qui maintenant est devenu sage parce qu'il est vieux. Mais au moins, il aurait pas été ridicule. On tombe dans le cliché finalement. Ouais, mais de toute façon, on n'en sort jamais en fait. Hein. Donc, Jackie, si tu nous écoutes, mais tu joues les vieux sages. Et puis il aurait été moins ridicule, je pense. Et il aurait été exploité dans ce qu'il peut faire, j'imagine. Je sais pas. Mais voilà. Reste que Jackie Chan. Et si ça nous attriste un petit peu de le voir comme ça, c'est parce que Jackie Chan est une véritable légende de la culture populaire. Il est incontournable. Même si j'avouerais à titre personnel que j'étais pas super content de faire une FK sur Jackie Chan, je comprends bien que c'est un. Sérieux ? Oh, je m'en fous, moi. Mais bon, je fais semblant de m'intéresser, je le fais pas trop mal. J'avoue. Ça fait deux ans. Mais en fait, il y a que moi qui aime vraiment Jackie Chan. Non, on est deux ici. Reste que pour la FK, c'est quand même un petit peu un passage obligé de notre analyse de la culture populaire. Bah, surtout que là, c'est vraiment populaire en plus. C'est vraiment populaire. Pas plus que Bruce Willis, hein. Non. Pour moi, parce que. Enfin, oui et non. C'est dans les films d'action, les spectacles violents, on a tendance à s'en détourner, à pas les analyser pour ce qu'ils sont. On va se dire, ok, c'est un truc de con, on aime bien la violence, la catharsis, ça pèse pas trop, on est content. Alors que là, du coup, on l'a fait en analysant qu'est-ce qu'ils font concrètement, on voit une certaine forme d'art. Et du coup, je trouve ça intéressant que la FK s'intéresse à ça, parce que c'est une culture populaire et que ça ne serait pas intéressant. Bah oui, mais surtout, et qu'il y a un fond, surtout en fait. Surtout si on pense pas, parce qu'on a parlé de Rush Hour dernièrement, etc. Mais si on reste et on dit que Jackie Chan, effectivement, c'est surtout le Jackie Chan de l'âge d'or hongkongais, etc. Il y a quand même des films comme Le Marin de Mer de Chine que je trouve sont pas seulement juste des bons Jackie Chan, qui sont vraiment juste des bons films. Oui, d'accord, mais ce qui fait qu'il fait partie de la légende, c'est pas seulement qu'il a fait des bons films ou qu'il a fait des choses impressionnantes, c'est que aussi, si on compare par exemple au film d'action américain, c'est qu'il y a plein de représentants du film d'action américain. Et c'est que finalement, quand on pense film d'action karaté, on va penser Bruce Lee, on va penser Jackie Chan. Ouais. Et finalement, Jackie Chan, c'est un des seuls représentants dans la vision culture populaire telle qu'on l'analyse ici, qui va nous monter, qui va être directement dans notre représentation du film de kung-fu et du film de karaté. Et surtout, il a inventé sa propre formule de ce genre-là, donc quand même la classe. Et c'est aussi une star. Plus que Bruce Lee, sans doute, parce que lui n'est pas mort. Il a fait l'effort de s'adapter. Bruce Lee n'a pas fait d'effort. Il a choisi de mourir jeune pour s'en sortir. Voilà. C'est une star un peu complète. Il est incontournable dans le paysage culturel parce qu'il fait énormément de choses. Et on va voir ça dans l'axe 3. Qu'on lui pardonne beaucoup de choses. Et on va voir ça dans le dernier axe. Ce que fait Jackie Chan et compagnie, ce qu'il fait à côté. Jackie Chan et compagnie, donc. C'est Pixar. Alors, on a entendu Jackie Chan qui interprétait comme un homme, Anzuha, je crois. Ah, je tiens à préciser quand même que les trois jingles qu'on a entendus là sont chantés par Jackie Chan. Ah, bah oui, c'est un fameux chanteur. Jackie Chan, c'est pas que le cinéma. Il a appris à chanter à l'Opéra de Pékin et il chante et il fait beaucoup de trucs en fait. Beaucoup de. d'albums, beaucoup de machins. Il a chanté pour les Jeux Olympiques de Pékin. Et il a même sorti et les Jeux Paralympiques aussi. Double album officiel de. Et il a fait au moins 20 albums à Hong Kong. Et il est considéré comme un chanteur là-bas. Simplement, il a fait des concerts, etc. Ouais, ouais. Il a la mandopop. Et moi, je comprends pas ce qu'il dit parce que. Voilà. Mais il a une belle voix. Il parce a un petit la J-pop et puis il y a l'équivalent chinois, la mandopop. C'est l'équivalent de Kendrick Lamar, mais. Là-bas, je crois que c'est Kendrick Lamar, effectivement. Oui, oui, il a une belle voix. Après, je suis pas très compétent pour la mandopop. Tout ce que j'ai écouté là, j'ai essayé de trouver un petit peu le meilleur pour faire. Non, mais il y a un côté. Non, mais c'est vrai qu'il y a un côté pour nous un peu pompier, tu sais, genre de. Déjà, il y a beaucoup de. Non, mais de pompier au sens académique. Oui, pompier au sens. Voilà. Je non, mais pas. Bah, je m'explique. Il y a, tu sais, déjà, il y a une grosse lance. Il y a un côté très militaire, tu sais, genre, il y a beaucoup de. C'est très rythmé, mais tu sais, un peu. Pompeux, du coup. Un peu infanterie. Non, pompier dans le sens en que fait, c'est. Tu connais pas le mot pompier. Sapeur-pompier. Si, pompier, ça veut dire. Pompier militaire, en gros. Militaire, du coup. C'est, ça nous paraît trop baroque, quoi, tu vois. Pompier, dans le sens. Pompier baroque. Imagine un pompier avec des plumes dans le cul. Les pompiers, c'est les gens. Pompiers, c'est les mecs, c'est les gens qui mettent trop de couleurs, tu vois. Ce qu'on appelait les pompiers dans l'art contemporain. Ok. C'est les gens qui mettent trop de couleurs c'est, et du coup on pas, trouve. C'est pas ça. Mais si, les pompiers, il y avait les fauves et les pompiers. Instruisez-moi. Bon, ah fauve, oui je connais. Non, pas les chanteurs. Bref. Bon. Allez, je voulais couper en plein air. Pompiers, je voulais chanter pompiers, du faux, j'ai même pas réussi à trouver. Et tu fais oui, oui, oui, je suis là, tu vois. Voilà, bah pour faire lui, je trouve qu'il est un petit peu tape à l'œil. Pompier, ça veut dire ça. Merci. En même temps, okay. Qui es-tu pour juger de la pop chinoise exactement. Un français. Je dis juste que voilà. C'est l'effet que ça me fait. Pas ça pompier, je trouve juste pas ça très bon, mais. D'accord. Moi, je trouve ça très chinois. Et bah oui, c'est ça que ça veut dire. C'est kitsch, quoi. Oh. Alors bon, on a parlé être chinois, c'est être kitsch. On a parlé non, de quoi que JD va être sur le tournage du prochain Rush Hour. Je ferai le blanc bec de service qui va être Marine Le Pen, c'est ça. En plus, kitsch, c'est portugais. On l'a déjà vu en plusieurs FK. Une petite question pour commencer l'axe 3. Oui. Retrouve. Il y a combien? Alors il y a 5 pour Zaza et 4 pour J2. C'est étonnant ça. Comment ça? Non, il y a 4-4 normalement. Ah non, il y a eu une question. Vous réécouterez l'émission. Moi je suis d'accord, mais ça m'étonne. Mais non, mais ça m'étonne aussi. Il y a eu 4-4 à un moment justement. Ah bon bref. Oui, il y avait 4-4 et ensuite. Alors 5-4. Retrouvez l'œuvre. D'où est tirée cette citation? Oui. Non, attends, cache le papier. Je n'ai pas fini. Ah, Jackie Chan Adventures, le dessin animé. Ah, pas mal. Voilà. Putain, et là, on touche à, bah, paradoxalement, l'œuvre de Jackie Chan qui m'a le plus marqué. C'est une œuvre. C'est là où tu pas. Est-ce que tu peux développer un peu ce que c'est? Alors, c'est une série. On va dire ça avec Pokémon et Yu-Gi-Oh! C'est les trois séries qui ont. Et Dragon Ball. C'est les séries qui ont vraiment bercé mon enfance. Donc, c'est une série. Je suis d'accord. De dessins animés qui passait sur Canal J. Ouais. Et qui était une chaîne pour les riches. Oui, et on l'avait tous les deux apparemment. Voilà. Et donc, comment en tu fait, peux mettre Dragon Ball et Yu-Gi-Oh sur le même plan? Bref. C'est que Jackie Chan, donc, qui habite avec son oncle et sa nièce Jade. Jackie Chan qui est archéologue. Qui est archéologue, va ouais. se retrouver embrigadé dans une histoire de talismans qui sont donc des talismans. Il aime beaucoup les talismans, Jackie Chan. Et qui. Et puis du coup, il y a un petit côté opération Condor. Ouais, exactement. En fait, les vêtements qu'il porte dans la série sont les mêmes que. Enfin, le même. Thème de couleur que ceux qu'il a Indiana dans Jones, il a voulu reprendre son personnage d'archéologue Jackie Chan. Ouais, ils ont peut-être pris aussi pompé sur le film populaire qui s'adaptait mieux au dessin animé que s'ils avaient pris Dragon Master. Ouais. Ça aurait été cool. Je finis juste d'expliquer brièvement. Vas-y. Et donc le principe c'est que donc tu as 12 talismans qui chacun représente un signe du zodiaque chinois et qui sont tous associés à un pouvoir. Le coq permet de passer à travers les murs, le serpent permet c'est de se logique, les coqs, comme on le sait, passent à travers beaucoup de murs. Bah dans le Glory Hole, les coqs littéralement passent à travers les murs. Magnifique. Ça tire ton pied sur ta bite. Le serpent permet d'être invisible, etc. Et donc il y a une organisation secrète. Parce que le serpent s'appelle... rentre dans la chatte. Ah ouais, c'est là, ça suffit là. Je sens que c'est la fin de l'émission. Et donc il y a une organisation secrète qui s'appelle la Main Noire tortue, qui essaye de récupérer tous les talismans pour invoquer un espèce de démon. Voilà. Et donc il y a 5 saisons. Il s'appelle Zendou. Le démon. Voilà, je voulais le dire. C'est vraiment un mix entre Yu-Gi-Oh et Dragon Ball. Le méchant s'appelle Valmont. Voilà, je me souviens. Ouais, voilà. Et donc 5 saisons quand même de Jackie Chan Adventures. Valmont. Ah, comme dans les liaisons dangereuses. Ouais, ça m'a... Ouais. Oui, exact. J'ai rematé un épisode ce matin en petit déjeuner. C'est quand même super c'est super bien. C'est... Alors, c'est drôle. C'est stylé parce que quand t'es gosse, il faut avouer que le truc qui te fait le plus fantasmer, c'est d'avoir des pouvoirs, des super pouvoirs parce que tu kiffes les mutants, tu kiffes les super héros et tu kiffes Jackie Chan parce qu'à chaque épisode, il y a un pouvoir spécial. Ça parce que tu ne t'aimais pas. Tu voulais quelqu'un d'autre. C'est mieux que la série Tintin. Oui, oui. Et, ouais. Et donc, il y a tout ce qui fait... Finalement, ils ont pris tout ce qui marche le plus chez Jackie Chan. C'est-à-dire, il y a des combats de kung-fu qui sont stylés. Il y a du burlesque à fond, parce que tu le vois toujours dans les épisodes. Il a ses gimmicks, il a ses petits cris, il a ses grimaces à la con. Il se retrouve dans des situations à la con. Finalement, Jackie Chan, un peu de maladresse. Voilà, c'est un mec gentil, maladroit. Et du coup, c'est vrai que quand même compétent. Ça marche très bien pour un dessin animé, en fait, cette formule. C'est excellent. Et surtout, ça s'appelle Jackie Chan, c'est son nom, c'est lui. Et on il s'appelle Jackie dans la série. Il s'appelle Jackie, voilà. Et. À la fin de chaque épisode, il y a une petite question, une espèce d'insert où Jackie est filmé et il répond à une question des enfants. Genre c'est éducatif. Mais c'est pas des dessins, mais c'est le vrai Jackie qui répond en vidéo. Mais d'ailleurs, dans le générique de la série, il y a des inserts de Jackie Chan qui fait des têtes des grimaces et après ça repasse sur le dessin animé. Donc vraiment, on joue sur le personnage de Jackie Chan. Mais est-ce que ça pose pas un problème philosophique? Je veux dire tout de suite, je vais dans le tas. Je veux dire, est-ce que Jackie Chan, ce qui était intéressant justement, c'est trop cher pour toi. Ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que Jackie Chan, ce qui était intéressant avec son style, c'est qu'il le fait lui-même. Et là, c'est un dessin animé, alors il n'y a plus rien de lui. Non, mais peu importe, à la limite. Mais justement, ça vient dans la gestion de la figure de Jackie Chan. Voilà, justement, c'est pour ça qu'on a parlé. Ça le fait rentrer dans la légende. C'est pour ça que c'est. Voilà, et du coup, je pense que ça récupère cet aspect du burlesque de Chaplin ou de Keaton ou de tout ça, que. C'est des acteurs que tu peux mettre c'est en dessin animé. C'est un personnage maintenant. C'est du cartoon. Déjà de Chaplin, on imagine assez bien un dessin animé avec Charlot. Ah, ça peut-être remplace que quand ça même pas ses bons films. Maman. Oui, non, mais d'accord. Mais tu l'imagines beaucoup moins avec d'autres acteurs. Je sais pas, genre tu prends Leonardo DiCaprio, tu fais une série animée avec, c'est nul. Ouais. Un dessin animé sur Charlie Sheen, ça marcherait moins bien. Par exemple, ça serait drôle quand même. C'est vrai. Ce qui marche, c'est aussi toutes les caractéristiques qu'on a évoquées avant. C'est qu'en tant qu'acteur, il est devenu. Une figure. Et en plus, là, du coup, on reprend son nom, à la fin, il intervient. Et surtout, il y a les mêmes valeurs qu'il a dans beaucoup de films. Par exemple, dans les talismans, etc., c'est des sortes de reliques chinoises qu'il veut protéger. Comme beaucoup de ses films. Donc, c'est la tradition et la détermination. Et même le grand-père, il y a un délire avec les grands-pères chez Jackie Chan. À chaque fois, il veut sauver son grand-père. Je sais pas ce qu'il a. Bah, mais c'est là, la tradition, quoi. Et là, c'est son oncle. Et du coup, toutes les valeurs qu'il a transmises et qu'il a voulu transmettre au sein de ses films, il les remet dans le dessin animé. Et il l'a dit, je crois, j'ai raté le premier épisode du coup de ce dessin animé. Et il le dit à la fin dans la question qu'on lui pose et à laquelle il répond, qu'il a toujours voulu être un personnage de dessin animé et qu'il a toujours voulu être aimé des enfants. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Dans ses films, il voulait pas jouer des méchants et il voulait pas dire de gros mots. Est-ce qu'il voulait être accessible? Il voulait que les enfants puissent s'identifier à lui. C'est vrai, il y a très peu de sang. Ça, c'est vraiment aussi. Une synthèse en fait, de ce qu'il a voulu être. Sens, ouais, clairement. Et est-ce qu'il a participé à la création de la série dans le sens ligne éditoriale et tout? Je ne sais pas. En tout cas, il jouait. C'était sa voix en tout cas. En chinois, c'était sa voix. En anglais, peut-être? Je sais pas. Parce qu'il a vraiment pas d'accent, alors que même dans des films récents, il a quand même un petit accent. Ouais, ok, je sais pas. Mais en tout cas, je crois qu'il a. Certainement qu'en chinois, il a doublé en tout cas. Et du coup, ouais, clairement, c'est vachement fou de s'imaginer, de dire que c'est plus seulement l'œuvre de Jackie Chan qui est dans la pop culture, c'est Jackie Chan lui-même. Et je pense que le dessin animé a été vachement fort pour faire ça. Et toi et moi, c'est comme ça qu'on a gardé Jackie Chan dans notre cœur. C'est vrai que quand je pense Jackie Chan, le premier truc qui m'est venu à l'idée, c'était le dessin animé Jackie Chan. C'est vraiment un truc. Et c'est marrant parce que du coup, étant donné que ça s'adresse pas à la même génération, parce que ceux qui ont découvert les films de Jackie Chan dans les années 90, ils étaient trop vieux pour kiffer la série dessin animé. Oui, mais ceux qui, comme nous, sont nés dans les années 90, début des années 90. On n'a sans doute pas vu dès le début des années 90 les films de Jackie Chan. Ouais. On a eu Rush Hour. Fin 80. Ouais, même les films de Jackie Chan, les trucs des vidéocassettes et machin, c'était un peu plus tard que toi sans doute, mais ils font quand même partie de la culture. Ouais, et surtout, même dans. De toute façon, j'ai l'impression que t'as dit c'était une synthèse de cet animé, c'est ça, parce que dans beaucoup de ces films, même dans. Tout à l'heure, je parlais du flic de Hong Kong, à un moment dans le scénario, il est avec Samo, c'est les trois frères du coup réunis, et ils se dessinent comme des copains de l'orphelinat, ce qui est vrai, c'est des copains de l'opéra. Donc, vu qu'il s'est en fait internat, quoi. Il s'est fait abandonner là-bas, c'est un peu son orphelinat, lui, à Jackie. Les trois frères, je suis en train d'imaginer un Didier Bourdon aventure. Et du coup, il a toujours joué dans ses films, parfois il s'appelait Jackie, parfois il reprenait des éléments de sa vie dans le scénario, et là, dans le scénario, c'est ça. Puissance 1000, il a réussi à le faire pour de bon, à devenir une figure de fiction lui-même, et je trouve ça vachement fort. C'est pour moi le. Mais il aurait pas pu le faire avant d'établir sa légende. Clairement, oui, et il l'a fait perdurer. Et bon, ça c'est un des produits dérivés, mais je pense que c'est le plus important des produits dérivés qu'il a fait, Jackie Chan, c'est son dessin animé. Et surtout, ça marche très bien avec Jackie Chan parce que on pourrait imaginer un peu la même chose avec un Bruce Willis ou un Stallone, mais ça fait pas partie. À la limite, ce serait un peu burlesque pour le coup. Ça marcherait moins bien. Ça marcherait moins bien et ce serait une manière de tourner, comme Expendables en fait, de tourner en ridicule ce qu'ils ont pu être. Alors que Jackie Chan, il a déjà pas dans son personnage. Voilà. Ouais, c'est pas ridicule parce que c'est lui. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, je pense que Jackie Chan dans Expendables, en fait, ça a pas trop de sens. Ouais. ça marcherait pas, mais en même temps Expendables ça ne marche pas non plus, donc c'est pas une est-ce qu'il y a l'équivalent de ce genre de dessin animé avec d'autres figures comme Carlos ça? Oui, Carlos, oui, c'est vrai. D'accord. Bah, excusez-moi. Moi, quand j'ai revu ça tout à l'heure, j'ai dit, mais qui a eu un dessin animé à son effigie à part Jackie Chan et Carlos? Les Chinois, ils ont Jackie Chan, nous on a Carlos. Super la tu vois, c'est pas si mal. Les aventures de Carlos, c'est super, donc vous allez vite vous calmer. Enfin, niveau danse, c'est un peu moins chorégraphié. Big bisous. Bah, il y a une chorégraphie quand même. Oui. Mais je suis pas sûr qu'il ait passé 10 ans à l'Opéra de Pétain. Super bien entendu. Il a passé 10 ans avec Françoise Dolto. C'est presque pire. C'est du coup, un rapprochement inattendu entre Jackie Chan et Carlos. S'ils auraient pu faire un duo musical, peut-être ça aurait été. C'est vrai. Il y a trop de points communs. Est-ce que Carlos est Marble Jackie Chan français? C'est la question qu'on pourrait se poser après cet FK. Il a... Bah enfin, sur la FK sur Carlos. Moi, ça me ferait très plaisir de faire ça. Je suis pas sûr qu'on tienne 3 heures. Une autre question, est-ce que. Alors, l'un de vous connaît. Il y a combien? Il y a 6-4. Exact. 6-4. Non, franchement, t'as fait le break et moi je conteste, mais bon. Est-ce que vous connaissez. Et tu écouteras et puis tu compteras. Jackie Chan Stuntmaster, mais c'est pas ton documentaire, c'est autre chose. Ah, non, moi, c'est un jeu vidéo! Il est là. C'était ça la question? J'attendais la question. Ouais, non, mais c'est vrai qu'elle était mal posée. C'était pas une question, ça. Est-ce que vous savez quelle heure il est? Oui, attends, je te réponds. Non, mais c'était pas une question, ça. Oui, c'est vrai, c'était bon. Bon, bah, soit on la compte pas si vous voulez, mais du coup, ouais, c'est ça. En faisant mes recherches, j'ai juste envie d'en parler vite fait. Et ça rejoint. Ça rejoint sur ce compte. Ça rejoint ce compte. Tout le monde a travaillé sur la page Wikipédia. Attendez, c'est mieux que ça. Jackie Chan Stuntmaster, du coup, c'est un jeu vidéo où on joue Jackie. On joue pas un personnage, c'est pas d'histoire, c'est juste on joue à qui il arrive des broutilles et encore une fois il doit sauver son. Est-ce qu'il fait du tuning? Parce que moi j'aimerais bien un jeu Jackie tuning. Dans ce jeu-là il doit sauver son grand-père. Non mais pour ça qu'il pourrait voter genre la salle, ils aiment les jeux tous les deux. Il y a un truc commun avec Perceval de Camelot. et ce jeu j'avais oublié mais je l'avais en fait sur PS1 et en regardant des images YouTube ça m'a rappelé tellement de souvenirs, c'était trop bien ce jeu. C'était un jeu d'action aventure assez con où tu jouais Jackie Chan qui se tapait contre des gens en 3D moche sur PS1, c'était en l'an 2000 donc c'était moche. Et c'était en fait moi j'ai grandi avec ce jeu, j'avais oublié avant cette FK donc merci à vous tous. Merci. C'était une madeleine de merci à toi qui a imposé ce sujet. C'était pas une madeleine mais du coup peut-être un bon, il essaye de diffuser la faute. Un M de Proust. Merci. Voilà. Et il y a eu d'autres jeux Jackie Chan tirés par contre du dessin animé. Donc là c'est plus un produit dérivé mais ce jeu là où on joue Jackie, ça montre encore une fois que c'est une légende à lui-même, que c'est un personnage à lui tout seul et qui Il a pas besoin d'incarner un autre personnage. Ouais, voilà, par la formule qu'il a fait, tout seul, il suffit à lui. On veut tous être Jackie. Et bah, on veut tous être. Et la question, c'est est-ce qu'il a développé les produits dérivés du type parce qu'il a échoué aux États-Unis? Enfin, il a pas échoué, c'était après Rush Hour. Il était une star. Il a pas échoué. Tu peux dire qu'il a échoué sur les deux plans. Artistiquement, à la limite, mais commercialement et dans la tête des gens, c'est comme ça qu'il s'est fait remonter. Mec, à partir du moment où tu chantes pour les JO, t'as pas échoué dans ta carrière. Je suis désolé. Non, mais il a pas échoué. Enfin, quand on prenne la liste de tous ceux qui ont chanté dans les JO, il y a moyen qu'il y ait des échecs Carlos. De carrière quand même. Putain, une chanson de JO par Carlos, ça aurait été. Mais du coup, il y a eu d'autres jeux vidéo, produits dérivés bizarres, mais pourquoi pas. Et est-ce qu'il y a une autre question pour les produits dérivés? Oui, moi j'ai une question sur le jeu vidéo. Et ce sera une vraie question cette fois. Ah. Quel personnage d'un jeu vidéo très célèbre que l'on connaît tous, auquel on a tous joué? Donc quel personnage de jeu vidéo a directement été inspiré par Jackie Chan? Fei Long. Non, moi je sais et c'est dans Tekken et c'est Lao. Non, perdu. Lei. C'est l'autre. Lei. Parce que ouais, il y a Lo qui est Bruce Lee. Ouais, c'est ça. Et il y a Lei qui est Jackie Chan. C'est quand même pour moi. Ah non, c'est pour toi. Alors oui, donc dans Tekken 3, enfin, il arrive dans Tekken 2 je crois, si je me souviens bien. Et après, on l'a tout le temps. Bah écoutez, la gaming carbone sur Tekken, elle était tellement bien. Voilà, pourquoi se priver? Que du plaisir. Pourquoi se priver? On a donc ce personnage de Lei qui a les cheveux longs. Ouais. Alors, on n'a pas parlé de la coupe au bol de Jackie. C'est vrai, on n'en a pas parlé. Bah, ça participe à sa tête de con. il a fait beaucoup de produits dérivés, je pense qu'un centre coiffure n'aurait pas marché. Ça n'aurait pas été crédible. Bah, elle est mieux que celle de Jackie Chan, s'il vous plaît. Et donc, il a ce personnage qui a les cheveux longs, donc c'est un peu la différence avec Chan, mais... qui a trait pour trait le visage de Jackie Chan. Il a un gros nez, quoi. Ouais, mais même tout, ils ont travaillé avec Et dans le style de combat aussi. Et dans le style de combat, notamment, il a des attaques. C'est un personnage qui est assez dur à jouer. Moi, je me rappelle dans Tekken 3, ouais. Il est assez difficile. Mais ses coups spéciaux avec étaient trop stylés, en fait. Ses coups spéciaux sont stylés. Et notamment, à terre et tout. Il a des coups de bourré. Ah oui, il a le truc de bourré, c'est vrai, il fait avec la tête et tout comme et ça. Il boit un verre d'ailleurs, il y a pas un truc ou comme ça où il boit un truc et après il tourne comme ça sur lui-même. Oui, il tourne. Après je suis ça, c'est le LSD, je pense que tu confonds. Je suis pas sûr qu'il boive, mais en tout cas, il a le coup de Drunken Master et il a aussi le coup du serpent aussi de. Et Lei dans Tekken, c'est un flic. Et c'est un flic, ouais. Et je pense qu'on peut servir pour parler de Jackie Chan, je pense le rôle qui lui a plus collé la peau, c'est celui de flic concrètement, c'est celui qui l'a plus. Ouais, Police Story quoi. Police Story, Rush Hour aussi. Ça lui donne aussi, ça lui donne une légitimité dans le but qu'il défend après. Ça lui donne une moralité qui retrouve pas forcément dans son personnage en lui-même, mais ça lui donne, comme c'est à la base un personnage qui. Oui. ça fait le don du cigarette qu'on vient de lui voler. Il suffit maintenant. Hein, tout le monde taxe ici. Allez. Non, mais je veux dire que ça, comme c'est un personnage qui va pas beaucoup parler, tu vas le placer dans une situation où il va être flic, où il va être garde impérial, et donc ça lui donne une certaine légitimité dans après son but qui va être. D'ailleurs, après. Dans les flics de Hong Kong, il est assez peu présent en fait, c'est assez bizarre. Il est assez mis en arrière par rapport au reste de la bande. Par rapport à Samo. C'est Samo qui les a réalisés, je crois qu'il voulait que ce soit son moment de gloire. Mais ça reste le héros, mais du coup, il est pas comique, mais il est que genre le flic bon, machin. Ouais, mais je pense que ça participe aussi de son aura de où il peut toucher un public un peu plus enfantin avec des films de policiers où le policier est gentil et tu vois ça c'est une figure universelle. Ouais, c'est un peu ça, et c'est une figure universelle et qui peut toucher un certain public parce que les films de Bruce Lee, tu montres pas ça à des enfants, déjà c'est pas de sens, et ensuite c'est violent. C'est violent et il incarne des personnages qui sont un peu difficiles à comprendre. Et tu mets un type avec un costume de flic, il tape des méchants, ok, bah ça on comprend et ça marche un peu avec tout le monde quoi. Ouais, je suis d'accord. J'allais dire un truc, j'ai oublié, c'est pas grave. Bah c'est pas grave, tu veux pas poser une petite question sur les émissions télévisées? Laisse-moi remonter dans les points, mais non, mais j'y suis nul là, ça. On fera pas un super banco parce qu'il y a combien là? Question qui va être un super banco. Il reste deux questions. Ah, ouais. Non, la dernière question c'est la meilleure, Steven l'a trouvé, ça sera le super banco. Ok. Avant-dernière question. Ok. Dans quelle émission de télé-réalité Jackie Chan apparaît-il? Bon, là, c'est dur. Quelle nationalité l'émission? Je dis pas. Ah bah si. C'est une émission. Hongkongaise quoi. Hongkongaise. Télé-réalité hongkongaise? Non, si vous savez pas, China Got Talent. The Voice. Enfin, ouais. Non, en fait, si vous connaissez pas, c'est un truc de kung fu ou pas? Un peu. Non, en vrai, c'est dans les Marseillais. Et je me demande comment ils l'ont casté. Marseillais à Hong Kong, Jackie Chan arrive. Non, mais c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. J'ai vu. Putain, c'est la revanche du Bouti. Enfin. Il aura fallu 20 émissions pour que je me venge. Non, c'est une émission hongkongaise qui s'appelle Le Disciple. Et c'est une émission de télé-réalité de Jackie Chan, par Jackie Chan, avec Jackie Chan. Et sur Jackie Chan. Putain, c'est un peu le Trump hongkongais quoi. Ouais, c'est exactement ça. C'est un peu les Kardashians de Non, de c'est Chan. Vraiment, il a raison, c'est vraiment The Apprentice. Parce que c'est Jackie Chan qui cherche son héritier. Putain, 2022, président chinois, Jackie Chan. Oh là là là là. Et franchement, ce serait. Vous l'avez entendu ici. C'est ça, en fait, il y avait 16 aspirants stars d'action, etc. Et Jackie Chan et d'autres gens, Samo, etc., étaient jurys et devaient les coacher, voir qui serait le meilleur. Qui pourrait être digne de suivre dans l'histoire, continuer la carrière de Jackie Chan, quoi, faire comme lui. Ah ouais. Et le gagnant avait genre des films produits par Jackie Chan, etc. Mais ils pouvaient tous être dans son équipe de cascadeurs après. Ouais, c'est ça. Et ceci, même si le concept est compilé sur tous les trucs, The Apprentice, etc., ça a l'air intéressant. Enfin, est-ce que c'était bien? J'ai pas regardé. parce que ça peut donner lieu à des trucs intéressants avec le Kung Fu. Wikipédia. Ok, merci Wikipédia. Mais moi, c'est. Enfin, là, on va toujours dire la même chose, mais encore une fois, pour que le mec ait son émission de télé-réalité sur lui, c'est que quand même il pèse. Mais à Hong Kong, il pèse grave. Et pas que Hong Kong. La légende. Pas que Hong Kong. La légende. Jackie Chan. C'est le Super Banco. Super Banco. C'est la question. Ah putain. Jackie Chan est ambassadeur d'une ville française. Oh putain. Quelle ville française a Est-ce que c'est une ville connue? Oui. Ah oui. Dijon. Non, perdu. Alors, c'est lié quand même à quelque chose. Vous pouvez retrouver en fait ça si vous pensez à sa filmographie, à certains films que vous n'avez peut-être pas vus, comme par exemple Thunderbolt. On peut. Ah, Le Mans. Oh, oh, super Banco. Il a gagné. Il a gagné. Il a gagné sur la ligne. Oui. Ce c'est un scandale. Ah, Louis. Ah. C'est abusé. Il faut expliquer. Non, je l'ai niqué pendant tout le truc. C'est toi qui as demandé un super bon coup. C'est vrai, c'est vrai. Mais parce mec, qu'on aime tous. Ça n'est que finalement, justice. J2, c'est un peu le Jackie Chan de l'AFK. Il est parti avec un handicap, mais il arrive à la fin. Bah, c'est toujours avec un handicap, mais il est arrivé quand même. Et puis il a une tête de con. J'ai rien qu'il a un gros nez. Non, pour le coup, c'est bon. Alors, pour le coup, il faut expliquer un peu pourquoi. Le Mans, parce que Jackie Chan est un fan de course automobile. Ah oui. Et c'est donc, c'est un pote de François Fillon. Ah, ça, l'histoire ne le dit pas. Pourquoi Parce que François Fillon, il court autour 24 heures du Mans. Ah, il court. Ah, il court. Il court à côté des voitures. Il chauffe le circuit. D'ailleurs, l'histoire dit que les costumes, c'est Jackie Chan. Ah, c'est... peut-être. Le costume, le smoking. Le smoking. J'ai déjà fait la blague dans ma chronique, par contre. Donc, du coup. Pardon. Il a une équipe qui court au Mans. Qui court, pardon. Oui, bah oui, je suis désolé, qui roule au Mans, si vous voulez. du coup, la ville du Mans a choisi Jackie Chan comme ambassadeur. Je sais pas trop ce que ça lui apporte de faire ça, mais bon, il le fait parce qu'il aime les courses automobiles. Quoi. Il a demandé, souvent un personnage de coureur automobile. Dans Double Dragon, justement, il est coureur automobile. Avec Double Dragon. Regardez, putain, Double Dragon. Tu nous doubles et je crois qu'il était en discussion pour faire un film au Mans. Peut-être un film sur Le Mans. sur la ville du Mans, sur la Sarthe. Lost in Le Mans. Riyad Master. Le Havre, Jackie Chan dans la Sarthe. Après, Jackie Chan dans le Bronx. C'est ça. Jackie Chan au Mans. Il doit aller arrêter Fillon. Ah, c'est avec un panneau rend l'argent. Non mais voilà, donc bravo J2 d'avoir gagné. Ah, bon, bravo, bravo, bravo, gagné sur toi à la loyale, donc bravo. Bravo. Si. C'est la première fois que je gagne un quiz à l'AFK. Et juste pas du coup pour conclure, cette... ne boirez pas l'alcool du capitaine. Bah, on en reparle demain. On en reparlera demain pour la prochaine future FK. Bon, demain, ok, je le fais demain. Ah, voilà. Ça fait plaisir à entendre. Et ouais, du coup, on en a parlé vite fait. Et souvent, Jackie Chan a une marque de fringues. Il a des restaurants de sushi. Il a des restaurants de sushi. Jackie Chan, il est partout. Un peu tout et n'importe quoi. C'est vraiment Trump, quoi. Il n'a pas encore de tour, je crois. Ouais, mais c'est vrai que... on se casse le cul pendant 3 heures à faire des trucs un peu chiadés et ça finit par ouais, Jackie Chan, c'est vraiment le Trump chinois. Hein. Mais c'est vrai qu'au niveau de ses positions politiques, il est un peu chiant. Il y a quelques fois où il a dit des trucs qui se rapprochent. Ah ouais, par exemple. Il l'a dit. Ah bah, bon, ça on va peut-être pas. Non, ça salirait un peu ce qu'on a voilà, essayé. Voilà. Puis ça, ouais. Ça intéresse il pas a dit trop des choses. Il a dit des choses, mais quand on lui a demandé ce qu'il voulait dire, il a dit ah, en fait, on m'a mal compris. L'assistant a mal recopié ce que j'ai dit. Putain, il a pris cher l'assistant. Bien, mais voilà. Voilà, en fait, c'était pas si chiant cette FK sur. Franchement, ça va. C'était, je pense que j'espère vous... à faire en tout cas. J'espère que ça va vous plaire. J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez avant, pas à nous faire, des retours. Mais comme le dit Steven, avant de se quitter, on va finir. Avant de dire d'avant de se quitter, mettez 5 étoiles sur iTunes. Parce qu'on le dit toujours à la fin de l'émission et du coup, vous le faites. On a des super commentaires, mais on en a pas beaucoup. Voilà. Franchement, si vous mettez des 5 étoiles sur iTunes, on sera plus connus. Si on est plus connus. Bah c'est bien. C'est bien pour nous mais ça change rien pour vous. Oui mais si vous aimez faites le partager simplement. Donc 5 étoiles ça aide au référencement. Donc s'il vous plaît faites le voilà. Peut-on c'était partager l'AFK. C'était un instant pute et pour vous remercier on va peut-être faire quand même une petite VP. Bah une petite vie Patrick là, en plus je crois Patrick, que ce soir Patrick là, cherche quelque chose. Aujourd'hui, Patrick cherche l'amour, je crois à ça, c'est ça ? Patrick cherche l'amour. Patrick, je ne t'apprends rien quand je te dis que le monde va mal. Entre la poutine qui balance la sauce sur une Syrie qui n'a plus la frite, les USA, oh là là. Taxés de pays le plus corrompu du monde par notre cher Jackie, qui se fâche contre la Corée encore et encore, et le niveau de la mer qui ne cesse de monter tant et si bien que la marine recrute jusqu'au plus attardé dans nos terroirs les plus profonds. Oh. Monde de merde, comme disait Georges Abitbol. Et c'est pourquoi j'ai voulu introduire un peu de douceur dans ton monde, Patrick, en allant trouver la seule chose qui puisse te remonter le moral, l'amour. L'amour avec un grand A ne se limitant pas à la section BBW de Pornhub, j'ai décidé d'aller en ton nom explorer ce monde magique qu'est Tinder, afin de voir si je pouvais te trouver un ou une partenaire convenable avec qui choisir ton coloris de moquette à Saint-Maclou un dimanche matin, parce que l'après-midi à Lens-Auxerre et que le bœuf bourguignon ne va pas se faire tout seul. Je lance donc l'application Tinder et malheureusement je réalise que mon compte Tinder doit être lié à mon compte Facebook. ne disposant pas de tes identifiants. Et franchement, après notre marathon des 4 cassettes des petites annonces de Franck Dubos, je pensais qu'on était plus proche que ça. J'ai dû me résoudre à mettre mon compte Tinder pour ton bien. Tinder me proposait ensuite d'indiquer si je recherchais des hommes, des femmes ou les deux. N'étant pas certain de tes préférences et animé par la peur que des guerriers de la justice sociale qui n'auraient pas manqué de pousser jusqu'en trending topic le « Don't assume Patrick's gender », j'ai donc préféré ne pas me fermer de porte afin de susciter un maximum de ralliement à ma cause, quitte à passer pour un genre foutre d'indécis dans un état d'esprit des plus macroniens. Oh. Je suis alors passé par la phase de swipe industriel. Pour ceux qui vivent dans une grotte, Tinder présente le profil avec la photo de personnes se trouvant dans un périmètre proche de vous et propose de swiper ou de faire glisser à droite ou à gauche selon si on est intéressé par la personne ou pas. Si la personne que vous validez vous valide aussi, vous pouvez alors échanger. Dans un souci d'optimisation maximale, j'ai préféré adopter la technique du chalutier japonais en pêche à la crevette. J'ai ratissé large. Attention, quand je dis large, je veux dire swipe automatique des 50 premiers profils, indépendamment de leur ressemblance proche ou lointaine avec l'un des frères Bogdanov. Comme phrase d'accroche, j'ai voulu mettre quelque chose qui te ressemble dans tout ce que tu as de plus fin et de plus subtil. J'ai donc posté ce message, ton message en ces mots: l'amour c'est comme les palmiers, il faut aller au bout de la tige pour en récolter les fruits. Oh putain. C'est frais, c'est exotique, j'étais sûr de mon coup. S'en suivit une longue période d'attente et oh surprise, oh joie, Tinder m'indique que j'ai matché avec 28 personnes sur les 50 personnes contactées. Et puis je regarde un peu plus dans le détail et je remarque que sur les 28, a priori, on compte un total de 55 couilles. Je ne peux pas confirmer sur les 55 ou les 56 parce que la photo de Michel est un peu sombre, ça pourrait être un effet d'optique. Tout ça pour dire que je n'ai matché qu'avec des mecs. Alors Patrick, j'espère que tu es autant ouvert d'esprit que moi parce que l'amour, tu es bien parti pour le recevoir autant que le donner. J'avais donc mis au point un questionnaire infaillible dont le but était d'identifier l'âme sœur pour toi. 5 questions qui devaient faire office de test pour la possibilité d'un amour véritable. Je lançais donc systématiquement en guise de préambule à ces 28 pauvres âmes un chafouin mais insistant: dis-moi, aimes-tu fluncher? Évidemment, là, malheureusement, ça a été l'hécatombe. Divan, ce qui semble laisser mon ego personnel, m'a quand même causé un peu de chagrin, pensant à ces 10 hommes qui estimaient qu'une telle question n'appelait pas à une réponse. 3 méconnaissances du flunch, qui allaient du c'est quoi à j'y suis jamais allé, pardonnez-leur seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils disent. 2 bofs qui ont donné lieu à une fin de non-recevoir, on ne peut pas tout accepter non plus. Et quelques réponses du type tu es grave chelou et autres. Ça, j'avoue que je ne m'y attendais pas, c'est pourtant assez basique comme question. Voilà, donc tel un Denis Brognard de l'amour, j'éliminais donc ses ennemis du bon goût pour passer aux questions de personnalité. On a direct attaqué sur du sérieux: raclette ou pirade, mère des sables ou pute du fou. Étonnamment, j'ai perdu à peu près la moitié des participants à ce stade. Je mets ça sur le compte du fait que la question était trop dure et qu'ils souhaitaient répondre les deux. Mais 3 participants se sont accrochés désespérément, mus par la volonté de promouvoir leur parc d'attractions préféré ou de planter leur bite dans mon cul, coûte que coûte, on ne saura jamais. Ton cul, il a bossé la mère des sables. La merde des sables. Ou le pute du fou. Hein. Ou le pute du fou. Les 3 derniers contenders se sont alors vus proposer au choix soit une partie de pétanque à Champigny-sur-Oise, soit un match de MMA dans une cave devant le Leroy Merlin de Montargis. Et j'ai l'insigne honneur, Patrick, de te dire que tu as rendez-vous samedi avec Benjamin, qui, je cite, sera là à te regarder en sueur au cœur d'un match de MMA, habillé comme la dame de cantine Anne-Josée qui l'excitait tant dans ses années de primaire. Ça se passe devant le Leroy Merlin de Montargis. Ne me dis pas merci, bravo Patrick, tu as trouvé l'amour. Ce que j'en retire finalement, c'est que le critère du flunch est quand même une bonne façon de juger votre cible. Si elle ne passe pas ce critère, passez donc votre chemin. J'aimerais tout de même vous lire un échange bref que j'ai eu avec une chère personne dénommée Hugues. Il était hors sujet, mais notre échange fut des plus piquants. Alors, j'ouvrais donc avec un « dis-moi, aimes-tu fluncher ?» Et Hugues me répondit « si c'est suivi d'une gorge profonde. » Un peu cash le Hugues. J'essaye de rebondir « il faut qu'elle le soit pour accueillir tous ces légumes à volonté. » Et Hugues me répond de plus belle « oui, si le cuisinier est généreux. » Un peu déstabilisé, j'essaye de recadrer le débat. « Plutôt raclette ou pierrade ?» Hugues me répond plutôt double ration, mais je suis plutôt aubergine que pêche. Ah, ça commençait à être difficile. Une dernière tentative. Je lui demande, ça te plairait de voir un match de MMA? Et là, il me répond, oui, si c'est moi qui mange la biscotte à la fin. J'ai répondu, ah, bref, je suis confus. Qui m'a opposé une fin de non-recevoir puisque l'échange s'est arrêté là. Donc c'est ainsi que notre échange se conclut dans la plus grande des confusions, tout comme cette chronique. J'espère que ça t'a plu, Patrick. C'était magnifique. Et n'oublie pas ton rendez-vous de samedi devant le Laurent Malin de Montargis. Bravo. La soirée de merde. J'ai passé une heure sur Tinder et je reçois encore des messages aujourd'hui. Ça, c'est du journalisme total. Attends, t'as vraiment donné le rendez-vous au mec? Ah, j'ai vraiment donné rendez-vous au mec. Il va y aller. Je sais pas. Eh bien, c'est écoutez. Ah non, j'allais dire auditeur si vous avez été à Montargis, mais ce sera trop tard. Auditeur, si c'est toi qui a répondu. Ah merde. Ah ouais, c'était compliqué à préparer. Ah ouais, mais c'est vrai, mais c'était une. Mais t'as donné ta personne et ça, c'est beau. Ça fait longtemps qu'on donnait plus de notre personne comme ça dans la VP. On écrit ça dans l'RER. Et ça fait plaisir d'avoir du journalisme total autour de la table. Ouais, bah, écoutez, c'est vrai, ça fait plaisir. C'est beau. Ça m'a fait plus plaisir à lire qu'à la préparer. Je vous Bravo Zaza pour cette magnifique chronique qui conclut très bien cette FK, mais qui ne la conclura pas aussi bien sûr, que la chanson à laquelle on va vous laisser. Parce qu'on vous avait dit, on ne va pas faire une seule chanson pour remercier les 15 bolos, on va en faire d'autres. Et voici la seconde qu'on va entendre pour se quitter. On espère que ça vous a plu. Mettez 5 étoiles, tout ça. Vive Jackie Chan. Anzuha. Ouais, voilà, vive Jackie Chan, pas trop. C'est ce qu'on pourrait dire. Si, à fond. Vive Jackie Chan. Oui, voilà. Donc, JD et moi, on est Team Jackie. Toi, t'es pas Team Jackie, du coup. Ça. Non, mais bon, on va pas refaire l'émission. Hein. Non, mais donc toi, t'aimes pas en soi. En soi non, je m'en fous. Mais j'en ai quand même parlé 3 heures. J'ai fait mon taf. Et toi, Zaza? Moi. C'est-à-dire, moi, je suis biaisé, en fait, dès le début, parce que Jackie Chan, pour moi, c'est quand même mon enfance. C'est affectif, quoi. Et même si, en fait, paradoxalement, le fait de préparer cette émission a un peu terni l'image de Jackie, il reste quand même ancré dans mon cœur. Et ben, on se quitte sur ces magnifiques. C'est ça, bravo. Merci à vous. Salut. Tu sens le groove? Allô, allô, messieurs les auditeurs. Dites-moi, où est passé l'argent? Aspiritus, Star Plus et El Pouillou. Est-ce que payer pour ça valait vraiment le coup? Donnez-moi la FK. Vous le rendra. Ou peut-être pas. Wow. Puissance Corse, Ertin, Plotuc, El Magus, Mornias, Euritos. Merci à vous, bande de bolos, de payer pour un truc gratos. Arset, Noël, Dernissos, Orjan et Pierre sous 80. Vous avez tous payé pour rien, c'est malin. Allô, allô, messieurs les auditeurs. Dites-moi, où est passé l'argent? Talouk Fennec et Bad Vador. Patrick va se payer une Rolex en or. Donnez-moi la FK. Vous le rendra. Ou peut-être pas. Wow. Red Mage, Daniel Olivo, Guillaume Mao, El Goreto, on vous dédie ce concerto à la mémoire de vos euros. Jérémy Franck, Brim 666, Vincent Bonal, Jesse Phyllis, vous êtes plus cool que Bruce Willis. Allô, allô, messieurs les auditeurs. Dites-moi, où est passé l'argent? Des Velles 13 à Mamia des Vernon. Merci de financer notre live à Vierzon. Donnez-moi la FK. Vous le rendra. Ou peut-être pas. Wow. César. Marc-Antoine Causse. Songe des Lilas. Sombre Armure. François Détroit. Monsieur Wall. Merci à tous. Ce qui s'appelle un bel investissement. Exactement. De l'argent bien placé. Qui va sûrement vous rapporter gros. Et qui rapporte à la France. car la FK est plus grande que vos erreurs. Et Patrick est éternel.